Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 106. J'espère que tout le monde est en grande forme. On est le soir et c'est spécial, j'ai des invités. Oui, on a une plus grande vision pour le son qui écoute en vidéo. Hein. Ah ouais, c'est ça, hein, ça change tout, là. On est complètement ailleurs. Ben déjà, c'est pas filmé avec ton micro de iMac, on a dans ton setup de rétro nouveau, fait que... On est next-gen. Next-gen, ben red. On n'est pas live, par contre, ça c'était too much gen. Oui. Là, mais je suis quand même fier de dire que c'est moi qui a réussi à peser sur power, puis à, tu sais, comme peser sur play à toutes les places qu'il fallait pour que ça marche. J'ai même pas eu besoin d'être là. Ben, tu vois, c'est ça, je voulais que t'arrives plus tôt, ben j'avais la chienne, mais finalement, j'ai tout fait ça en quelques minutes. Alors, c'est fantastique. Tu vas pouvoir enregistrer tes prochains, ça. Ben, pour vrai, quasiment. Ben, là, je pourrais faire ça tout seul ici. Martine serait plus en clean à venir, j'imagine. Oui, hein. En clean. C'est ça, en clean, je sais pas. J'achète que de conjuguer le mot. On dirait que ça a comme tout ça dans ma tête. Je pense que c'est juste en clean, mais. Elle est en clean. Ah, ouais, je pense que c'est ça. Mais elle est en clean aussi. Ouais. Fait que là, on va. Commençons par le commencement. Vous entendez des voix. Donc, je ne suis pas seul pour une fois, pour une rare fois. Donc, ici, à ma droite, on a monsieur. Nickel, Baroque Larouche. Yes. Que tu mentionnes assez souvent sur ton podcast solo. Puis qu'on avait commencé, en fait, les premiers épisodes du Papa Cassette Podcast, c'était avec moi. Oui. Je n'ai fait 3 ou 4. Puis après ça, je t'ai mis dehors. Tu coûtais trop cher. Ben, ça venait compliqué côté temps. Puis là. T'as changé de format aussi. Ben, non, mais j'ai décidé de le faire tout seul, justement, parce qu'en effet, pas que je voulais pas le faire avec du monde, mais je me suis dit, c'est plus facile, efficace, flexible, disons, avec les enfants et tout, si je le fais tout seul. Fait que c'est ça. Mais ouais. Mais sinon, t'es venu à Rétro Nouveau aussi. 3 ou 4 fois. Ouais. Je suis venu 2 fois avec Tribute, puis 2 ou 3 fois moi par moi-même. Dont lancement. La dernière fois, je pense, c'était le lancement des PS5 et Xbox Series X. Ah ouais, hein. Ah ouais, c'est ouais. Vrai. Bon, parce que. Toi, t'étais pas là. Non, parce que c'est ça. Parce que je connais rien là-dedans. C'est ça. Puis c'est. Puis moi, c'était la rare fois que j'ai acheté les 2 consoles next-gen de l'époque. Fait que, parce que j'ai réussi à avoir une PS5 avec mon ancien emploi à l'époque. Fait c'est que j'ai fait, je vais acheter la Xbox Series X, tant qu'à faire. T'sais. Un gars riche avec des belles machines. C'est ça. Puis aussi, bien sûr, tu es host, animateur du podcast Le Chat Cassette. Effectivement, oui. J'étais dans plein de projets. Je commence par le début. J'ai commencé par le Conservatoire Rétro sur YouTube. Oui, allez écouter ça. Oui, les 6 épisodes que j'ai fait. Parce que Chrono Trigger m'a brûlé, mélangé à une séparation, fait que ça, comme j'ai abandonné le projet. La même été, pour ceux qui sont en vidéo, j'ai le t-shirt des Power Chasers que j'ai fait avec Termina Slot, notre ami Carl Robert, Poelman, Nick Chalifou, Dej Thomas, Marie-Hélène. Marie-Hélène, ouais. J'en ai oublié un, me semble. Grétis était là de temps en temps. Grétis était arrivé plus vers la fin. Ah, ben, Joe, Zeph. Zeph, oui, Zeph, oui, j'oublie ouais, Zeph. C'est ça. Et de temps en temps, Cédric vient nous voir. Fait que c'est ça, c'est... J'ai fait un épisode. Ouais. Puis, c'est pas mal ça pour les projets web, en fait. Ouais. Puis sinon, dans la 5 plus anglophone, j'étais connu aussi pour... J'ai fait pas mal de hack MS1. Pour, en gros, ça, la MS1, c'est une puce d'extension fictive qui permet de soit lire de l'audio qualité CD ou d'accéder à 4 gigs de data. Fait que moi, j'ai modifié plein de jeux du Super Nintendo pour jouer de la musique qualité CD. J'ai fait toutes les Mega Man. J'ai fait Mega Man 7, X-1-2-3, Rockman & Forte, Chrono Trigger, Turtle in Time, Rock'n'Roll Racing, Secret of Mana, Top Gear 2. Je me sens que je n'oublie pas. T'as tout amélioré des affaires qui étaient déjà parfaites. Ben oui. c'est ça, mais c'était des hacks. Ah, Super Metroid. Super Metroid aussi. Fait que ça m'a donné un peu de noté dans le monde anglophone. J'ai fait une entrevue aussi à Retro RGB à cause de ça. Ok. Ouais, fait que... On l'avait invité à notre festival rétro aussi dans le temps qu'on faisait avec RetroGamer.ca. Ah, RetroGamer.ca, ben oui, c'est vrai. J'étais là-dedans aussi pour les vidéos puis le site web aussi. Fait que c'est pas mal ça. Un beau pédigree. Oui. Good. Puis il y a d'autres affaires puis on en reviendra après. Ouais. Sinon, vous avez entendu une autre voix ben aussi. Ben oui. Donc, qui es-tu, mon garçon? Kevin Wally, a.k.a. Mega Exhort. Ouais. Sur les Twitch. Exact. Puis moi, j'ai une moins grande feuille de route, là, mais... Ouais. Bon, on est dans le chat ensemble. Ouais, exact. Puis sinon, ben, c'est ça, je fais du Twitch, je fais du speedrunning de Mega Man 1, j'ai fait un peu de Mega Man 2, puis je fais du casual aussi chaque semaine. T'es pas mal dedans, là. Ouais, ben, dans le fond, là, c'est que moi, j'ai starté ça en me disant, on va faire du speedrunning, je vais l'essayer. Puis en parallèle avec la pandémie, j'ai starté du netplay. Parce qu'avec RetroWire, tu peux faire super facilement du netplay. Puis ouais, jouer avec quelqu'un à distance. J'ai commencé à faire ça avec un chum. J'ai dit, ben, on le stream dessus. OK. Fait que j'ai beaucoup. La majorité de mes streams, dans le fond, c'est ça. Ouais. Puis quand j'ai le temps, je stream solo. Puis je pense que c'est pas mal ça pour le projet, par exemple. Ouais. C'est moins long que Barbara. Ouais, non. Ben, sinon, tu travailles dans le domaine du jeu vidéo, oui, bien sûr. T'es programmeur. Ouais. Donc, comme moi aussi. Comme toi aussi, d'ailleurs. Donc, des vrais nerds, là, ouais, ici, là. Ouais. Et c'est des vrais nerds programmeurs. Parlant de nerds, veux-tu secouer le fil en arrière de la console? J'ai comme. Ça statique un peu, ça crépite là, comme un petit feu de camp en arrière là. J'espère que ça va pas fucker le truc là, mais c'est juste dans nos écouteurs, c'est juste dans c'est peut-être juste nos écouteurs. Je pense, ouais, que oui, je pense que c'est juste dans le motoring. Ah bon, ben parfait. Parle-moi de ça, des gars qui savent qui connaissent les machines. Fait que c'est ça dans le fond. Aujourd'hui, on avait pas vraiment de sujet précis. C'est pour ça que j'ai posé la question sur ma page Facebook. Puis on a de mes Patreons qui ont posé quelques questions aussi. Tu sais, moi je suis bien fatigué. Je suis complètement épuisé. Puis il n'y avait pas de rétro nouveau encore cette semaine. Donc ça irait à la semaine prochaine. Parce que dans le fond, on n'a pas le choix de faire rétro nouveau aux deux semaines. Puis quand le temps qui est supposé le faire, ça chie, ben là, ça nous repousse d'un deux semaines, fait que ça va être long là. Ça fait que Bruno joue à beaucoup de jeux. Oui. Là, ça fait qu'il y a beaucoup de critiques qu'il veut faire qu'il peut pas faire. T'sais. Ben je sais même pas s'il joue tant que ça présentement. Il a l'air pas mal busy le Bruno. Là, lui aussi travaille pas mal fort. Fait que il y a eu de la COVID, comme je disais, puis il y a des vacances. Il y a JF qui l'a eu, après Bruno l'a eu. Exact. Moi je l'ai pas eu, mais JF est en vacances, le Fred est en vacances. Puis Bruno est en vacances aussi avec sa COVID. Mmh. Fait que c'est ça fait pas mal d'affaires. Moi aussi, je vais être en vacances bientôt, mais c'est do or die pour Rétro Nouveau pour moi la semaine prochaine. Mais entre-temps, bon, c'est ça. Je me dis, Chris, les soirs sont libres. Pourquoi pas le soir ben, comme ça? C'est parfait. Et puis, il fait beau dehors. Je suis venu en bicycle à pédale. Fait que je vais boire plus que deux bières de microbrasserie Pixel qui commandite pas vraiment le podcast chez Papa Cassette. Mais son titre, fait que... Son titre tout le temps. Puis les Doritos du marché Bonichois, le neveu de la Verlochère. Donc, ces Doritos-là, faut pas les abandonner. On les a toutes reçus et puis il faut toutes les manger. Fait que si vous avez faim, vous vous servez, les garçons. Yes. Parfait. Yes. Ouais. Avant de commencer avec les questions Patreon, Michael, on voulait parler d'un projet que tu fais. Oui, ben c'est ça. Comme on peut pas voir dans le prix du gris, j'ai déjà un peu de projet, mais on a un vraiment sérieux que j'ai commencé en novembre, fin novembre, début décembre. En fait, quand j'ai quitté l'industrie du jeu vidéo. Ouais, j'étais chez Rogue Factor, la rien de place que j'ai quitté. Fait que là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir me passer mon propre projet de jeu de mon bord et pouvoir en parler publiquement sans trop avoir. Parce que dans les contrats, il y a souvent de. T'sais, tu peux tracer des jeux, mais t'sais, c'est souvent compliqué côté contrat, question de conflit d'intérêt. Donc, j'ai commencé à faire un shmup à la horizontale qui s'appelle Biomech Catalyst. Donc, l'idée de base, c'est un shmup style console. Ça veut dire que tu verras pas un high score nulle part sur le screen. OK. Fait que c'est pas le but de high score, c'est vraiment. Tu le vois-tu quand tu meurs à la fin puis tu prends non, un. Non, je veux pas. Il n'y a pas de high score, pas de score. Parce que tout, même les shmups modernes, tu sais, c'est ça, qui sont souvent à l'horizontale, à la verticale, même les jeux indépendants sont souvent encore très arcade. Fait que tu vois, il y a un score affiché à l'écran, tout comme ça. Ouais. Moi, je vais faire un shmup style console. Fait que dans le fond. Vraiment plus une progression plus lente, avoir des upgrades permanentes, avoir des weapons spécialisés. Fait que l'idée de base, c'est que en gros, c'est que tu prends Mega Man X, puis tu mets ça en chemin. Fait qu'il va avoir un stage d'intro, 8 stages, avec un boss thématique, genre un boss de feu, un boss de glace, un boss de désert, un boss... je vais donner les tableaux que j'ai. La neige, le volcan, la jungle... La gadoue. La gadoue. Un golem d'argile. Les mines. Les Ancient Temples, en gros, je veux faire comme un Maya. Un stage thématique Grèce, mais Méditerranée. Ah, ouais. Avec le boss, ça va être un Minotaur en Speedo rouge. Ah, ouais. Bel petit hommage à Shawaniki. Ah, ouais, à Crazer. Ben oui. Ouais, fait que ça fit avec le thème biomécanique, en gros. Fait que c'est ça, c'est pour ça biomech. Fait que c'est comme des moitiés organiques, moitiés robotiques. Ouais. Un peu comme les. les Evangelion en Neo-Genesis Evangelion, c'est ça l'idée de base. Fait que c'est ça, fait que chaque boss, tu pognes un weapon spécial, puis pareil, c'est le truc roche-papier-ciseau, tu vas avoir le weapon qui va être plus faible selon, ouais, pour battre les autres boss. Après ça, ça va être 4 stages, tu vas dans Mega Man X. Fait que c'est ça l'idée de base, c'est l'idée de shmup que je veux faire. J'ai commencé ce projet-là, genre, j'ai commencé le design doc en 2015, quand j'étais chez Tribute, je pense. Ok. J'avais commencé à faire ça dans mes temps libres, je n'avais pas rendu bien ben loin, genre, j'avais peut-être listé un peu des thèmes, des tableaux, lister les inspirations. Fait que c'est que l'inspiration, c'est genre Mega Man X, Super Metroid, Lords of Thunder, R-Type, Gradius, évidemment, parce que l'idée de base, c'est comme. L'affaire, c'est ça, c'est comme, tu sais, Gradius puis R-Type, c'est des jugements vraiment le fun, mais dès que tu meurs, le jeu, il est plus fun, pas en tout. Exact. Fait que c'est trop pour ça que je veux pas faire un jugement. Je veux faire des jugements avec des upgrades permanents, justement. Fait que c'est pour que le jeu reste le fun. En contrepartie, l'affaire qui va être plate, c'est que tu vas pas avoir des upgrades rapidement. Parce qu'une partie des qu'est-ce qui est le fun dans les shmups, c'est que tu upgrades ton weapon vraiment rapidement. Genre, fait que tu pognes ton 1, 2, 3, tout dépend du style de shmup. Ouais. Tu pognes tes upgrades vraiment rapidement. Fait que ça, c'est avec défi de design à avoir de comment je vais essayer de garder le momentum avec un P-shooter pendant l'autre. c'est vraiment ça le défi, de rendre un shmup le fun. Pis, t'sais, on aime tous ça, on a fait les shmups. Puis, man, quand tu meurs dans le milieu du jeu, tu dis, je suis aussi bien tout à recommencer. Non, c'est ça. C'est vraiment un défi important. Je vais faire de quoi l'accessible. Là. Ça, c'est vraiment important. T'sais, vraiment, t'sais, comme le jump de NES à Super NES, t'sais, déjà les jeux étaient un peu moins tough, t'es plus accessible, plus élaboré. Le style graphique, c'est ça, c'est un flou pixel. Pour deux raisons. Un, j'adore le pixel art. Oui. Un aspect important aussi, pour l'instant, je suis en solo dev. Je suis pas un artiste, fait que faut que j'apprenne à faire du dessin. Oui. Ça va être le fun, mais comme déjà, comme je fais mes mock-up pour le game design, je me suis pogné une tablette graphique, ma blonde va faire ça à Noël. Puis déjà, genre, semaine en semaine, je vois quand même une petite progression quand même. Même si c'est des mock-up que je fais comme en une demi-heure à une heure à chaque vendredi. OK. Fait que, non, je sens que ça va. Si je m'assis puis je prends des cours vraiment, tu sais, il y a des cours de pixel art sur Skillshare. Je commence à reverse engineering. J'ai plein de screenshots de jeux de Super NES parce que je me suis dit qu'une limitation, je veux que ça feel comme un jeu de Super NES. Je veux que ça look comme un jeu de Super NES. Fait que j'ai le même genre de limitation, ça veut dire. Avoir 15 couleurs par sprite, avoir deux couches de background, peut-être simuler, s'il y a du parallèle, mais je vais essayer de faire que ça s'aligne genre sur les lignes, genre sur les scanlines, genre, parce que c'est ça. Si tu voulais avoir plus de simuler, avoir plus de layers de background, mais il fallait que tu scrolls genre une partie du background séparément, fait que tu peux pas avoir comme un dessin wacky, genre qui s'overlap quand tu fais du parallèle comme ça, t'sais. Fait que ça veut vraiment d'essayer de penser, ok, j'ai 8 palettes de 15 couleurs pour mes bonhommes, j'ai 8 palettes de 15 couleurs pour mon background. T'sais, ça va garder l'imitation du Super NES. Ouais. Pour l'audio, par contre, j'ai décidé d'y aller vraiment all-in sur CD. Okay. Vraiment, comme ça, t'entendais pas parce que. C'est toi qui vas composer ça. Oui, oui, c'est ça. Oui, au clavier. ça, c'est une autre. C'est ça côté audio. Ça t'entendais pas parce que je trouve que faire de la chiptune Super NES moderne, c'est pas tant intéressant. Bah, c'est juste du sampling. Bah, c'est ça, il y a comme pas. Tu sais, il y a. Ouais, un petit détail. Faut parler directement dedans le micro ici. Ouais, on est habitué, c'est les mêmes micros qu'on comme a. Ça. Ouais, c'est ça, vraiment. Trop. Ouais. C'est ça, je trouve que c'est pas intéressant. Tu sais, c'est pas le. Tu sais, quand mettons, tu joues un. Je pense que c'est pur. Ouais, ben c'est ça. C'est comme, tu sais, quand tu joues un jeu rétro moderne, tu sais, quand ça sonne comme du NES, Game Boy ou du Genesis, c'est vraiment fucking cool. Mais le Super NES, c'est comme, ben c'est ça, c'est juste des samples. Fait que ça, avec ben du reverb. Avec ben du reverb, fait que. J'ai fait non, fuck it. Je vais y aller all-in CD, mais l'idée de base, c'est que j'imagine que je vais prendre mon clavier que je me suis acheté en 2011, qui s'appelle encore Chronos, qui est comme le top of the line workstation de Korg. Fait que j'imagine comme si t'avais ça chez, comme si chacun avait ça chez eux, tu le pleurais à midi, puis ouais. ça serait tu pograis la sortie audio, puis c'est ça que ça serait ça à sortir. Fait que ça serait, je vais utiliser l'imitation de mon clavier, c'est-à-dire j'ai juste 16 canaux. J'ai des. Je peux faire de la FM, je peux faire de la synthèse analogique, je peux faire des samples. J'utilise juste les effets internes. Fait que je n'ai juste comme ça. C'est ça, je vais regarder les limitations. Fait que l'idée de base, c'est vraiment comme si ton synthé qui jouait, mais si on voulait avoir comme une. Sur PC, t'as des cartes qui s'appelaient le Roland MT32. C'était vraiment des synthés portatifs en rack, là, en module. Là. Fait que l'idée de base, c'est comme si t'avais un Core Chronos en module quand t'écoutes la musique du jeu. Puis le style que j'essaie de viser, c'est que ça sonne pareil comme dans Gradius 3 Super NES. La raison, c'est que dans Gradius 3, t'as les trois synthèses. Fait que la base, c'est de la FM. Ça sonne comme un DX7. T'as de la synthèse analogique, t'as beaucoup de... Puis t'as des samples, t'as des choirs, des strings. Fait que ça te le... Mélange les trois, fait que c'est ça que j'essaie de voir pour la musique. Ça que sonne, je vise en tes cas. Ça sonne tellement bien, ce soundtrack-là, sérieux. Là. Ben, c'est pas mal mieux qu'à l'arcade, c'est ça, c'est le mélange des trois. T'sais, la base, c'est ça, t'entends. Quand tu. Quand c'est pas le même jeu qu'à l'arcade tant que ça non plus. Non, il est plus facile aussi. Ouais, il est pas mal plus facile. Vraiment plus fun aussi. Vrai, ouais, puis l'as-tu fini, Kevin? Non, non. Tu l'as acheté dernièrement. Ouais. Ben, dernièrement, début de pandémie à peu près. Ah ouais, tant que ça. Ouais, okay, déjà, je pensais pas que ça faisait. Déjà tant que ça. Fait que je le développe en temps partiel pour l'instant. Fait que les vendredis, je prends une heure et demie, deux heures pour travailler sur le game design. Ouais. Le dimanche, je travaille sur mon engin. Parce que ça, c'est un aspect très important. Moi, j'adore la technologie derrière le jeu vidéo. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi j'ai quitté l'industrie du jeu vidéo. C'est que l'industrie s'en va vers l'utilisation tout le temps d'Unreal, de Unity. Puis les engins maison, ben tu sais, ils restent comme. À Montréal, ils restent comme EA, puis Ubi, qui ont des engins maison. Ah oui, ok. Fait que c'était les options comme ça. Si je voulais travailler comme sur un engin, sur la technologie. Eidos, il... ils sont en train de le dropper. Ok. Ils sont en train de le dropper. Ils sont en train de switcher en Unreal. Fait que moi, j'adore ça, travailler sur ma prop tech. C'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai quitté Tribute, en fait, aussi. C'est que quand. Faire une histoire courte, j'ai été de Tribute de 2015 à 2018. Après, j'ai été sur un nouvel. J'ai fait Crisis and Chaos. J'étais un peu sur le nouvel engin. Après, j'étais sur Flint Hook. Après, on travaillait sur un jeu qui a été cancellé. Ouais. Puis après la cancellation de ce jeu-là, ben, GF, il voulait, tu sais, comme... Il avait découvert Godot, ça, tu sais, ça pourrait être... Puis c'est quand même de la job, puis du temps, puis de l'investissement, faire une engine. Fait que, je pense en switcher à Godot, puis fait, moi, ça m'a pas plu. J'ai essayé de tu sais, comme j'ai pensé, puis j'ai fait comme... Tu sais, j'avais été Tribute parce que j'avais la possibilité de travailler sur une engine. Puis là, tu sais, il est en train de me l'enlever peut-être. Puis, mais son choix à Godot, je perdais comme 50% de la raison pourquoi j'étais là, d'avoir été satisfait de comme avoir chipé un jeu avec ma propre tech. Fait que j'ai juste quitté. Ouais. Fait que c'est pour ça que pour mon propre jeu, je fais ma propre tech. Ouais, j'adore. C'est vraiment le. C'est le truc que j'attends le plus à chaque semaine, c'est de travailler sur la tech. Des fois, le game design, je commence, ah, c'est tough, là, faut vraiment que tu te mettes un mind plus créatif. Des fois, c'est pas tout le temps évident. Comme la dernière fois que j'ai fait du game design, c'était, je traçais des ennemis. J'ai comme tout fait un peu de... Je pense que le design que j'ai trouvé le plus cool là-dedans, c'est comme un skidoo tank. Fait okay. Qu'avoir un skidoo, genre, mais comme avoir deux personnes dessus, un qui conduit le skidoo, puis l'autre qui conduit comme un... La mitraillette ou whatever, ouais. Là, comme le fusil en arrière. Là. Comme sur tout bon skidoo. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça, je veux donner une touche québécoise. Ah ouais, hein? Ça, ah ouais, québécoise. Ça, je vais solo, on peut-tu laisser ça dans le cours? Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça que tu sais. Y a-tu une cour en fait pour faire. Faudrait que je mette une cour. Faudrait que tu te mettes une cour pour marquer ton vaisseau. Ça, je vois la joke. C'est ça. Même touche Québec, comme les personnages sont québécois ou d'origine québécoise, c'est-à-dire. Soit un gars de Val-Alain, un gars de Saint-Lin, une fille de Victoriaville. Non, c'est ça. Présentement, dans l'histoire, le pilote, il vient de la Lune, mais il est d'origine québécoise. OK. Il y a trois personnages, en fait. T'as le pilote, t'as la mécanicienne, avec ce que l'engin, puis le biologiste. OK. Fait que la mécanicienne vient du Saguenay. OK. Parce que, à cause du CAC, tu sais, parce que j'ai étudié là-bas avec Kevin. Fait que, puis il y a gros le département d'ingénierie quand même assez fort là-bas. Le biologiste, il vient de la rive sud de Montréal. OK. Puis, une place, ça, que t'as à cœur, ça? Non, juste que je trouvais de quoi. Non, je trouvais que ça fitait. Ah, ça. C'est biologiste de Longueuil. C'est ça. De légendaire personnage. Ouais, fait que c'est ça. Ouais, c'est. Puis le pilote, il vient de la Lune, parce que c'est ça, moi, j'adore Gundam, fait qu'il faut qu'il y ait des colonies spatiales quelque part là-dedans. Ouais. Je trouve que les colonies spatiales, c'est des designs qui est inspiré des années 70, les colonies qu'on appelle style O'Neill, comme une espèce de long tube, pas circulaire, mais comme... Si je perds c'est le comme un pénis. Cylindre. Ouais, un cylindre, merci. Un cylindre. Ben, comme un pénis aussi, on peut dire. Oh, ouais, c'est cylindrique. Fait que c'est ça. Phallocentrique, fait... comme on dit. Ouais, fait que c'est ça. Enfin, en gros, c'est comme classique grosse corporation qui prend un peu trop de pouvoir, qui veut dominer le gouvernement. Fait qu'ils... Ouais. Ils ont comme terraformé une planète, puis là, ils font développer des weapons biomécaniques. Fait que c'est ça le gist de l'histoire. Fait que c'est ça. Il y a d'autres questions qui demandaient quel genre de jeu que je voulais faire. Après, j'aimerais beaucoup faire ça. Ouais, après. Après, on verra. Parce que c'est... Là, quand est-ce que je peux acheter... Il va avoir l'engine. Ouais. Facile, après. Un coup que l'engine... Il n'y a rien à faire, après. Mais ben oui, c'est quand est-ce que je peux acheter ça en format physique, Limited Run pour Switch? Là, c'était un beau schmop québécois, là. Je dirais, ouais, plus 2026. God, j'espère être encore vivant rendu là. Ouais, c'est ça. Fait que si je le ressors avant quand j'ai 40 ans, je serais bien heureux, mais tu sais, on verra. Tu sais, c'est ça à temps partiel. Je prévois quand même y aller à temps plein. Éventuellement. Ouais, un moment donné, ouais. On espère que ton employeur n'est pas à l'écoute. Non, c'est ça. Non, effectivement. ah, mais inquiétez-vous pas, ça va être dans 3-4 ans. Fait que j'ai encore bien de... On va tous être morts de la COVID. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est sûr que oui, je dis après. J'aimerais... Si j'ai une idée déjà après, ce que j'aimerais faire, ça remettrait de Vragna. Vraiment, ouais. Là, j'ai pas une idée vraiment de quel genre de mécanique que je ferais. Je veux juste. Un exploration platformer. Ouais. J'ai décidé que j'appelais ça demain. Ouais. J'essaye de spreader l'expression. Ben, je veux vraiment, c'est vraiment comme mon deuxième. Après le shmup, c'est comme un projet. Pour faire l'autre projet plus ambitieux. Même si déjà, tu sais, un shmup, c'est beaucoup de art, on va se le dire. Fait que c'est ça la partie qui est plus à risque. Mais c'est quand même un plus petit scope que faire un exploration platformer, je dirais quand même. Yes! Ouais, mais là, tu veux tout faire ça tout seul aussi, mais qui sait, au cours de l'aventure, peut-être qu'il y a des gens qui vont reach out. D'ailleurs, on en parle ici. S'il y a des gens à la maison qui... sont qui willing ont, de, comme, de faire... De pas faire une scène, mais d'avoir un beau projet. Oui. Là, avec... ben, de pouvoir, c'est ça, de comme embarquer en rev share, parce que c'est ça le truc. C'est comme, moi, je pourrais pas vous payer. Là, comme, exactement. Comme j'accumule de l'argent de côté, mais c'est pour survivre moins pendant qu'au moins comme un an et demi, deux ans. Puis c'est après, ça. C'est... comme idée de financement, je vais essayer de faire un Kickstarter, je pense ouvrir un Patreon. Ben, certainement, ça serait une bonne idée. Patreon, quelle autre affaire? Peut-être essayer de faire un GitHub, comment ça s'appelle, supporter? Fait que, tu sais, comme j'ai là des librairies open source aussi pour, mettons, comme j'ai ma propre librairie d'images, comme je pourrais comme avoir des sponsors GitHub. Tu sais, j'essaie de varier mes sources de revenus, peut-être essayer le CMF aussi, tu sais, il y a plein de... Tu sais, on est à Montréal puis autour Québec, tu sais qu'à la guille, il y a tellement de ressources pour partir. Ouais, c'est ça. Le panier bleu aussi. Oui. Non, mais il y a de quoi au Québec, comment ça s'appelle, dont... la guille. Le Kickstarter du Québec. La ruche. La ruche, voilà. C'est pas cette petite ruche-là où devrait être. Non, ça a pas... Ah, man, à chaque fois que j'essaie de m'adresser au Québec pour avoir de l'aide, on nous en propose pas tant. c'est pas des gros montants, c'est pas des grosses affaires. Il y a Mickaël Julien qui m'a comme brisé ma bulle, hein, qui me disait que le crédit multimédia s'applique juste à des entreprises de comme un certain nombre d'employés. Alors, je suis comme, oh, je comptais là-dessus, moi. Ouais. Hey, écoute. Engage du monde. Ouais. C'est ça. Oh, ouais. Fait que non, je suis pas fermé à l'idée. C'est sûr que j'aimerais. Il y a quand même une partie de moi qui aimerait ça, garder ça tout seul juste pour voir à quel point je peux le faire tout seul. Ben, c'était capable. Mais après, pour la suite, ou même après. Tout dépendant de la personne, je serais pas contre d'avoir quelqu'un, surtout pour l'art. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas ma force, on va se le dire. Ouais. Puis à un moment donné, ben, ça devant. Ouais, devant. En tout cas, ça rapproche ta date éventuelle de sortie si t'es plus que toi, que juste un one-man army. Non, t'sais. C'est ça. Veut dire, c'est la limite. Il y a ça aussi à un moment donné, là, que c'est le fun que le projet voit le jour. Oui, c'est ça, exact. Et puis, tu sais, je construis l'entreprise. On se rend ben oui, mais l'entreprise, c'est beaucoup l'engine aussi. Puis comme Kevin dit, une fois qu'il est fait, ben là, t'as moi qui est solide, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est une joke, hein, il y a plein de jobs à faire après, mais... Non, mais je veux dire, la base, c'est ça. Ça, c'est comme de quoi de plus à faire pour le premier, puis après ça, tu l'utilises pour... Ben, il y a moins de... Tu vas peut-être avoir passé 2-3 mois à acheter des nouvelles features et des dettes techniques, mais sinon, la base est là, tu sais. Ouais. C'est quoi je voulais dire après ça? Fait que je suis vraiment mindé de pas faire ça tout seul tout le temps. Je construis l'entreprise, même sur mon Discord. C'est pas comme Callback Creator avec pas de S, c'est avec un S. C'est vraiment penser qu'il y ait du monde éventuellement qui vienne là que je puisse payer pour avoir du monde, des programmeurs, des artistes, des game designers et tout ça. Ben oui. Bon, ben écoute, c'est ça. On souhaite bonne chance avec ça, mon ami. Est-ce qu'on peut participer d'une façon ou d'une autre à ça? C'est encore un peu tôt. C'est pour y a-t-il une discussion de ça? J'ai un Discord. On postera dans le lien. Je suis pas bien bon là-dedans, Mike, pour poster des liens. Je le ferai au pire. Fait que la compagnie va s'appeler Cold Bites. Cold Bites, comme octet froid. Fait que je voulais aussi comme représenter le Nord dans mon nom. Le premier nom que j'avais aussi, c'était Norton Cartridge, mais c'était trop compliqué, fait qu'on l'a changé. C'est dur à dire, cartridge. Ouais. C'est pas... C'est parce qu'en France, ouais, c'est ça, en anglais, ça marchait plus ou moins. En français, ça aurait fait les cassettes du Nord, ça aurait été parfait, mais bon, malheureusement, le marché est différent. Fait Cold Bites, il y a déjà un Discord, puis c'est ça, comme j'ai... Vu que j'ai pas de art, c'est comme moins le fun à comme faire comme check comment c'est. What? Ben non, t'es là, puis tu poses tes affaires. Aujourd'hui, je travaille là-dessus. Je pose des updates de game design. Comme je suis bien faire des deux sketchs que j'ai fait. Là, comme deux ennemis que j'ai fait. J'en ai un que j'ai fait comme un robot excavateur qui a comme juste une pelle, comme une grosse pelle mécanique comme bras. Ouais. Je trouvais ça vraiment satisfaisant. Puis l'autre, c'est comme. C'était comme un hybride, genre de. Tu sais, l'espèce de oiseau dinosaure qu'il y a dans Mario Bros 2. Je sais pas si ça dit quelque chose. Tu sais, qui est rouge, là. Qui vole, là. Ouais, qui vole. Ouais, ouais, il arrive par plusieurs. Ouais, c'est pas embarqué dessus. Ouais, à contresens. Non, les ennemis mélangés. Tu sais, j'avais comme l'idée en bord. J'avais les. Tu sais, dans Horizon Zero Dawn puis Forbidden West, t'as des ennemis qui ont comme des pages d'acide, là. Ouais. Fait qu'il y en a un, c'est ça, c'est lui qui va pitcher des flammes dans le vol. Dans le niveau de volcan. Fait qu'il va avoir une page, genre, avec plein de. Genre d'huile ou trucs comme ça pour. Dans Horizon, ils appellent ça un sac. Fait que ça doit être le vrai terme. Si fait que c'est ça. Sac. Ouais. Fait que c'est ça, c'est vrai que j'ai comme mélangé ces deux affaires-là ensemble. Fait que je suis quand même fier de mon design. On l'a eu déjà. C'est ça. Mais question, t'avais-tu déjà fait du design avant? Non. Ok. C'est fait que ça. Comme, je suis nouveau en design. J'ai rien pas fait de design avant. J'ai pas fait de game d'art, évidemment. Musique, je n'ai déjà composé un 2-3 tunes, mais comme c'était vraiment plus de la loc que d'autres choses, je t'avouerais, mais comme j'ai plus de background en musique, tu sais, comme en design de son, en composition moins, mais tu sais, en musique, j'ai joué de la musique longtemps, je sais, programmé un synthé. La programmation, c'est là que c'est vraiment en force, c'est là. On s'entend que je suis vraiment craqué de faire mon propre engine avec ma propre tech de rendering aussi, fait que. Ça, c'est une autre affaire. Parler d'une carte graphique, c'est compliqué en tabarnak. Fait que. J'en doute pas, pas en tout. C'est beaucoup de job. Si vous checkez mon channel programming sur mon Discord, c'est comme hey, j'ai travaillé sur le rendering en truc 3D, puis ça fait juste une texture. c'est vraiment pas excitant, mais. Il faut se rendre. C'est excitant pour certaines personnes, ouais, c'est ça. Ouais. Faut connaître ça. Fait que je pense qu'on a fait le tour. Là, ben oui, ça. Absolument. Ben merci pour tout ça. Puis j'espère que ça va marcher. Oui, moi, écoute, je trouve que c'est un bel hybride shmup megamanesque. Les personnes que je parle du projet sont vraiment emballées par l'idée. Comme ah ouais, c'est vrai que c'est pas fou de faire ça. Ben oui, absolument. Puis je mets vraiment, je pense que c'est le premier projet depuis un long temps que je suis vraiment très focus. Puis je suis vraiment comme assidu. À part quand j'ai pogné la COVID, là, côté programmation game design, ça a pris une drop de comme 3 semaines. Mais après ça. Le game design, il prend plus le bord des fois, là, parce que des fois, comme j'ai des trucs sociaux le vendredi, fait que là, je suis comme... Ouais, c'est important ça aussi. C'est ça, vu que c'est ça, puis je me mets pas... Tu sais, j'ai pas de deadline, fait que ça me dérange pas si je skip une fin de semaine ou deux, fait que non, ça... C'est ça. Ben, c'est parfait. Sinon, j'avais des questions de mes Patreons. Vous êtes dans mon chat, vous autres? Ben oui. Payez pas, par exemple, hein? Oui, je paye. Ah ouais, vous payez. Chris, merci, les gars. Je donne des chips, là. Mangez-en. Mais tu m'avais ajouté, sans que je sois Patreon, savais pas qu'il fallait être Patreon. Je me suis dit, hey, t'as un Discord, tu me donnes-tu le lien? Tu vas le donner? Puis je me suis dit, hey, il faut... Normalement, c'était un perk de Patreon. Fait que je me suis, après ça, j'ai rectifié le tir. Ben, pendant la COVID, tu sais, je me suis dit, je vais monter mes affaires, je vais avoir des perks, puis tout ça. Puis là, bien sûr, encore une fois, c'est comme, c'est bien compliqué tout ça. Donnez-moi de l'argent si vous voulez, puis ceux qui m'en donnent, ben, je donne le lien Patreon, Discord, et puis venez me jaser. Puis, on est 15 joueurs, OK. Parce que j'ai l'impression qu'on est 3 ou 4 seulement. Je pense qu'on est genre 10, 15, je sais plus le nombre. On est 4 à parler à peu près, puis les autres, ils observent. C'est correct, là, c'est pas... Puis tu sais, comme je le disais sur un autre épisode de mes podcasts, je suis pas souvent là-dessus. Tu sais, quand il y en a un qui poke de quoi, on rigole un peu, puis c'est pas mal ça. Fait que, mais non, d'ailleurs, je vais avoir des nouveaux Patreons à qui je n'ai pas donné le lien. Il faudrait que je leur shoote ça. Il y a moyen de rendre ça automatique. Je sais que le Discord de Yotego, c'est ça qu'il fait. Ah ouais, hein? Ouais. Hmm. Yotego? Le gars qui fait les core et Mister de ta carte. Ok. Ah ben, on va checker ça. Mais sinon, j'en ai pas beaucoup, alors je peux juste faire une shot. Ben, je peux envoyer un email à tout le monde, puis ça le fait. Fait que l'un de ces valeureux Patreon se nomme Larry, très chic type. Et puis, il va avec une question très compliquée pour laquelle j'ai pris des notes. C'est quoi les gros classiques de Grise qui vous manquent encore à battre pour être fier de vous? Je vais essayer Kevin commencer, vu que j'ai parlé beaucoup. Ouais, on a parlé beaucoup. Vas-y, Kevin. Ben, facilement, Ninja Gaiden 3, là. Ah, tu l'as pas fait, le 3? On l'a fait avec Martine, on a fait la version japonaise. Ouais, mais ça compte pas. Là. C'est ça, c'est une pratique. Pourquoi ça compte pas? Parce qu'il y a pas toujours. Dans la version US, il y a pas toujours des continues. Pas toujours des continues, puis le jeu est même plus facile. Hein, genre, ouais, c'est vrai, il donne plus d'épées. Mais il y a quand même le feat qu'on l'a passé genre à 2h du matin. Ouais. On l'a starté à 2h, fait que c'était quand même un vrai, projet ambitieux. Vous l'avez starté à 2h du matin? Je pense qu'on a parti la version. À 2h de l'après-midi? Non, du matin. Arc! Je pense qu'on a starté la version US. Vers minuit 1h, puis maintenant, je fais « Hey, on met ça à japonaise. Mm-hmm. » Puis là, on l'a clenché, puis on a fini vers 3h. C'est ça, moi, j'aime beaucoup fait comparer. Fait qu'il était quand même tard pour... Ouais, j'avoue. C'était ambitieux, c'était très ambitieux comme ça, projet. Moi, j'aime bien comparer comme la version japonaise comme la version normale. Oui. La version US comme la version expert. Pas hard, expert. C'est ça. Fait qu'il y a ce projet-là, puis justement, on voulait le faire ensemble avec Martine. C'est de faire ça. Fait que ça, c'est vraiment mon numéro 1. Puis sinon, c'est con, là, mais STRC Pro AM. Ça se finit, ça? Ça se finit, certain. Chris. Mais l'ordi, elle triche. Fait que c'est rough. Comment ça, qu'elle triche? Il y a Rare sur NES. Rare, il y a tout le temps quelque chose de weird avec le jeu. Mais il y a un char. Pas dans toutes les courses, mais à un moment donné, je connais pas les règles, là, si c'est random. Mais il y a un char qui pop, il a pas la même couleur. OK. Puis lui, il va plus vite. Demain, il apparaît. Fait que la seule manière de gagner, c'est genre réussir à le dépasser puis de toujours le bloquer. T'sais. OK. Mais je serais quand même vraiment fier de le finir. J'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai jamais réussi. Mais pour réussir ce jeu-là, il faut que tu sois dans le top 3 tout le temps. Jamais le quatrième. C'était ça, me semble. Hein? Ouais, c'est mais ça. Mais tu peux-tu recommencer à ta course? Y a-tu des continues infinies? Je m'en rappelle plus. J'ai jamais tant joué à ce jeu. Là, je m'en rappelle plus si c'était des continues infinies, mais il semble que non. Ouais. Puis si tu finis juste troisième, t'as pas assez de cash pour bosser ton char. C'est dans le 2, ça. C'est dans le... Ouais. Y a pas de boost. Y a pas de boost dans le 1. Hein? Y a pas de boostage dans le 1, c'est vrai. Mais je me rappelle d'avoir abandonné. Puis ben, je me dis ça. Que s'il y avait tout le temps des continues, j'aurais sûrement pas abandonné, puis j'aurais essayé de le finir. Puis là, je me dis, de la merde avec ça. Mais ouais. Fait que ça, c'est top 2, c'est ça. Sinon, projet que j'ai jamais, toujours un peu commencé, puis jamais fini, c'est Adventure Island. Ouais, le 1, il paraît que c'est impossible, c'est-tu. Mais Ça se fait, mais ouais. J'ai jamais fait. J'ai fait Wonder Boy. Il y a Vintendo qui m'a dit que... Lui, il l'a fait d'Atlas. Ouais, ça c'est une autre affaire. Il est sacré en tabac. Mais qu'à la fin, il y a de quoi, là. C'est à la fin que ça chie. Parce qu'au début, tu pognes une affaire qui te donne des continues illimitées. OK. Puis ça, faut que tu le pognes. Hein, je savais pas. Ouais, c'est un genre d'urne, là, je sais pas quoi. Puis ainsi, t'as des continues illimitées pour le restant du jeu. Mm-hmm. Fait que c'est pas triché, c'est dans le jeu, tu sais. Fait qu'un coup que t'as ça, je me dis, piece of cake, est-ce-tu, à force de grinder, il va réussir. Mais il dit qu'à la fin, tu peux pas, tu sais, je me rappelle plus, là. Faut que tu battes tout d'un coup, puis que lui, ça y a pris des jours et des jours et des jours. C'est comme, c'est Vintendo, ça y a pris un mois à faire ça. Ben lui, il veut faire des sans mourir, fait que là, c'est un autre niveau de difficulté. Ouais, non, mais sans mentionner ça. Ben tu vois, j'avais ça sur ma liste, moi aussi. Tous les Adventure Island. Ouais, les trois. Mais les deux autres, je pense, sont faciles. Puis c'est moi, ça. J'ai déjà fait les versions Game Boy de ceux-là. Ouais. Parce que ça. Le 2, c'est le premier au Game Boy. Le 3, c'est le deuxième au Game Boy. Ouais. Ceux-là, j'ai déjà fait. Ben moi, mon 2, j'ai perdu ma game, mais j'étais rendu à moitié, tu sais. Puis c'était pas dur. Là, non, c'est pas particulièrement difficile. C'est funny. Comme ça save. Ouais. Ben, tu fais juste continuer où t'es rendu. Puis tu peux même revenir dans un autre tableau, te chercher des dinosaures comme Power. Puis d'autres power-ups, même, que tu peux avoir. Fait c'est vrai. C'était un beau jeu, ça, dans le temps. Quand ce jeu-là est sorti dans le temps, j'étais comme, waouh, quelle suite, tu sais, comparé au premier qui est quand même très répétitif et fucking hardcore. C'est un jeu d'arcade à la base, hein, c'est ça. Puis le 2, j'étais comme, waouh, on est vraiment ailleurs, la petite musique, les petits dinosaures, tu sais, qu'on accumule, puis tout, c'était cool. Ouais. Mais c'est surtout le 1 qu'il faudrait. Les autres, je sais que ça se fait. Le 1, ça a l'air vraiment d'un bon. Absolument. Un bon challenge. Sinon, moi, j'avais Double Dragon 2 et 3. Ah ouais, t'as jamais fini ça? J'ai pris le temps de faire le 1 à un moment donné parce que dans le temps, il y avait RDS, jeux vidéo, le défi NES RDS. Puis j'avais calé Double Dragon 1, puis Chris, c'est dur en tabarnak. Mais à force de jouer, j'étais dedans, là, tu sais, puis j'aimais ça, puis les upgrades, les moves, je savais où aller, je savais quoi faire. Puis il y a juste à la fin le gars avec la mitraillette. À un moment donné, le truc d'aller en bas, puis là, il peut pas te toucher quand t'es genre sur le frame du bas, juste avant de tomber dans le trou. Ah. Il, comme les balles te passent au-dessus, mais tu le punches pareil. Je connais pas cette fait que là, il... Je l'ai jamais fini, il cette version. Pas. J'en ai fini d'autres versions, mais ouais. Celle-là, jamais. Puis Jimmy après ça, fait que c'est ça. Mais moi, c'est, j'ai fini celui-là, puis j'étais fier, j'aimais ça, puis je l'ai travaillé, mais crime, en le travaillant comme Ninja Gaiden 3, j'avais tout le temps de plus en plus de plaisir. Le 2, on dirait que tout le monde finit ça facile. Ouais, moi, je suis pas capable de faire ça. C'est pas facile. À Expire, là, pas... Supreme Warrior. Ouais, Supreme Warrior. Pour avoir la vraie fin, t'as pas le choix. Non, t'as pas le choix. Faut jouer à ça. Ouais. Mais. Non, c'est tough, là. Surtout le petit bout de platforming. Là. Ben, c'est tout le temps c'est frustrant, ça. Ouais. Ça, le truc, pour vrai, tu te fais un state-là. Tu pratiques ce bout-là pour le comprendre. T'as raison. Là, tu fais OK. Là, tu le fais d'une oreille. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Nous, c'est ce qu'on a fait. Parce qu'on, c'est un des premiers jeux qu'on a fait dans notre play. OK. Puis on a dit, hey, c'est ce bout-là, là, on va arrêter de... On va le mémoriser, ouais, là, sans que ça me prenne comme 45 minutes, m'y rendre à chaque fois. Ouais, là, c'est ça. Que... Ça apprend ta distance. Ouais, ça, je pense qu'on est doomé, mec. Il va avoir de la statique tout le temps. Ah, oh. Sinon, le 3... Le 3 est très difficile. Nick Chalifou le faisait, mais il y avait toute une technique. Ouais, là, mais c'est parce que le 3... Il est continu limité, il me semble, dans le 3 aussi. Non. Oh non. Hey man, non, t'as juste une vie. T'as juste une vie. Ah, that's it, oui, c'est ça. Continue. T'as une vie par personnage. C'est ça qu'il faut. Ouais, c'est ça. Fait que là, quand tu gagnes, à un moment donné, tu recrutes... Chaque fois que tu bats un boss, il join, finalement. Ouais. Fait que dans les autres tableaux, quand tu fais « Ah, ben, je vais crever », tu switch. Tu swap de personnage. Fait que là, tu crèves pas. Puis il y en a qui sont vraiment moins forts, fait que t'essaies de garder tes plus forts pour les boss. Ouais. Puis, à partir. Il y a un level. Le jeu te le dit jamais. Mais tu finis un level à un moment donné, puis tu te donnes un continue. Ah! Puis tu le sais pas. Ok. Mais là, parce que quand t'es rendu là, ça se peut que t'aies deux personnages de mort, et t'en as juste deux. Là, quand ils crèvent, tu pointes un continue, là tout le monde est plein. Tout le monde est plein en là, vie. Là, c'est la dernière ligne droite. Mais c'est un jeu qui pardonne pas mal moins. Il faut vraiment que crowd control à fond. Ah ouais. C'est vraiment pas la même. Même si visuellement c'est très similaire aux deux, il faut pas que tu joues pareil pantoute. Ah non, pas mais pantoute. C'est... Une fois que t'as catché, il est vraiment fun. Oui, puis je trouve crissement beau aussi, ouais. Là, de la façon que tes personnages se tiennent, là, comme ils veulent péter des gueules, là, ils ont la face noire, là, ombragée, puis c'est juste du NES, là, mais Chris, c'est nice, là, c'est plus loin, là, puis ça paraît, là, j'aime bien ça. Là. Sinon, Michael, t'en as-tu? Oui, moi, ça va être facile, c'est les jeux de Natsumi au NES. Comme t'en as fini pas aucun? J'ai pas fini Power Blade, j'ai pas fini Power Blade 2, j'ai pas fini Shatterhand, j'ai pas fini Shadow of the Ninja. Genre les trois... Dragon Fighter non plus, genre... Scat. Scat non plus, ouais. Colin, je te demanderais de sortir. Ben, j'avoue que dans cette liste-là, j'ai juste fini Shadow of the Ninja. Ah oui? Moi, il y a juste Power Blade 2 que j'ai pas fini. Ils sont sur ma liste de genre, faudrait... J'ai pas tant joué à Power Blade ou à Shatterhand. Power Blade, c'est un des plus faciles. Ouais, c'est sur ma liste tout doux, mais comme j'ai pas joué, je les considérais pas nécessairement tant difficiles que ça. C'est lui que je me suis rendu le plus loin, Power Blade. Bah, Shadow est quand même rough. C'est il est tough, ouais. Celui-là, c'en est un qui m'intimidait pas mal. Aussi, Kabuki Cabin Fighter aussi. Ah oui, ouais. C'est faisable, ça. C'est tout faisable. Ça. Ouais. Star Tropic, c'est vraiment plus du NES. Moi, je l'ai aussi. Ben, quand il disait grise, moi, je me suis concentré sur le NES. Au Spanish, j'essaie de me rappeler comme fini Gradius 3, ça serait même pas pire. Moi, j'étais au dernier niveau, man. Tu sais, quand ça va super vite. Ouais. C'est là que je coinçais. R-Type 3 aussi. Ah. Oh, ça c'est rough. Hein. Ça c'est. Spanish, c'est pas mal ces deux-là. Tu sais, les principaux. C'est ça, c'est. Comme je disais tout à l'heure, tu sais, les jeux sont un peu plus faciles au Spanish parce que. Mais il y a encore la location, mais tu sais, les jeux t'es un peu plus long, t'es plus élaboré. Fait que... En général, c'est un peu moins clunky aussi. Ouais. Fait que des fois, c'est, ça permet plus. Ben, c'est Spanish, comme moi je dis souvent, tu sais, comme sur NES, la librairie est comme plus. Tu sais, le jeu le fun est comme plus varié, tu sais. Fuck. Ça va? Mon micro, il a comme coupé. Ah. On t'a entendu. Nous autres, on était correct. Je pense que c'était tes écouteurs. Là. Ah, ok. Fait que, tu sais, c'est ça, comme tu sais, sur NES, tu sais, il y a un bon 80-100 de jeux comme, qui sont vraiment le fun. Mais sur Super NES, dès que tu sors des 30-40 qui sont excellents, c'est la drop est vraiment solide, genre. c'est comme c'est pas autant balancé. Fait que, tu sais, mais les jeux qui sont comme moyens au NES sont comme, tu sais, t'as quand même réussi à avoir du fun. Les jeux moyens au Super NES, non. Il y en a beaucoup de jeux moyens au NES qui sont pas pires. Ouais, t'sais, qui sont faits. Je sais pas, moi, Astyanax, mettons, tu sais, c'est pas. C'est pas malade, tu sais, mais Chris, c'est pas si mal, tu sais. Puis moi, j'en ai un autre, Conquest of the Crystal Palace. Ouais. J'ai commencé ce jeu-là, j'ai pas fini, mais je suis pas loin, tu sais. Toxic Crusader ou The Avenger. J'ai jamais joué à Toxic Crusader. Ben, c'est pas très bon. Ça finit aussi que tu fais tout le temps le même move, péter la gueule au monde, mais tu sais. C'est un beat'em up? Oui. Ok, okay. Mais c'est des jeux corrects. Un jeu de Bandai, les jeux de Bandai au NES, c'est pas juste du bon. Au Super NES non plus. Ouais, c'est ça. Hein. Ah, les jeux de Power Rangers sont fun. Ben, c'est des jeux de Natsume que publient par Bandai. Ah, ouais, c'est vrai. Ah, ouais. Quel jeu Bandai? Pour moi, c'est des jeux, ouais, c'est vrai, c'est Natsume. Quel jeu Bandai font? Ben, au NES, il y a Monster Party, que j'aime bien. Shelby Cherub. C'est Bandai. Oh, man, ces vieilles affaires-là. Le Dragon Ball. qui est Dragon Flying Dragon. Je sais plus comment il s'appelle en version US, là, mais c'est le jeu de Dragon Ball au NES. Là. Dragon Pop, non. Flying Power. Dragon. Non, c'est d'autres choses. Non, c'est comme un jeu. Ah, Dragon Power. Dragon Power, c'est ça. Le... Ouais. Parce qu'on connaissait pas ça, nous autres, Dragon Ball, dans ce temps-là. Exact. Moi, j'étais comme, Chris, c'est quoi cette bizarre d'affaire-là? Il y a comme des personnages avec des faces, ouais. Tu sais, qui... On dirait que c'est quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Je viens de la Beauce, il n'y a pas d'Internet. Ben, nous autres, au Québec, je voulais jamais louer ce jeu-là parce que ça avait de la merde, mais il y a plus rien. C'est ça, au Québec, nous autres, on connaissait Dragon Ball à cause c'était publié en France, puis on importait les mangas. Mais ouais. En Amérique du Nord, ça a pris du temps. Aux États-Unis, ça a pris du temps avant qu'ils découvrent Dragon Ball, là, comparé à nous autres. Non, mais j'ai lisé quand il sortait. Ouais. Donc. Moi, sinon, j'ai toutes les lolos. Avez-vous fini des lolos? Non, j'aime pas ça. Désolé, Martine. C'est comme... J'aime pas ça, les lolos. J'ai la toune du premier, man, marquée dans la tête à jamais. Là. Ah, ouais. Et voilà, là, c'était la loupe au complet. C'est ça. C'est comme une loupe de 20 secondes. Battletoads, personne n'a fini ça. Ah, ça, j'aime pas ça. J'ai comme pas envie. J'ai même pas envie d'essayer. Ah non, c'est ça. C'est trop intimidant. Les jeux de Rare au NES, c'est comme... Si, à un moment donné, j'avais lu à quelque part, ma mémoire est un peu fuzzy là-dessus, que comme, tu sais, en les jeux européens, les autres, genre, ils voulaient juste comme waver avec la techno, genre, c'était pas grave si tu finissais pas le jeu, genre. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme plein de jeux européens, genre, que le design est comme fucking dur pis impossible pis pas rapport, genre. Ouais. Mais comme techniquement impressionnant, hein? Battletoads est exactement ça, tu sais. Non, totalement. Le seul que j'ai tenté, c'est Battletoads Double Dragon. Ouais. Au NES. Plus accessible. Au début, c'est le fun. Puis à un moment donné, ça devient comme Battletoads. Oui, hein, ça devient impossible. Ça devient plus le fun. Avec, surtout à deux, il y a un bout avec des conveyor belts, tu sais, des tapis roulants. Là. Ouais. Tu sais, comme Rare, ça leur a pris le mentorat de Nintendo pour qu'ils fassent des excellents jeux. Là. Ouais, c'est ça. Ils étaient trop crinqués. Ouais, c'est ça. Tu sais, avant les Crank Crunching, là. Des jeux de Rare, tu sais, il y a peut-être Combat Triangle, ça serait Combat Triangle, c'est le fun, mais ça aussi, c'est brisé. Là. C'est ça, c'est ça vient briser à un moment donné, là, tu sais. Ça en serait peut-être à mettre ça en liste. Peut-être ouais. Il y a du monde qui finissent ça, Cobra de Rien. Ouais. Moi, je me dis, tabarnak, la petite boîte avec les chutes, là. Ouais, ouais. Toutes les jambes qui bougent, là. Ben là, c'est du par cœur, encore une fois, là. Puis c'est long de se rendre là, fait que je m'en rappelle jamais. Mais on s'entend, tous les jeux de NES ont été finis par au moins une seule personne. Le Mexican Runner, ils ont tout fait que. C'est vrai. Il a même appris le piano pour jouer à Miracle Piano. Sinon, avez-vous déjà fini ça, vous autres, Kid Icarus? Non. Ça, c'est compliqué aussi. C'est pas ça bien le fun non plus. Moi non plus, j'embarque pas. Metroid 1 au NES, le premier. Je l'avais dans ma liste aussi. C'est clunky, Metroid 1. C'est ça, c'est très clunky. Mais c'est le fun à jouer. Moi, j'aime ça être dedans, puis tout. Ouais. Pis, mais là, à un moment donné, c'est comme. Puis là, j'ai peur, puis là, je suis perdu dans le noir de l'espace, puis là, c'est comme. Ça, c'est le but que t'as peur. Là. Moi, j'aime bien la musique. Ah ouais, non. Metroid 1. C'est un excellent, joli jeu, tout, mais. Ce qui manque, ils ont essayé de quoi, tu sais. Il manque comme 2 pixels au jump. Ah. Fait que ça briserait rien, même avec ta light jump. Là. Ouais. Ça briserait rien, mais ça serait plus agréable. Là, t'es comme tout le temps, ah merde, je me rends pas à la plateforme. Fait que là, tu tombes. Puis ça, moi, c'est tout le temps là que je vais refaire. Tombage. Ouais. Puis toutes les autres mettraient dans 2D, sauf le premier. Ben voilà, tu sais. Au pire, joue à Zero Mission, puis tu vas l'expérience du jeu. Ouais, c'est ça, mais nettement bonifié. C'est tellement le fun, ce jeu-là. Avez-vous déjà fini les Turtles au NES, vous autres? Ouais, 2 et 3. Les 3? Non, j'ai pas fini le 1. Hein? Moi, c'est le seul que j'ai fini, mais pas les autres. Non. Parce que le bout du Technodrome me fait peur. Le RNG me fait peur. Qui c'est random, là. Ouais, je sais pas comment ça marche. Je suis comme, Ben, faut que t'essayes les égouts, puis à un moment donné, tu le pognes, là. Mais si t'es chanceux, sinon ça peut te scraper ta game. Ouais, pas c'est pire, ça. Là. C'est ça. J'avais essayé dans le temps, quand j'ai commencé à collectionner, mais moi, j'étais comme. Jamais. J'ai toujours gamé, mais j'étais pas tant bon. On dirait que c'est récent que j'ai comme me suis rendu compte que j'avais des skills finalement puis j'étais capable de battre plein d'affaires. Puis la première fois que j'ai essayé Turtle, j'étais pas vraiment confiant que je le finirais. T'sais. Ouais. Fait que j'ai pas vraiment donné une go. Ouais. Mais je passais le bout. du barrage. Ah, c'est un boulot, on va se le dire. Là. C'est pas si dur. C'est crissement pas un bout de dur dans les jeux vidéo. Non, vraiment pas. Hey, c'est comme supposé être légendairement. Oh my god, dans le dessus de l'eau. C'est comme, gars, c'est rien. Là. Je pense que je l'ai fait, je l'ai réussi. Comme à un moment donné, je me souviens d'être au G animé, massé genre dans la salle de jeu, qui avait Turtle 1, puis fini genre la première fois que je l'ai fait, le fameux. Le barrage, comme. C'est pas si dur que ça. Ben non, c'est ça. C'est un petit labyrinthe pas compliqué. Puis il est pas trop loin dans le jeu. Fait que quand tu sais, tu peux swapper, c'est le deuxième niveau, je pense. Là. Si t'as plus de health, tu swaps de Turtle. Genre. Ouais, c'est ça. Pas, exact. Ben c'est le temps. Troisième, ouais. Mais moi, le 2, je me rends à fin. Puis là, je me fais ben trop maganer par Crank. Là, j'arrive à Shredder. Puis là, je suis tout nu, style en rue. Puis j'ai rien. Puis je sais pas, j'y arrive pas. Ben. Je me suis essayé dernièrement, puis je suis mort là à deux reprises. J'ai joué une. Puis le 3, je suis rendu dans le milieu. Je sais pas pourquoi ce jeu-là devrait m'emballer, puis il m'emballe pas pendant tout. Non? Je sais pas, je l'aime bien le 3. Je pense que je me suis rendu à la moitié du jeu aussi. Mais le 3, t'abuses du. Ouais, c'est du, en bas poke, attaque. Fois, c'est le ça. Poke check, là. Exact. Ça, t'abuses de ça tout le long. Ouais. Puis le 2, Mais le 2, tu connais le petit flic, là. Ben, c'est pour qu'il t'enlève de la life quand tu fais le. Non, tu fais comme. Tu sautes puis tu t'attaques tout de suite après. Ok. Puis il fait une attaque puis il redescend tout de suite. Ils ont tout un move un peu différent. Mais ça, tu m'as déjà parlé de ça. Ça, c'est OP. Plus fort, je pense, que le poke. Ah, ben là, je vais essayer ça d'abord. C'est soit BA, tu flics, là. Ouais. Tu glisses d'un à l'autre, ou A vers B, mais je pense que c'est B vers A. OK. Mais il me semble qu'il faut sauter avant, fait que c'est peut-être l'inverse. Ça fait beaucoup de frottage quand même. À la fin de la game, tu t'en vas mal au pouce. Oui, mais ça, oh boy. Fait que, ouais, ben sinon, moi, au niveau personnel, des jeux que je suis rendu très, très loin, que j'arrive pas à finir, Super Spy Hunter. Ah, oui. Il y a une espèce de boss rush à la fin, ah, man. T'as les boss rush. Life Force, je suis intimidé, j'abandonne. Sans faire le code de 30 vies. Oui. Life Force, on l'a passé en co-op. Là, ouais, en co-op. Co-op, ça aide un peu. Ouais. Parce que, ben, surtout le dernier niveau, là, ça aide vraiment d'être deux comparé à tout seul. Ouais. Mais la séquence de la fin, là, check une vidéo avant. Ouais, c'est faut ça. Faire, ok, il va falloir que je fasse ça parce que ça va vite en mystique. Ouais, c'est assaut, là. C'est vraiment chien. Ça défile, là. Puis là, t'as des barrières qui pop, là. Faut que tu sois à bonne place. Puis... J'ai vu quelqu'un le finir, genre, sur ma carte de live de Salamander, là. Mais comment pas ça, même. Poussé, mais le jeu, il est-tu pareil, Salamander? Je pense qu'il y a deux, trois, peut-être deux minimes différences, là. La carte, il est tellement cool, là. Mais, elle est comme verte transparente avec le gros serpent. Ouais, là, ouais, là. C'est tellement beau, ça. Là. Ça, c'est cool. Là, tellement cool, la carte Famicom. Là. Quand j'étais petit, je voyais ça, de Life Force avec le serpent. Je me disais, qu'est-ce que c'est, ce jeu-là? T'sais, je comprenais rien. Là, ouais. Ça n'avait pas rapport, là, mais bon, quand on sait les origines, ça fait beau. Ouais. Puis pour finir, ben, Power Blade 2, que j'ai toujours sur pause, parce que tu vois, il y a une espèce de saute qui vole. Puis là, ce saute-là, il est très difficile à contrôler, man. Puis tu te ramasses tout le temps dans des hélices là, de vent, là, dans... Puis là, bien, ça te grind comme des pics, ça, là. Ben, j'arrive pas à contrôler ce calice de saute-là. Mais le jeu, il est pas si dur, puis c'est tout ce qui me manque. Je suis comme, calice, faut que je finisse ça. Ça a l'air moins ça coche que là. Ah, oh, vraiment. Oh, ouais, ça a pas mal moins de personnalité, là. C'est comme bof, c'est répétitif. C'est comme pas spécial, tu sais. Puis ça peut bien ressembler beaucoup à Shatterhand, mais... Il n'y a pas, je sais pas, il y a pas la musique, il n'y a pas le même edge d'action. Là, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment. Power Blade 1 est nettement supérieur. Vous devriez tous avoir ça dans votre collection NES. C'est vraiment bon. Sinon, Philippe demande vos jeux de party obscurs qui devraient être plus connus. Bon, y aller, moi, Samurai Gun. Ah oui, tellement! Ça fait tellement longtemps, ça me rappelle le Funzo. Ben oui, ça. Man, c'est là que j'ai découvert ça au Funzo, man. Je pense que ça reste mon jeu de party. J'aime beaucoup Towerfall. J'allais dire Celeste, mais Tower. C'est comme Towerfall, mais. Solide! Towerfall, je trouve ça. Ça swing pas, c'est comme. Samurai Gun, man, c'est quick, man. C'est comme ben coup d'épée, t'as un fusil. T'as trois balles, puis t'as un katana. C'est fait ça, t'as une balle. Non? T'as pas juste une balle? T'en as trop deux ou trois? Ah, ça fait longtemps que j'ai joué. Je pense que t'en avais trois. Ah, c'est possible. Ouais. Fait que t'es un samouraï avec un gun. C'est tout ce que t'as. Puis c'est Towerfall, mais t'es un, c'est ça. C'est sorti un peu avant, je pense. Oui, ouais. C'est sorti avant. Puis ouais, c'est encore drôle parce que Towerfall, c'est sorti ça à Ouya. Oui. Fait que peut-être que c'est sorti ça à Ouya en premier. Là, je sais pas. Mais c'est quasiment en même temps. C'est là. Devenu accessible après Samurai Gun. Il était supposé faire un 2. Samurai Gun? Ouais. Il y en a un. Le 2? Ah oui. Il est sorti? Ah oui. Mais ça, c'est juste sans sur Steam. Sans tambour ni trompette, fait que d'après moi... Toutes des jeux que sur Steam. Je pense que c'est ouais, c'est des jeux sur Steam. Ouais, je pense pas qu'il y a une version console de Samurai Gun. Je vais juste valider pendant qu'on jambe. Ben Samurai Gun 2, mais il me semble que j'ai vu que c'était sorti. Mais... Manque ça. Moi, je jouerai au 1 anytime. Ah ouais, c'était même... Samurai Gun 2. Sinon, j'étais un joueur single player, fait que moi, je veux party. C'est ça. Mais moi j'aurais. Les Bomberman en multi, c'est le fun. C'est vrai. La version. Voyons. Saturne avec les. Ça, c'est pas tant hot, c'est justement. C'est là que je m'en allais après. Okay. Non, la version sur TurboGrafx 16 est vraiment le fun. Ah, ok. Ça joue à 5, je pense, avec la multitap. C'est-tu 4 ou 5? Ben, il y a 4 5. Slots. C'est 5. 5, hein? C'est 5. Il y a 5 slots sur le multitap de Turbo. Ouais. Ah, ouais. Ouais, c'est 5 joueurs. C'est sorti en juillet 2021, Samurai Gun 2, mais en Early Access. Ah, c'est ça. Ça fait pas longtemps, d'abord. Ça fait un an, mais c'est encore un Early. Oh. Fait que, mais je sais pas où ça mais ressemble. Moi j'ai joué beaucoup à Assassin's Bomberman chez Tribute. Ouais. Mais... Il y a deux modes, hein. Il y a le fameux mode à 10 joueurs. Ça, ouais, c'est pas ça, le fun. Ça, c'est pas le fun. C'est là que je m'en allais. Avec c'est pas Bomberman. Le fun. Puis la fois qu'on l'avait essayé, comme avant qu'on jouait sur Moro, ouais. On jouait à ça. C'est pas le fun, man. C'est comme petit. Mais là, il y a un mode multiplayer plus normal quand tu joues juste, je pense, c'est maximum 8. Puis là, c'est un vrai Bomberman, vraiment c'est fun. Ça. Là, c'est cool. T'sais. Ouais, ça, c'est vraiment cool, jouer à 8. Là. Ouais. Maximum, hein. Après ça, comment ça va du monde en crise puis de la merde? Ben, comme Mick dit, ça vient trop petit, puis là, tu vois rien, puis il n'y a pas de variété. Il n'y a pas de variété, c'est tout le temps la même map. Ouais, c'est ça, il y a juste une map. Ah, ouais. Tandis que quand tu joues à 8, il y a de la variété, tu sais, t'as des bonhommes différents. C'est un peu ça qui est le fun, là. Les maps changent, t'as des obstacles, des fois t'as des conveyor belts, comme je parlais tantôt, mais dans le jeu, là, c'est le fun. Ouais. Parce que tu peux kicker une bombe de loin, puis là, vous, elle change de direction, puis tu t'avoues jamais venir, puis il y a plein d'affaires comme ça. C'est vraiment. Il y en a comme des petites créatures, je sais plus. J'avais arrêté de jouer parce que, étant les programmeurs rendus vers la fin d'un projet, on est plus sollicités que, ouais. Que des designers, fait que j'avais plus le temps. Mais ouais, j'avais. C'était vraiment le fun de jouer à Saturn Bomberman à l'Orbit. Puis sinon, moi, j'aime bien les. Je déteste les jeux de sport, mais quand c'est arcade, j'aime bien ça. Genre les NHLites, c'était vraiment le fun. Oui. Mario Striker, c'est très le fun. Ouais, hein? Ben, j'ai jamais joué, mais j'ai jamais eu la chance de jouer en grosse gang. J'avais joué au GameCube, on avait joué un petit peu. Fait que ça, c'est vraiment cool. C'est vrai. Est-ce que c'est obscur? Pas vrai. Non, c'est pas obscur. Mais c'est pas grave, on peut dire des affaires pas tant obscures. Puis, j'aimais bien le mode battle de Crash Team Racing à l'époque. Au PS1, là. Et au PS1. Crime, ouais. C'est ouais. Ça, c'est obscur. Ouais. Ouais. C'est meilleur que les hot takes, là. C'est meilleur que les ballons à Mario Kart 64. Ah ouais? Ouais. Moi. Ouais. Je pense qu'on n'est pas live, le monde donnerait de la merde. Moi, j'ai noté un paquet de jeux Switch ici que je vais dropper rapidement. Lovers in a Dangerous Space Time. Oui, ça, c'est bon. Ça. Qui est un jeu pas mal dans le top des jeux chers de la librairie Switch, un jeu européen. Ben, PAL, là, il est sorti. C'est le jeu que t'es comme dans un vaisseau, t'es comme plusieurs. On a pas joué à Manny chez vous, c'est ça? Oui, on a joué chez nous. C'est ça, c'est ça. Pensez Overcooked, mais tout le monde dans un vaisseau. Puis le vaisseau spatial, c'est une grosse boule. Puis il y a plusieurs postes. Faut que tu te déplaces d'un poste à l'autre pour. Pogner le laser de gauche, aller en bas pour déplacer le bouclier tout autour de la boule qui est ton vaisseau. Sinon, aller, tu vas contrôler plusieurs. Il y en a un qui paye sur le gaz, tu sais. Fait que tu t'en vas dans des directions dans l'espace, puis il y en a un qui conduit, l'autre il tasse le shield, l'autre il tire, tu sais. Je vois pas comment tu peux jouer à ça tout seul, man. J'ai juste joué à deux avec mon fils, puis c'est tellement de gestion. On était 3 ou 4. Mais quand on a joué avec vous autres, on était 3 ou 4, puis là, ça allait bien. Ouais. Tout le monde avait son poste, là, puis le vaisseau était en contrôle. T'sais. Fait que ça. C'est comme Overcooked dans l'espace, et puis en physique sur Switch, ça vaut cher. C'est intéressant. C'est bien fun. C'est drôle, ça m'a comme rappelé Mario Ramos. Il m'avait parlé de ce jeu-là. Je pense que c'était sorti. Sur Moro. Ouais, je pense que c'était comme sorti en. Sur la eShop de la Wii U. Là. Ah ouais. Je pense qu'il me parlait de ça à cause de ça. Mais oui, sur Moro, c'est ben, ça. Ben, je vais pas retracer les origines, mais okay, oui, c'est un vieux jeu. Oui, ouais. Mais ça a bien plus de visibilité sur Switch. Là. Ouais, ouais. Sur Wii U. Que sur Wii U. Sinon, j'en ai parlé dernièrement, direct sur mon podcast, Mextermination Force, qui est un contrat, mais des boss, tu sais, JF Crump, que vous avez peut-être vu, JF, puis plusieurs Bobin, fois. Jouer au WEG. Plusieurs fois, oui. Ça, c'est hot. Battle Axe sur Switch, qui est un genre de top-down jeu qui est un petit peu. C'est bitmap bureau, ça. Ouais. Ouais, ça puis c'est comme la moitié de la gang de Xeno Crisis. Hein. Exactement. Ouais. Ça paraît, tu sais. Ben, c'est le même pixel artist. Puis le gars qui a fait la musique, c'est quelqu'un, là. C'est quelqu'un de big, là. Je pense que c'est Manami Matsuami, la compositrice de Mega Man 1. Oui, je pense c'est ça, ça, ça ouais. Se peut même, ouais. Je pense c'est ça, ouais. Fait qu'il y a bien du monde okay. sur ce j'ai jeu. J'ai mal prononcé son nom de famille, là, mais c'est la compositrice de Mega Man 1, puis de UN Squadron au arcade. Ah, c'est le fun ce jeu-là ouais. à l'arcade. Ouais. Au Super NES, c'est dur, mais ouais. Elle avait fait le thème de Mighty No. 9 aussi. Oui, ça, c'était un bon thème aussi, d'ailleurs. Fait que Battleaxe, j'aimerais ça jouer avec du monde, j'ai juste essayé du seul. Ouais, mais je vais l'essayer celui-là, fait que moi je suis donc. Ça joue à combien ça? Deux ou quatre. Il y a trois personnages, mais ça joue à deux. Okay. Si ça avait joué à trois, ça aurait été vraiment fun. Quelle occasion ratée. Là, ça débalançait peut-être le jeu. Peut-être. Mais c'est un jeu difficile. Là. Il en parle à GameSack d'ailleurs. Okay. Il pousse là-dessus. Super Chariot, qui est un jeu québécois. De, avec un chariot. De Frima. Ouais, exact. Hey, que vous connaissez ça. Ben oui, c'est merveilleux. Puis j'ai joué avec mon petit garçon. Puis il était un peu jeune. Des fois, j'ai comme. Oui, Justin. Tire le patron. Il ne catchait pas toujours. Mais deux personnes, tu sais, de notre âge, là, qui, avec du vécu de gaming, je pense qu'il y a bien du fun à avoir avec ce jeu-là. Ça m'a surpris, sérieux. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Ouais, il est bien vendu, le premier. Fait que ça, c'est une il y a un 2. Non, mais c'est Chariot, le jeu à base. Ah oui? Ah, okay, c'est comme une version NN. C'est ça que je sais pas. C'est-tu un 2 ou c'est une version plus? Je sais plus. J'ai jamais fouillé là-dessus. C'est vrai qu'il y a Chariot aussi. Ouais, ouais, ça fait. Ça, c'est quand même assez vieux. Là. Ouais. C'est dans. Ben, c'est comme ça, c'est en 2012, quelque chose comme ça, 2013. Une affaire comme ça, ouais. Ouais. Intéressant. Fait que je sais pas si c'est une. C'est ça, un enhanced port ou. Une c'est le même jeu avec tous les downloads dedans. C'est chaud fini. On se renseignera ou pas. Ouais. Vitamin Connection, ça vous dit quelque chose? Non. Sur Switch, c'est un jeu de WayForward. C'est une compilation de petits jeux, ça. Non, c'est comme une grosse pelule et puis qui se promène dans un corps. Et puis il y a des bébites. Puis c'est un peu Lovers in a Dangerous Place. Lovers in a Dangerous Space Time. C'est ça. Tu, la pelule, elle navigue. Faut pas que tu bumpes les côtés. Faut que tu tires, tu sais. Puis. C'est vraiment un jeu de physique avec la console elle-même. C'est très intéressant. Un jeu qui a passé comme dans le beurre. Totalement. Mais qui est plaisant en masse. Sinon, j'en ai une couple de Super NES aussi. Goof Troop, je pense. Ah, ben oui. C'est le classique de Super NES. Mais le party. À deux. Ben, okay. Moi, deux, c'est suffisant pour être une party. On se prête là. Ah, toi, tu cherchais vraiment beaucoup. Oui, hein. Tous ces jeux-là. Finalement, tous les jeux qu'on fait en netplay. Je les proposerais pratiquement à toutes. Là, il y a les Double Dragon, Goof Troop. On fait beaucoup de beat'em up. Knights of the Round est vraiment excellent. Ouais, même la version SNES est vraiment bon. Ouais, but... King of Dragon aussi. Kings of Dragon, King of Dragons. King of the Dragons. Non. Le roi de les dragons. Il n'y a pas de deux. King of Dragons. C'est King of Dragons, Knights of the Round, puis Magic Sword. C'est les trois beat'em up. Ouais, Magic Sword, ça joue pas en quoi? Ouais, c'est ça. Je ne conseille pas Legend. Ouais, je viens d'y jouer. Mais c'est ça, parce que t'en avais parlé, puis on l'a fait tout de suite après. Un jeu de on a essayé Pirates of the Dark Waters aussi. Ouais. Oh. Avoue que ça joue bien, pareil. Tu commences, hey, c'est bon, puis exactement. À la fin, t'es comme plus capable. Je pense qu'on s'est rendu au boss de la fin. C'est trop répétitif, tu sais. Je pense qu'on s'est rendu au boss de la fin, puis on retouchera plus jamais à ça. Ben, c'est comme nous autres quand on a fait. Je n'avais pas passé, mais j'ai passé quand même facilement ce jeu-là. Peut-être que parce qu'à deux, c'est plus. J'ai vraiment l'impression que les. L'avant-dernier niveau, il y a comme des trous et des cheap shots d'ennemis qui bombent dedans et qui te tirent en bas. Là. Sinon, c'est piece of cake. Mais il y a une place qu'on perd. C'est beaucoup de ça cake. Doit être ça que tu parles. On avait perdu vraiment plein de vie à cause des. Exactement. Trous. Final Fight 2, hein, c'est vrai que c'est pas très bon. Non, hein. C'est ça, tu t'en souviens la shot qu'on a joué chez vous là? Ah, oui, absolument. À la fin, on l'a fait. Je pense qu'on l'a même pas fini. On l'a fait comme. C'est tout le temps les mêmes ennemis. Ouais. C'est comme. Puis en plus, tout est là, tu te promènes à partout dans le monde, mais c'est tout le temps le même casse d'ennemis. Mais je comprends les limitations, genre, d'une cassette de l'époque, puis tout ça, mais. Puis tu peux jouer à deux finalement, mais comme, calice, que c'est pas vers jeu. Totalement déconseillé. Mais on parlait de Life Force tantôt. Et à deux, c'est vraiment trippant. Ouais. Ça vraiment, là, je conseille très fortement de jouer à Life Force en outil. Sinon, au Super NES, j'en avais une coupe aussi. J'arrête pas de rentrer ça dans la gorge à tout le monde qui vient jouer au Super NES chez nous. Arkanoid, Do It Again. Oui. On a notre game sauvegardé quelque part. Donc, c'est Arkanoid qui joue à deux. Deux palettes, une en dessous de l'autre. Et puis, c'est cool. Fait que c'est super plaisant. Moi, j'adore ça, Arkanoid. Ouais. Puis, Super Smash TV au Super NES, c'est excellent. Oui. Sérieux, c'est un excellent port. C'est juste que finirez c'est, jamais ça. C'est juste que c'est ça. C'est un credit muncher, puis comme les boss, ils prennent trop de hits à tuer, mais sinon, le reste. C'est ça. Faire le premier stage, ça va. Ah, c'est ça que je trouve plate avec ce jeu-là. Yes. C'est comme pas, faisable. Non, c'est pas faisable. Fait que c'est conceptuellement, c'est cool. C'est pour ça, le premier tableau, il est vraiment le fun. C'est ça. Mais la manette, elle va bien avec les boutons, ben, tu sais. Ouais, c'est ça, t'es, c'est parfait. T'es, ouais, ça, c'est le pad, les quatre boutons. T'as le bon feeling twin stick, là, tu sais. Ouais. Sinon, Zombies Ate My Neighbors et Go Patrol sont des jeux que je trouve quand même difficiles. Moi, ça, c'est pas... J'ai jamais tant accroché. Ça me parle moins, mais je peux comprendre le monde. Je voulais le nommer aussi parce qu'il y a la compile sur Switch des deux. Right. Puis c'est des rares. C'est un rare jeu développé aux États-Unis qui est quand même solide. Là. Ouais. Ah ouais, hein, il est développé aux États-Unis. Ouais, c'est l'Écossais qui faisait ça. Mais Go Patrol, j'ai pas joué, j'ai juste vu du gameplay, puis ça a l'air vraiment inférieur. Ah, à Zombies, Ate My Neighbor. Je sais pas. Ça avait l'air un peu plate. J'avais deux, trois de mes amis qui l'avaient, les Zombies, Ate My Neighbors, quand j'étais jeune. Bon, c'est quand même considéré. C'est ça. Moi, quand je te dis. Ouais, comme Metal Warriors aussi, c'est LucasArts, publié par Konami aussi. Ah, ouais. Ouais. Metal Warriors. Ouais, le jeu fucking cher. Le jeu de mecha. Le jeu de mecha, ouais. Ok. C'est LucasArts qui ont inventé ça. Ouais, c'est LucasArts. J'étais sûr que c'était une affaire japonaise, ça. C'est tellement. Mais ça fait pas partie d'une série. Ouais. Non? Non, ça c'est. C'est pas Cybernator. Ça ressemble à Cybernator, mais c'est pas. C'est développé US Metal Warriors. Ok. Ouais. Bon, ça paraît un petit peu des fois. Tu vois dans Art un peu. Du peu que j'ai joué à Metal Warriors, là. Puis Cybernator, ça fait partie d'une série. C'est Assault Suit. Lainos. Ouais. C'est ça que je cherchais, oui. Exactement. C'est Cybernator. Ça. Mais c'est comme tout au Japon, c'est un gros rip-off de Gundam. surtout Cybernator, tu sais, vraiment, comme les vaisseaux, les mechas. Il y a une colonie genre qui tombe ça à terre. Non, c'est tellement content. Puis il y avait un autre jeu qu'on avait essayé, je pense, quand t'étais venu chez nous, Michael, avec Martin, qui s'appelait Fire Striker. Ouais. C'est un jeu de Super NES. Il y a un jeu de Genesis qui s'appelle Devilish. Non. Oui, Devilish. Devilish, oui. Ouais, c'est ça. C'est comme un jeu de pinball un peu, genre. Ouais, mais où est-ce que tu promènes. Avec un petit machin, là, c'est ça? Ben, c'est un genre de Brick Breaker. T'as pas de machine. Où est-ce que tu promènes ta plateforme partout dans l'écran? Ouais. Puis Fire Striker est un jeu de Super NES qui vaut super cher, là. Puis qui joue à plusieurs. Puis je me demande s'il joue pas jusqu'à 4. Où est-ce que tout le monde promène sa petite barre de main pour envoyer la balle aux bonnes places, tu sais? Puis j'étais vraiment curieux d'essayer ça. C'est pas obligé par compagnie Weird, là. C'est un genre de rond logo, là, whatever. C'est pas. Il y en a pas beaucoup, mais je sais pas là, si on était peut-être pas assez dedans, mais je pense le King de Saint-Eustache, il aime bien ça. Vincent Laniel, il aime bien ça là, lui là. Fait que t'essayeras ça, Kevin, avec ton body. Fire Striker. Tu me diras si t'aimes ça. C'est intéressant. Sinon, ben incontournable, les contrats. Oui, bien sûr, les contrats, toutes les affaires là. Puis c'est ça fait le tour. Dernière question qu'on avait de Philippe aussi. Vous entendre parler de votre quotidien, genre behind the scenes, serait bien le fun, en chest. Là, il fait très chaud, mais on va pas se chester. Non. C'est-tu un sujet que vous voulez faire? Moi, ça me dérange pas. Là, j'ai pas grand-chose. C'est ça, moi, tout, j'étais un nerd assez typique. Là, dire, j'ai... Voulez-vous d'autres bières? Moi, je suis ben, correct. J'en ai à côté. Ah, toi, etc. Moi, je suis correct. Non. C'est parle ça, de toi, Michael. J'ai pas mal parlé déjà. Vraiment, ça ressemble à ça. Veux dire. J'écoute pas mal de YouTube, j'ai ma job en informatique, j'étais un fan de Marvel, j'ai un fan de Star Wars, comme j'écoute tout ce qui passe sur Disney Plus par rapport à ça. Je travaille sur mon jeu, je fais un podcast de temps en temps quand ça me tente. Ouais, c'est ça, mais c'est pas particulièrement intéressant, non, behind the scenes. Je veux dire, c'est ça. Moi, c'est ça, je suis comme plus... Contrairement à Kevin, moi j'ai comme plus de projets personnels que je fais. J'ai fait tellement de projets personnels, c'est ça, comme tous les hacks de ce jeu. Moi, chaque fois j'essaie d'avoir un projet, je me rends compte que ça me tente pas d'avoir un projet. Ouais. faut que je me rende à l'évidence. Ça me tente pas finalement. À un moment donné, j'avais retraduit pour la troisième fois Megaman X2 en français et en québécois. T'sais, c'est juste du genre de projet stupide de même que je fais des fois. Mais là, plus focus, là, comme avec Biomec Catalyst. Là. T'sais, c'est ça. Sinon, ben moi, quand je stream pas, d'habitude, je vais soit écouter la télé ou je vais game. Hein. C'est ça. Ou les deux, parce que la pocket me permet... C'est pour ça que j'aime beaucoup gamer portable. Mm-hmm. Moi, je vais gamer devant la télé. Fait que, ça dépend ce qu'on écoute. Là. Si on écoute un film, pas vraiment. Si on écoute, nous autres, on aime bien ça écouter du true crime puis des documentaires animaliers. Fait que tu sais, quand on écoute ça, ben, c'est pas vraiment de problème à gamer en même temps. T'sais. Moi, présentement, je joue à 4Rager comme un malade. C'est que je capote, man. J'en rêve la nuit. Puis ma blonde n'est pas pognée dans une série. Donc, c'est parfait. Moi, je joue à ça, Switch portable. Elle écoute son affaire. On se parle un peu. C'est un jeu qui ne me requiert pas de. c'est pas life force. Non? Ouais, c'est ça, t'as pas besoin d'un focus immédiat et constant. Mais peut-être que sa question, c'était behind the scenes au travail. Je veux dire que c'est... Bon, tout le monde travaille de la maison. C'est ça, 100% de la maison. Des meetings Zoom à chaque jour. Ouvrir des giras, fermer des giras. c'est comme... Moi, je suis très content. J'ai très peu à gérer de giras. Non, mais tu sais, comme c'est quoi un Jira pour les gens qui nous écoutent? Jira, c'est... Ben, c'est juste une tâche écrite dans un système informatique. Là. C'est ça, c'est un truc de gestion de tâches. Fait que vous voilà ce qu'il y a à faire, puis vous voilà le status. Fait que elle est to do, elle est in progress, elle donne, elle est en test. Exact. Des détails, des descriptions, c'est quoi? C'est le process est différent selon les compagnies. Mais tout ça, c'est ce qu'on appelle la gestion agile. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. C'est ça. C'est pour ça justement que je dis pas beaucoup avec les giras dans l'équipe, on s'entourche la chaîne. Moi, on n'a pas. Moi, ça pas besoin. Moi, c'est ma mission quand je vais avoir des employés, en tout cas, les programmeurs, d'être avoir une méthode de gestion le plus lean possible, le moins de overhead possible. Je trouve que le Scrum, là, c'est comme faire des sprints de 2 semaines, faire des meetings de rétrospective, faire des meetings pour voter sur le point des étages. Hey là, calice là. C'est ça le problème de cette méthodologie-là, c'est que tu te perds dans les meetings. Ouais. Tu fais un meeting pour planifier des meetings. T'sais. Ouais. Dans les meetings, man, c'est pas trop. C'est en hostie à productivité. Là. Ah oui, vraiment là. Ben, c'est peut-être moi qui ai un quotidien un peu bizarre là. Ben, toi, t'as un quotidien d'entrepreneur de deux entreprises, puis travailleur autonome. Ouais. T'sais. Ben, l'arcade, tu sais, se contrôle bien, surtout avec notre nouveau gérant. Mais sinon, je sais pas. Tu vois, l'autre semaine, c'est comme je disais, j'ai fait le menu le matin. Là, je programme des posts. Mettons, ouais. Aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas dit au monde qu'on a un rabais pour le 5 à 7. Là, je programme ça. Là, il y a un autre événement, le fun, qui s'en vient. Je discute de ça avec des gens. Vous allez voir ça bientôt. Fait que faut que je suis là-dessus. Là, faudrait bien que je relance les tournois aussi. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Puis là, tu sais, des affaires random. Là, ce lundi, c'est le recyclage pour les poubelles, bien ouais. Sûr. Les gens aiment bien ça comme sujet. Oui. Et puis, on s'est fait shipper des affaires par Uline. C'est une compagnie qu'on utilise pour le matos informatique puis plein d'affaires. Le carton, le matériel de shipping. Puis voilà, ils ont tout Uline, tu sais. Puis je me rappelle plus qu'est-ce qu'ils nous ont chipé là-dedans, mais on a des très grosses boîtes pleines de petits... Tu sais, des petits bouts de styrofoam, là. Ouais, ouais. Les genres de peanuts, là. Ouais, les peanuts, c'est ça. Genre 3 boîtes pleines à rebord de ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, man, des écrans, whatever. Mais quelle merde! Puis ça se recycle pas non plus, mais, hein. Mais j'pense... attends, c'est-tu les nouvelles? Ben, parce ils ont que... comme une forme de S, ouais, là. Mais ouais, mais c'est parce que les nouvelles sont faites... à base de fécule de maïs. Okay. Puis à shit une note, sont comestibles. Nous autres, on les donne à Ganon. Là. Mais t'es mets dans l'eau, puis ils fondent. Ah. Fait que si c'est une nouvelle, là, t'es crisse dans l'eau, puis ils vont fondre. Ah, ben. Sont-tu pareil? Ils sont pas mal, mais c'est facile, là. Tu t'en mets sous l'eau, si elle a 10 dissous. Ben, ah, ben, tu vois, je t'es savais good, pas. T'es good to go. Colin, je vais essayer ça en esti la prochaine ben, fois. Ben, ça se dissout pas, just too bad. Ouais, ben, c'est ça qui nous est arrivé. Ben, en tout cas, on a pris pour acquis qu'ils se dissoudaient pas. Parce que là, bien c'est sûr, de, on a... La fécule de blé ou de maïs, là, mais c'est pas beau le futur, hein? Hein? Ah, calice, tu peux manger tes paquets. Tu peux manger tes paquets. Ouais, ouais. Comment ça qu'il y a encore de la faim dans le monde, Nasty? Il y a des peanuts partout ici. Ben, tu vois, l'épicerie te donne les bananes, Nasty. J'ai souvent cette pensée-là. J'ai souvent cette pensée-là, c'est comme, qu'est-ce qu'on est dans le futur et on s'en rend pas compte, comme. Man, avec les téléphones, man. Le futur. On n'a pas le... Il l'a, mais on l'a pas configuré d'avance. Fait que... mais non, c'est ça. Tu payes, tu sais, t'as un taxi, tu peux payer avec ta carte, mais n'importe où, man. Tu checkais ça, dans le retour, voilà, fait ça juste comme... des cartes. Tu peux même payer... À ce temps, c'est le téléphone. T'as même pas besoin de payer. Moi, je paye avec mon téléphone. Non, mais tu débarques, puis tu payes après. Ouais, ouais c'est ça. Uber, c'est ça, là. Parce qu'ils ont toutes tes infos, puis tu débarques. C'est ça. Tu finis ta ride, là, tu fais, ben, tiens, voilà mon type, puis... C'est le futur en esti. Crissement dans le futur, ben c'est ça. C'est juste que le passé est encore là, fait comme un peu entre les deux. Fait qu'on n'a pas les deux, mais on est crissement dans le futur. Fait que je veux finir mon histoire de peanut parce que tu vois, ça fait partie des choses que je fais. On a tout sorti ça sur le bord du chemin, se disant, bon, ils vont le récupérer, I guess. On a sorti les 3 grosses boîtes pleines d'affaires, notre recyclage tout le matin, mais on a raté le recyclage, bien sûr, parce qu'il doit passer à 6h15. Calice, je sais pas si. Chris. Laissez-nous une chance, guys, c'est lundi. On va pas venir en char la fin de semaine au commerce, sortir les guenilles pour être sûr de pas rater le lundi matin, anyway. Fait que là, on rentre ça en dedans. Ben, moi, je retourne au magasin. Guys, faut rentrer le recyclage, là, désolé. Mais là, je mets les boîtes sur le container, sur le dessus du comptoir, puis j'ai un employé qui prend la boîte. Je dis, va porter en bas, s'il te plaît. Il a juste tiré ça en bas des marches, pensant que c'était des boîtes vides. Puis là, man, il y avait comme un raz-de-marée de pinottes partout. Puis ces cochonneries-là, c'est plein de statiques. Ah oui, ça colle. Man, ça colle sur tout, man. Ouais. Il y en avait là partout. Là. Fait que tu sais, ça a été comme une bonne partie de ma journée. Ben non, c'est pas vrai, là. Mais une bonne heure facile de ramasser à la pelle les pinottes, mettre ça dans des sacs. Là, tu mets ça dans des sacs poubelles. Je me dis, ils doivent pas recycler ça. On va mettre ça dans des sacs pour vidange. Puis les vidanges passent tantôt. Mais là, c'est léger, là. Le sac, il est plein. Mais il pèse une plume. Fait qu'il part au vent. Là, je veux pas que ça se ramasse, tu sais, sur Hochelaga, que ça se fasse rentrer dedans par un char. Puis. Les pinottes, man, la grandeur du quartier. Fait que là, il a fallu qu'on tape, genre, 8 sacs de pinottes ensemble. Pour que ça fasse un poids assez lourd pour que les vidanges soient capables de. Pour pas que ça parte au vent. Fait que ça, c'était une partie de ma journée. Tu vois, c'est des affaires de même. C'est ça, nous autres, t'es à la maison, c'est devant un ordinateur, on n'a pas ces vies passionnantes-là. Non, c'est ça. Ben, tu vois, ici, il y a de la junk partout, là, c'est vraiment, OK, on fait ci, ah ouais, on fait ça, ah, telle affaire, tu sais, comme, ben, c'est ça qui est plaisant aussi. Chaque journée est très, très, très, très, très différente. Ce qui me rappelle quelque chose, moi, je t'ai pas dit ça, mais moi, je veux essayer de travailler à temps partiel quand je vais me lancer à temps plein. Là. Ouais. Je veux travailler à temps partiel ici pendant un bout, juste pour essayer. Ah ouais? Ouais. Ici dans le QG? Ben non, je penserais plus au magasin, mais ouais. Tu veux faire du service à clientèle? On verra. OK. Ben, pourquoi pas? Ou ici aussi? Ouais, c'est ça. On verra rendu là, mais c'était dans moi. C'est toujours une idée de l'essayer au moins, là, parce que c'est comme. Une fois, je pense, un été que j'ai eu une job pas en informatique, fait que j'ai pas beaucoup d'expérience dans ce genre de job. Ben écoute, tu peux faire comme notre ami Eric qui dépanne. Ben oui, c'est Eric Hébert, il le fait là. Ben c'est ça que je vais faire quand je vais être à temps plein, tu sais. Ouais, on manque de staff le week-end souvent là. T'sais. Ben c'est, on parle dans 3-4 ans là, fait que ça peut être différent rendu là. Mais... Ouais, on va avoir déménagé déjà, oui. Puis ça, on travaille là-dessus. Tu vois, ça c'est une autre affaire. Je travaille là-dessus présentement, j'ai des appels. Ok. Puis là aujourd'hui, il est arrivé une autre affaire drôle. J'ai, je sais pas si vous avez vu le post, j'ai trouvé une photo dans un case de jeu DS. Oui, j'ai vu ça. Non, j'ai vu ça. On a reçu un card de Mario Kart DS. Puis ici, on a des boîtes de case, pas de jeu, tu sais. Ouais. De DS et de Wii et de plein d'affaires. Fait que quand on reçoit un cart loose, on regarde si on a le boîtier vide, tu sais. Puis là, on l'avait. Fait que là, j'ouvre le boîtier vide. Puis là, il y avait une photo d'un enfant. Puis là, je regarde ça en arrière. Puis c'est Justin, 10 ans. Septembre. 2006. 2010. Ouais. C'est ça. Fait que là, je suis comme, wow, c'est bien drôle. Fait que là, je fais un petit pause cute là, sur notre page. Ah, Justin, tu sais, juste pour te dire, on a ton jeu. Tu sais, tout va bien. Tu as maintenant 18 ans, sûrement que la DS ne fait plus partie de ta vie, mais sache que ton jeu va faire un heureux. Ouais. Et puis voilà. Fait que c'était bien drôle avec la photo. Puis là, le monde, ils ont full liké. Puis vous retrouvez Julien, vous retrouvez Julien. Justin. Justin, oui. Ça serait malade s'il se manifeste. Puis là, le gars de Salut Bonjour a communiqué avec moi. Là, il a dit demain matin, je parle de Justin. Non. Fait que demain matin, là, on est mercredi, le 28, je sais pas quoi. On est quelle date, c'est-tu? Le 27. Ouais. On est le 27. Donc, demain matin, jeudi le 28, donc, salut, bonjour, Justin va être à la télé. Puis, si jamais il le retrouve, man, on va faire de quoi, là? On va lui donner un jeu, on va lui faire un rabais, je sais pas quoi. Fait que tu vois, c'est des affaires sporadiques. C'est fou, man. Fait que c'est plaisant. Puis, vendredi, il y a Patrick Esti de Retro PJ Games à Québec va venir faire son tour ici avec sa gang. Fait que on va checker ça. Fait qu'il arrive plein d'affaires, donc c'est bien le fun. PJ, c'est. J'ai toute la saison de la marche aux puces. Ouais, exactement. Marche aux puces, Jean Talon, quand tu vas voir le 5000. Oui. Exact. Il y en a un autre. Vous avez fait des Christy Deals quand on était allé. Ben oui, il nous a fait des bons deals, certes. On est allé deux fois, je pense, avec les parties sur. Dans ce marché aux puces. Toujours le fun à la Québec. Ouais, il y en a beaucoup de boutiques à Québec. Ouais. Fait que, ben, c'est ça. Dans le fond, on va pas s'éterniser tant que ça là-dessus. Non. Ça fait le tour. Ouais. On peut prendre des questions maintenant. J'ai fait une publication Facebook. Ouais. On peut s'amuser avec ça. Le monde qui n'a pas payé. Exact. Maintenant, les gens qui payent pas, on va quand même leur en donner. Ouais. Ils ont pris le temps de répondre. Denis Lessard nous demande, est-ce que la pandémie a changé vos habitudes de gaming? Moi, je dirais que oui. J'ai pas mal plus gamé durant la pandémie. Moi, tout. Oui, j'ai beaucoup joué de next-gen aussi pendant la pandémie. Ouais. Donc, ben, c'est ça, comme c'était l'année de la pandémie, c'était l'année des next-gen qui s'en venaient. Fait que là, je me suis acheté une télé 4K. Puis là, j'ai commencé à refaire plein de jeux sur PS4. J'ai reçu un PS5, j'ai joué tous les gros hits de jeux. J'ai commencé à jouer des jeux 3D. Fait que pas mal plus des jeux modernes, récents, 3D. Puis pendant longtemps, j'ai souvent eu peur de faire comme un jeu en 3D. Mais comme plus ça avance, plus j'ai comme le goût, genre, de comme... Ah, ben, c'est des belles aventures, là, tu sais. Moi, de Last of Us 2... Ah, je parle pas de faire les jeux, mais comme... Tu sais, j'avais toujours eu peur de développer des jeux 3D. Ah, OK, OK, OK. Parce que c'est comme tellement... Tu sais, c'est tellement compliqué, genre, tu sais, faut... Tu sais, loader l'image, animer le squelette, faire le setup de lumière, pis tout. Pis là, plus ça avance, plus j'ai comme le goût de, comme... me donner ce défi-là un jour. Hey là, c'est là que tes défis, Minecraft. Tu iras avec ton propre engin encore, là. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, je pense pas que je vais le faire, là. Juste, j'ai le goût de le faire. Ça, c'est... parce qu'il y a tellement des choses à... Ben c'est ça, t'sais. C'est ça, c'est... mais... C'est pas que c'est pas faisable, c'est que c'est très, très, très long. Non, c'est ça. D'avoir quelque chose qui est fait. Je le ferais pour le fun, je pense pas que je le ferais commercialement, ça serait vraiment une idioterie de le faire. Mais t'auras pas le temps de faire ça parce que Cold Bite va être super busy à développer des jeux. Non, mais c'est ça, on verra. C'est juste un désir. Mais c'est ça, pour jouer pas mal plus next-gen 4K, tout ça. Là. Fait que j'ai batté crissement les jeux en 2020 et en 2021. Là, c'est débile. Puis là, c'est comme plus dry. Là comme vu qu'il y a plein de jeux qui ont été retardés à cause de la pandémie, ils vont tous sortir en 2023 au lieu de 2022. Là. Fait que ben hâte à God of War Ragnarok. Ouais, tout le monde attend ça pas mal. Ouais. Avez-vous joué à Stray, le jeu de chat de gouttière? Non. C'est bien, ça me parle pas. Hein. Non. Ça m'intrigue. Mais ben, je pense que c'est bon. J'ai des employés ici qui ont joué et qui ont beaucoup aimé. Puis on a ouvert des précommandes pour ça sur PS5. Puis tu sais, nous autres, des jeux PS5, on en vend un peu. Là, t'sais. Parce que juste... tout le monde s'approvisionne chez EB Games ou whatever, ou c'est moi qui les achète. C'est pas moi, pas moi, le Kevin, puis qui les achète. Ben, PS4, PS5, ouais, mais tu sais. Matt Bennett aussi, ouais. Pour PS4, ouais. Mais Stray, tu vois, c'est comme un jeu spécial. C'est comme un peu différent. Ben, tu joues un chat. Exact. Fait que, je pense que c'est quelque chose qui pourrait. J'ai pas joué encore, là, mais avec ce que je vois, comme. C'est juste pourrait peut-être devenir un code classique. Mm-hmm. Puis il se fera pas beaucoup de copies. Exactement. Ça va un peu tomber dans l'oubli dans une couple d'années, mais maintenant le monde va le ressortir. Ils vont dire, hey, ça fait du jeu. Ouais. Non, je pense que c'est hot ça. Sinon, toi, Kevin. Moi, quand la pandémie a kické, comme Mick, là, je me suis mis à gamer en malade, mais moi, c'est l'inverse. J'avais vraiment. J'avais monté mon AVS dans le salon, puis j'avais vraiment batté plein de jeunesse à ce moment-là. Puis là, ça s'est un peu calmé de ce côté-là. Mais j'ai entrepris des gros projets next-gen à la place, fait que là, je suis dans les sauces. J'ai finalement accroché. Ça a pris deux jeux pour le faire. J'ai fait Demon's Souls. Je l'ai platiné par orgueil. Parce que je me suis dit, je vais en faire un, je vais le platiner, puis ça va être ça. Puis là, je vais dire, il y avait des choses bonnes. Je vais essayer Dark Souls. Ouais. Puis là, Dark Souls, j'ai vraiment accroché. Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. Supérieur à Demon's Souls, je trouve. Puis j'avais dit, je le platinerais pas. Puis là, Mick a dit, me le crois, mais je vais le voir. Puis effectivement, je suis en train de platiner. Ah, t'es en train de faire ça. T'avais raison. T'avais tout à fait raison. Je connais Kevin. C'est que j'ai regardé les guides tout le long que je jouais. Ah, OK, qu'est-ce qu'il y a dans cette arrière-là? Ah, OK. Je vais faire ça. Je vais ramasser cette weapon-là. Comme pour essayer d'explorer le jeu au complet. Puis une fois que j'ai eu fini, je me suis dit, bon, j'ai presque tout fait finalement, ce que j'ai besoin pour le platinum. Sauf que pour faire le platinum, faut que tu le fasses deux fois et un peu plus. Ouais. C'est ça qui me bloquait, mais. La maladie mentale du platinum a embarqué, puis j'ai essayé de faire ça. C'est ça, hein? Puis, comme j'ai fait les deux Horizon pendant la pandémie. Ouais, j'ai platiné des jeux. Que j'ai platiné aussi. Je pense que c'est la première fois que je platinais des jeux pendant la pandémie. J'ai platiné Trials of Mana, Spider-Man, Ratchet & Clank Rift Apart, mais ça c'est facile. Oui, ça aussi j'allais platiner. C'est facile. T'as sûrement fait Final 7, ça fait genre 4 fois que tu le penses. Non, mais non. je l'ai fait 4 fois, oui, mais j'ai pas plus de profil. Non, ça m'a manqué en liste. Ben ouais, mais quand tu le fais 4 fois, le 4e playthrough, tu te fais bon. Je voulais juste la refaire. Là. C'est correct, t'as le droit. Ben non, oui. C'est ça. Moi, je m'en fous. Encore, yes. il y en a un autre aussi. Ah, Blaster Master Zero 3. J'ai platiné aussi. Ah ouais. Très de même. Ouais. Random. Je l'ai fini comme la fin de semaine qui est sortie, ça, c'est d'ailleurs. Je l'ai pas joué encore. C'est lui que j'ai le moins aimé. J'étais perdu, si je savais plus quoi faire. Il devenait de plus en plus compliqué, ce jeu-là, je trouve. Moi, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai qu'il y a des bouts, je me suis fait chier. Non, c'est un excellent jeu. Là. Mais il y a des bouts, là, j'étais comme, tu sais, moi, j'ai fini dans la première fin de semaine, fait qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos. Ouais, c'est ça. Puis trouver la fin, la good ending, là, c'était comme compliqué en fait. Ouais, ça, j'ai dû me renseigner pour vrai. Là, parce sérieux, que, c'est pas clair, compliqué. Là. C'est non, pas non. clair, pas en tout. Mais il me semble que même dans le 2, c'est pas clair. Non. Moi, le 2, vous me l'aviez bien vendu. Puis finalement, j'ai préféré le 1. Fait que j'ai hâte de voir le 3. Mais il est dans ma liste. Moi, j'ai ça de jeu physique là, qui traîne sur la table. Puis ça, c'est mon backlog immédiat. Là. Puis j'ai c'est en plus du backlog rétro. Puis c'est un peu pour ça que je collectionne pas la Switch non plus. Il y a trop de sorties, il y a trop de jeux. Ouais, puis il n'y a pas de trophée. Non, ça, c'est le fail. Mais c'est pas tant. Au début, c'était ça qui faisait que. Mais finalement, à chaque fois que je joue un jeu Switch, je suis déçu des performances. Ouais. Ah, il y a ça aussi. S'il est sur Switch puis sur Play, moi aussi. Parce que moi, j'ai pas d'Xbox, je vais aller jouer. Je vais prendre la grosse machine. C'est ça. Sans aucune hésitation. Parce que j'ai tellement d'autres machines portables que la Switch, je joue pas portable. Jamais. Je l'aime pas portable. Toi, tu disais tantôt que t'aimais ça jouer portable. C'est la machine. Joue sur la pocket. C'est son seul avantage, hein? Comparé aux autres. Moi, je ne tripe pas sur la Switch. Je trouve que les perfs sont inférieures. Puis portable, je n'aime pas. Elle est trop grosse pour moi. Ah, bon. C'est vrai qu'elle est grosse, portable. Non, mais portable, moi, je ne vais pas dans l'autobus avec ça. Là. Portable dans mon sofa. C'est ça. Moi, j'aime mieux jouer à la pocket puis de faire mon backlog de Game Boy en place. Ben, si tu veux, là. Mais des fois, t'as pas envie de faire ça. J'ai envie de jouer à ma Switch pendant que genre ma femme a la TV. Non, justement, non. C'est ça. Juste à la pocket. Puis, Fait que. Mais moi, j'ai bien gros joué aussi pendant la COVID. Puis moi, j'aime ça lister mes affaires. Fait que chaque jeu que je finis, je le liste dans mon document Excel. Là, j'ai commencé en 2017. Fait que là, j'ai tous mes onglets dans mon doc. Je note ça. C'est pas grand-chose, juste le titre. La plateforme, la date, et puis s'il y a des modes genre normal, easy, hard, ou des affaires de même, mais that's it, tu sais. Fait que je pense que cette année, ça va être ma plus grosse année en volume, vraiment. Plus grosse que même les années où est-ce qu'on se faisait des défis NES, puis de Genesis, puis de whatever. Défi NES, ça marchait toujours bien, ça. Mais puis aussi, puis pendant la COVID, j'essayais de streamer. J'avais updaté mon stream un peu, qui était moins pauvre. Mais là, j'ai comme juste perdu le temps, puis le réaménagement du sous-sol. J'ai pas ma place, j'ai pas d'intimité pour faire ça. Puis c'est pour ça que j'ai de la misère à en faire. Il y a tout le temps quelqu'un dans la maison, on peut même pas fourrer, là, tu sais, genre, mon gars, il se couche à 1h30, 2h du matin, tu sais, il est tout le temps là, L'ado, tu sais, l'ado en plus, là. Si j'avais une pièce fermée, mon plus vieux, si j'avais une pièce fermée, tu sais, comme Chris Patience, je le ferais beaucoup plus, mais... Ou tu viens ici. Ouais, que je vienne ici, là, faudrait quasiment. Mais sinon aussi, une tendance que j'ai présentement, vu que là, je travaille sur le full set Super NES, ben j'ai remonté ma Super NES en haut, ma Super NT, comme tu as fait avec ton AVS, puis là, je joue plus. Donc, j'essaye. C'est pour ça que j'ai essayé, genre, plusieurs Legends, tu sais, puis Pirates, puis j'ai fini EVO. J'avais jamais joué, tu sais, j'essaie les affaires-là. Puis pour la pocket, comme tu disais, aussi, quand je l'ai reçu, ben là, je suis comme, yeah! Là, j'essaye plein de jeux, je me suis mis à finir des jeux de Game Gear, tout ça. Fait que ça dépend de la machine aussi, hein. Je suis encore là-dessus. Ah, ben moi aussi, là, à temps partiel. Là, je suis bien gros sur Forager, mais je joue à Burger Time Deluxe aussi en même temps, au Game Boy. C'est cool ça. Hein? C'est pas juste Burger Time, c'est comme une petite aventure. Ben, c'est pas une aventure, mais c'est des badges de 4 niveaux. T'essayeras ça. C'est intéressant. Oliver Meller, prochaine question. On va essayer d'accélérer. Êtes-vous correct? Oui. Ben, c'est plus pour toi, si tu veux pas que ça dure 2h30. Ben, moi, je m'en fous. Il est 9h, tu sais. On a commencé tôt. Fait que moi, je suis pas prêt. Moi, je me saoule la gueule. Moi, 2h30, c'est ce que j'avais pas mal calculé. Tu retournes chez vous, là. Ouais, j'étais dans les épisodes de Dom d'habitude, c'est 1h, 1h15. Le chaque, c'est 3h. Fait qu'on va aller dans le milieu. Ben, Rétro Nouveau, c'est 2h, 2h et quelques. Mais c'est pour vous autres, là. Toi, à quelle heure tu voulais. J'étais en vacances. Je me suis amené juste 2 bières. Je m'en mets 2 bières. Fait que mec, mais que je parle va être correct. OK. Fait que j'ai pas de limitation vraiment. Bon, ben, on continue avec Oliver Miller. Alors, qui dit « Serait cool si M. Boily pouvait développer un peu sur comment reconnaître un jeu SMS Sega Master System PAL versus NTSC et faire un petit historique de cela. » Parce que... toi, tu fais le full set Sega Master System. Ouais. Mais c'est pas fait, là. C'est ça qui est super compliqué. Mais vas-y. La réponse rapide est oui, mais je pense que j'en ai parlé un peu au chat, puis ça serait peut-être même... Je devrais peut-être même faire une vidéo là-dessus. T'sais. Ben, peut-être. Mais je vais y aller vite, là. Oui, j'ai le full set de tous les jeux sortis aux États-Unis. OK. Aux États-Unis. Pas au Canada, aux États-Unis. C'est important. Mais j'ai beaucoup de versions européennes là-dedans. D'ailleurs, on dit vraiment européennes ou US parce qu'ils sont pas vraiment pâles, parce que la majorité des jeux, même si c'est en Europe, fonctionnent. Sont faites pour rendre 60 FPS. C'est ça, c'est énorme. Fait qu'on va dire euro, ouais. Européenne ouais. Ou ben, américaine. Ben, celle de ROM, c'est marqué World, ces ROM-là d'habitude. Exact, c'est vrai. Fait qu'ils marchent autant NTSC que PAL. C'est ça. Puis au Canada, comme au Québec, on parle français, puis que Sega of America n'existait pas lorsque la Master System est sortie ici. C'est vrai. On a beaucoup, la majorité des détaillants, en fait, importaient. Je sais pas comment, j'ai essayé de faire des recherches, j'ai jamais trouvé comment la distribution se faisait. Est-ce que c'est Sega qui importait les jeux, puis les, ou c'est le manufacturier, vraiment les détaillants qui avaient des fournisseurs qui faisaient affaire direct en Europe. Mais bref, on s'est ramassé avec beaucoup de jeux européens ici. Des exclusivités, comme des jeux qui étaient sortis aux États-Unis, mais on a eu les versions européennes, parce que en arrière, c'était écrit entre autres en français. Ouais. Pas dans le jeu est pareil. Dans les versions, on va les appeler les versions internationales, en fait. Parce que ça compte pour le Canada, puis ça compte pour le restant du monde. Oui, je pense que des fois, il y a d'autres... Ben, c'est sûr, les versions japonaises sont pas pareilles. Ouais, ouais. Outre le Japon. Ouais. Mais mettons, les langues en arrière, il y a l'allemand, l'espagnol, l'anglais, allemand, espagnol. C'est comme anglais, français, italien, espagnol, allemand. Ouais, italien, je pense que je l'avais pas nommé. C'est ça. Puis, au Portugal, c'est Tectoy qui publiait les jeux. Au Portugal aussi, pas juste au Brésil. J'ai dit au Portugal. T'avais Portugal en arrière, c'est pour ça que j'ai jumpé. Ouais. T'avais Portugal en arrière des versions internationales, me semble. Mais au Brésil, c'est Tectoy qui publiait. C'est pour ça que j'ai comme... Je voulais parler de Tectoy, puis parce qu'au Brésil, c'est très compliqué d'importer des machines. Ça l'est encore aujourd'hui, ça coûte super cher. Une grosse taxe d'importation. Puis les derniers jeux de Master System sont sortis dans les années 2000, là. Ah, ouais. Ouais, puis ils ont eu un port de Street Fighter 2 qui roule correct. C'est du Master System. C'est des fans de pixel art au Brésil à cause de ça. Ouais. Fait que même le je sais pas si eux, le Sega, ils ont appelé ça le Mega Drive ou ils appelaient ça le Genesis. Je sais plus, hein. Je sais plus, mais ça a roulé longtemps aussi. Fait que eux, le Sega, c'est très ancré au Brésil. Puis il y a des versions Tectoy de certains jeux qu'on a eu ici, comme il y a des exclusivités. Puis ils ont fait même plein de machines. Il existe une Master System 3 Tectoy. Ok. Je me rappelle plus si c'était. Je pense que c'est un système on a chip. Sûrement. Mais ouais. Ça reste un produit semi-officiel. Là. C'est okay. Pas de l'émulation exactement, mais. Ça fait longtemps que j'ai fait mes recherches là-dessus, je me rappelle plus trop. Mais pour différencier, pour revenir à la question, là, une version US d'une version internationale, ben les langues en arrière, ça, d'habitude, ça ment pas. Exact. Mais les RPG, Phantasy Star, puis Golvelius, je pense, comment? Ease puis Golvelius, genre, c'est ça les RPG? Golvelius, non. Je pense qu'il y en a trois. Il y a Phantasy Star, pas mal sûr que Ease. Puis il me semble qu'il y en a un autre. Là. Eux, les pochettes, les derrière sont en anglais, mais il existe des versions américaines, écrit Sega of America, puis des versions européennes que c'est pas Sega of America. Mais c'est tout en anglais en arrière quand même. C'est tout en anglais. Godless. Il y a des jeux que sur la tranche en bas, il y a un code de. Il y a un numéro de série. Un petit code là, de 5-6 chiffres. Normalement, c'est des versions européennes. Okay. Mais il y a certains jeux US que. Il y a un code quand même. Hmm. Puis la majorité des manuels européens sont à l'horizontale. Ouais. Mais encore, les RPG sont à la verticale. OK. Fait qu'il n'y a pas de giveaway, là. Moi, ma ressource, c'est segaretro.org. Ouais. Tu vas sur le jeu, tu vas en bas, il y a des scans, des manuels, des covers, il y a des variantes. Ça, c'est LA ressource. Comme ça, tu es sûr. Quand tu regardes une version, tu n'es pas trop sûr. Tu vas voir là-dessus. Mais les giveaways, si tu regardes juste les tranches, les codes, ça, c'est le premier indice. Puis sinon, ben, y a des jeux comme les jeux Activision, les pochettes sont noir, sur couleur. Il y a un noir, il y a un rouge. Rampage est rouge. Oui. Bomb Raid est noir, me semble. Bomber Raid est noir. Mais il n'y en a pas une blanche aussi de Bomber Raid, me semble que oui. Elle est européenne. C'est ça, hein? C'est okay. Ça, c'est la version. Il y a un jeu noir, Cyborg. Ouais, Cyborg Hunter, je pense que c'est un autre jeu. Il me semble qu'il y a un quatrième Activision. Il y en a peut-être juste trois. Mais ceux-là, c'est ça, c'est des pochettes. Les sons de couleur. Fois, c'est des subtilités, là. Ghosts and Goblins. Ghosts and Ghosts. Le zoom est pas pareil. Ah ouais? Okay. C'est vraiment. Quand t'as les deux à côté, tu fais ah ouais, ok. Mais sinon, si tu le sais pas, c'est... Mais c'est pas deux américaines avec des zooms différents. Là. Non. C'est, okay, c'est l'européenne puis l'américaine. Mais là, comment tu collectionnes ça? Est-ce que toi, tu fais juste US ou tu te dis « j'aurai tout » Ben, c'est ça. Moi, mon but, c'est d'avoir... Comment s'en sortir? C'est qu'au départ, quand je tombais dessus, je l'achetais. OK. Que soit après ça, tu t'es rendu compte, oh, tabarnak, tout ça est mélangé. Au début, je savais pas. Puis à un moment donné, c'était comme, ben, je vais les prendre, je vais les upgrader à mesure. Fait que j'ai la liste de tous les jeux US, je les ai. J'ai beaucoup de versions US, mais j'ai encore quelques versions européennes dans la mêlée. Et il y a certains jeux que c'était les versions européennes, mais bizarrement, ils ont mis un sticker en arrière. Ouais. Là, je parle pas des versions US avec les stickers. Ça, c'est la dernière fois que je voulais dire. Okay. Il y a des versions canadiennes avec des stickers. C'est écrit UPC Canada. Puis là, c'est vraiment un sticker canadien. Ça, je les garde. OK. Parce que, ben, ça, c'est vraiment... C'est un set canadien. Il y a personne qui sait vraiment c'est quoi le nombre de releases qu'il y a eu comme ça. Fait que je les ramasse, je les garde. Mais Olivier m'a déjà demandé si... Si je considérais qu'il y avait plus de valeur ou pas, non. Je pense que ça devrait être pricé comme une version européenne normale. Okay. Très peu de personnes sont intéressées. Ah ouais, c'est un sticker canadien, fait que je vais le garder. Ouais, c'est ça. Vraiment très peu de personnes. Et c'est ça le dernier. Il y a 4 jeux qui sont sortis. Les 4 derniers jeux qui sont sortis, c'est les versions européennes. Même aux États-Unis, c'est les versions européennes mais avec un sticker. Sur le code barre. Sur. Ouais, c'est ça. C'est un sticker de code barre qui était par-dessus, qui était là avant. Exact. Là, je me rappelle. Il y a Sonic 1, 2. Sonic 1, pas le 2. Ah non? Le 2 n'est pas sorti. Sonic 1, Spider-Man, Golden Axe Warrior. Ah ouais, hein? Le dernier, je me rappelle jamais, je l'oublie toujours. J'ai un blanc. Puis moi, le seul que j'ai, c'est Spider-Man. OK. Ouais, avec le vrai collant dessus, ouais, là. Ouais. Parce que là, si t'enlèves le collant, c'est terminé. Là. Personne ne peut savoir. Non, puis en plus, le collant, celui-là. Ils l'ont mis, les deux Spider-Man, ils l'ont pas collé sur le carton, ils l'ont collé sur le plastique, la boîte. Ok, je pensais qu'ils collaient toujours sur le plastique. Non, okay. Non, d'habitude c'est sur... Parce que le monde les enlève. Ouais, t'sais. Ouais. Mais c'est vrai que quand il est sur le carton... D'habitude c'est sur le carton, mais celui-là il est sur le plastique. Ok. Qui a pas de sens. Là. Mais là, Sonic, justement, il vaut super cher. Ouais. Rien qu'à cause de ce sticker. Juste à cause de sticker. Combien est-ce qu'il vaut, genre? Ah, là, je sais plus. Vite fait, la dernière fois que t'as checké, 1000$. Ouais, c'était pas mal 1000. Ah, oh, c'est ça. Puis la version normale, euro, 50, 50, 60. Ça. Fait que c'est 1000$, rien que pour un petit collant de code-barre. Fait que ça, moi, ça me tente pas. Ouais. J'ai pas envie. Ouais, ben, Spider-Man, attends, mettons, il se présente. Spider-Man, je suis tombé dessus. C'est vrai. Il se présente. Tu le chasseras pas, mais si on te le met devant toi. Ces temps-ci, que... ça serait ouais, difficile. Ouais, les temps sont durs. Les temps sont durs. Mais, j'ai des rénovations de cuisine. Fait ouais, c'est pas que les temps sont durs, au contraire. Non, ben, c'est on dans avait le sens. Un fond, on a fait, let's go. D'ailleurs, si vous pensez rénover votre cuisine présentement, faites-le pas. C'est vraiment pas le moment. Ouais. Manque de main-d'œuvre, manque de matériaux. Le prix de tout. Il n'y a plus de vis, d'autres apparats. C'est innocent. Mais, je cherche l'autre jeu. Je le trouverai pas l'autre jeu. Mais la meilleure ressource, c'est SegaRetro.org. Okay. Moi, c'est vraiment mon go-to. Puis, je pense que j'ai rien oublié. Ben, non. Écoute, déjà là, c'est assez complet. C'est intéressant pour les fans, pour les auditeurs. Pour les consoles, juste Master System standard, identique. La machine. Version européenne, version US. Master System 2, le gris est différent. Je sais le plus. Gris à l'écran? Non, la console est grise. Ah, OK. Ah. Le Master System 2, la console est grise. Je savais même pas qu'il y avait un Master System 2. Ouais. C'est une version cheap avec sort juste en RF. OK. Puis, il n'y a pas le port carte. Puis le gris, il y a un gris foncé, il y a un gris pâle. C'est très subtil. Puis, je me rappelle plus. Je pense que le foncé, c'est la version US. La version pâle, c'est la version européenne. Ça, c'est plus rare ici quand même de tomber sur la version européenne, mais ça arrive quand même. Je savais même pas que ça existait. Ouais. C'est un beau set à faire pour les pour l'ensemble des pochettes blanches. Là, c'est joli. Là, c'est très joli. Uniforme. C'est uniforme. Simon Dubois demande, est-ce que Baroque Larouche a déjà joué à Baroque, le jeu de Atlus? Ce fameux jeu Atlus qu'il y a eu sur Wii et PS2. Et Saturne. C'est un jeu de Saturne en bas. C'est un jeu de Saturne japonais à la base. C'est excitant. Non. C'est plate dans mes noms, j'ai Ben, ça vous intéresse pas, c'est un RPG-là? Je pense que je l'ai. Son nom, là, je le lis en plus physique. Saturne et PS2, je pense. J'ai jamais écrit ça dans ma jeu. Jamais joué non plus. Puis c'est un genre de dungeon crawler bizarre aussi, ça ne m'intéresse pas. Bon, ben, malheureusement. Très décevant. Ils viennent de retraduire la version Saturne, d'ailleurs. Oui. Ah oui? Ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si. Tous les fans de Baroque. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un jeu qui vaut pas tant cher en plus. Hein. Ça, non, c'est ça. C'est surprenant comment c'est un jeu d'Atlus qui vaut pas cher. Ça vaut toujours cher, ça, d'habitude. Guillaume Lucier Poirier qui demande pourquoi après Contra 3 et Hardcore dites-vous Hardcore ou Hardcorps? C'est Hardcore, mais c'est souvent, hardcore, souvent Hardcorps hein. Comme par réflexe, mais c'est Hardcore. Ouais. Donc au Super NES et au Genesis. C'est donc un jeu de mots, dans le fond. Mm-hmm. Ouais. Corps des morts. Non, mais un core, c'est un corps de police. Ouais. Fait que là, c'est comme hardcore de police, mais c'est hardcore. Mais c'est hardcore à jouer. Ouais. Exact. Pour ta version US. Oui. Ah, c'est clair. Fait que après ces deux jeux-là, pourquoi est-ce que la série est devenue une merde? Il y a Contre-4. Il y a Contre-4 au DS. Qui est quand même très intéressant. Faudrait que je m'y remette. Malgré les je rushais. C'est difficile, je les rushais. Deux écrans, mais c'est pas mauvais. Puis il y a Contra Uprising. Uprising est excellent. Par ça, oui. C'est vraiment par, ça, c'est un grand jeu. Si, c'est quoi le nom de cette compagnie-là? Ceux qui font Guilty Gear, là? Arc System. Arc System Works. Mm-hmm. Ouais. La raison, moi, je pense, elle est bien simple, c'est que la transition 2D vers 3D. Ouais. Parce que là, t'as Legacy of War. Ouais. Mais Shattered Soldier, j'ai jamais joué. Pareil que c'est Chris Mantoff, mais pareil qu'il est bon. Je l'ai. Il y en a un PS2 qui a l'air, j'espère qu'il est pas si pire. C'est lui, Shattered. Ouais, Shattered Soldier. Néo Contra. Ouais. C'est top-down un peu au début. Là. Ouais. Dès le début, t'es top-down. Comme les... Fait que c'est moins. C'est Néo Contra. Ouais. Mais ça a pas l'air si pire. J'ai fait un level. Je les ai, ces deux jeux-là. Je les ai jamais mis dans ma chaîne. Legacy of War, c'est. Au PS1, il y avait ça. Sur Saturn aussi. Legacy of War, c'est vraiment de la dompe. Ouais. Puis si, The Contra Adventure, j'ai jamais joué. Quoi? Si, The Contra Adventure. C'est au PS1, ça. C'est au PS1, j'ai jamais joué celui-là. Ah oui, Contra Adventure. Ouais. Celui-là, je pense que je l'ai. Ouais. J'ai jamais mis dans ma chaîne. C'est ça. Je pense la transition vers la 3D. Ça, c'était ça. Qui a pas aidé. Puis aussi, tu sais. Ce genre de jeu-là, c'est fait sur ça quick, c'est un jeu que tu finis en 30 minutes. Pas le 3. Pas le 3, je sais, non, mais tu sais, non, mais mon point est pas là. Mon point, c'est quand les consoles évoluent, mais la demande de jeu a évolué aussi, puis ça plus long, plus complexe, il y a plus d'affaires. Puis c'est un genre de gameplay-là, mais ça fait pas tant avec ça, puis le marché était pas là non plus, tu sais. C'est sûr que là, après, il y a eu Contra Rebirth, ça a oui. C'est pour ça que Rebirth puis Uprising, ben Uprising, il y a du leveling là-dedans, puis plein d'affaires, mais. Puis Uprising est tough. Oui, mais c'est 2D pareil. C'est ça qu'on a de besoin, en fait, là, tu sais. Puis Rogue Corps, Rogue Corp, Rogue en tout cas, nos amis, on a des amis, genre, j'ai qui essayé, sont bandés sur ce jeu-là. Puis que c'est dans le top 10, sûrement, des joueurs mondiaux de jeu-là. Ouais, moi, je l'ai, j'ai essayé, mais c'était pas, tu sais, j'aimais jouer, mais c'est le système d'upgrade. Ah même, non, c'est ça, c'est lourd. Brisé, c'est là, lourd, c'est là. Dégueulasse, là. Le jeu, il est pas mauvais, mais il est laid que le Christ, tu sais, Mais ça, on pourrait. Hein. Mais j'aurais été prêt à passer par-dessus ça, tu sais, si c'était pas de la lourdeur du système de gestion, là, tu sais. Il y a plein d'arrangements. Je joue à Contra, calé, je veux juste pogner un spread, là. Je veux pas gérer, là, tu sais. Ouais, je suis prêt à gérer un peu, là, mais pas trop, là, quand même. Je joue à Blazing Chrome à la place. Exactement. Mais je suis d'accord avec toi, Mike, c'est le 3D qui est arrivé, puis toutes ces affaires-là. Puis après, ben, c'est Konami qui est rendu Konami. Ouais, c'est comme ça. Konachinko. J'étais plus sûr, c'était. Ouais, c'est ça. Konachinko. Ils font juste des pachinko à cette heure. Mais on pourrait en voir un popé à un moment donné parce qu'ils ont commencé à licenser un peu leur truc. Genre Gutsu Fumaden, qui est super vraiment surprenant quand ils sortent un jeu de ça. Oui, c'est ça. Ils ont sorti un roguelike de Gutsu Fumaden. Oui. Qui a l'air quand même très, très potent, mais j'ai pas joué. Avec un style intéressant aussi, c'est de faire un vieux style japonais. Ouais. Genre, puis c'est pas en 3D. J'étais vraiment surpris de c'est voir pas en 3D. Ça. C'est ouais. En 2D. C'est en 2D. Il y a des chances, là, peut-être. Un jour. Un jour qu'on a mis nous ne déçoivent plus. Crime, c'est ça qu'ils devraient faire en tribute. On devrait pitcher un contrat à Konami. On va faire le prochain. c'est ça. Tellement. Olivier Grondin qui demande « Étant donné que vous êtes tripeux de Switch, que devrait faire la prochaine console de Nintendo qu'elle vous plaise autant? » Voilà, vous êtes pas tripeux de Switch. Ouais, nous autres, c'est là, ça. T'es... ça qui arrive. Là. Non, mais justement, mais, pour qu'elle puisse... Pour que vous deveniez tripeux, ben, qu'est-ce qu'il manque? Faudrait que les performances soient... soit là par rapport aux consoles actuelles. Mais historiquement, Nintendo est tout le temps en arrière. Mais pas nécessairement. Ou que ça soit pas nécessairement. Pendant le 16 bits, non. Ben là, c'était marginal. Il y avait personne. La Genesis avait plus de potentiel, mais la SNES a été mieux utilisée. Ben, elle est sortie deux ans après, tu sais. C'est sûr que. Puis dans le temps-là, deux ans, c'était très significatif, le gré de technologie. C'est ça. Puis la GameCube était quand même... La GameCube était très... C'était très... Elle était pas sous performante versus non, une PS1? Non, c'était drop to date. Non, non, ouais. PS2, Xbox. Non, ouais. Non, c'était très compétitif. Là. Ouais, c'était très compétitif. C'est juste qu'ils ont crissé un mini-disque au lieu d'un lecteur DVD dedans parce qu'ils avaient peur de pirater. C'est la seule affaire qui les a limités. Ouais, parce que ça l'a empêché de servir de base multimédia. Ouais. Fait que le monde achetait PS2 parce qu'il pouvait lire des DVD. Ah ouais, ça c'était winner en tabarnak. C'est ça, tu sais. Moi, je suis bien, tu sais, dans les rumeurs, la Switch 2, moi j'aime bien qu'il va avoir du 4K avec la technologie de AR scaling de Nvidia. Ça va aider pas mal. Moi, c'est comme Kev aussi, les perfs. C'est ça. Les perfs et la résolution. Parce que moi, je regarde le menu de la Wii puis je le trouve flou. La Switch, je veux dire. De la Switch. De la Wii, oui, mais je me trompe. Mais c'est ça, tu sais. La Switch, je le vois, là, que c'est pas sharp. C'est ça, c'est une télé 4K, tu le vois malheureusement. Tu sais, c'est ça, l'upscaling du 1080p vers le 4K, mais c'est moins ça aussi. Tu sais, là, puis non, c'est comme. Tu sais, j'achète ça pour les franchises Nintendo, ça a pris 2-3 ans avant que j'ai une Switch, puis ça a pris Link's Awakening, le remake, pour que j'achète une Switch. Ouais. Sinon, je m'en crissais bien. Très bon exemple en plus, parce que le jeu est super. Ouais. Il est super le fun, puis moi, j'adore. Vraiment le art style. Oui. Mais il stutter. Le framerate est pas constant. Puis ça me mindfuck ce jeu-là. Mm-hmm. T'avances, à un moment donné, ça se met à cocher, puis ça coche plus. Puis tu sais pas pourquoi, puis. C'est la machine. La Wii U, j'avais cet espoir-là aussi, là, que ça soit comme la machine. Nintendo, elle revient le forefront. Comme qu'ils soient à côté, qu'ils reviennent dans la course avec les deux autres, mais finalement, non. T'sais. Ils sont allés encore avec une gimmick, tu sais. Ouais, il y a beaucoup de gimmicks, ouais. En effet. Mais le problème, c'est que si tu veux garder une Switch portable avec des perfs... Elle n'a pas le choix d'être moins forte, non? Non, non, ça, c'est sûr que oui, là, elle va être moins forte. Même la Steam Deck, c'est comme l'équivalent d'une Xbox Series S un peu, tu sais. Ça... C'est bulky. Ouais, puis c'est bulky. C'est laid en tabarnak. C'est pas grand public pantoute. Non, c'est ça. C'est un truc d'enthousiasme, là. Ben, c'est ça, là. Nintendo, c'est Nintendo, là, pareil. Là, moi, je préférais l'époque où ils faisaient vraiment une console portable dédiée, avec laquelle je jouais beaucoup. J'ai beaucoup joué avec mon DS, mon 3DS, puis une console de salon. Moi, je préférais ça, mais... Les performances, je les vois pas, je joue pas aux autres consoles. T'sais. Fait que pour moi, je trouve ça bien beau. Puis c'est tout ce que j'ai de besoin. Je pense que tu l'as remarqué dans Bloodstained, par contre. Ah, Bloodstained, le jeu, ouais. Non, mais là, c'était flagrant. Mais mettons, tu parles de menu flou, tu sais, d'affaires de même. Ouais, quand tu C'est ça, je vais chez Fred, il y a une télé grosse comme le mur, puis là, on joue avec sa X-Boîte. Ouais. Là, c'est comme, j'imagine, si je mets les deux un à côté de l'autre, je suis comme, OK, voilà, c'est très pointu, tout ça, c'est très magnifique. Ben, c'est ça, mais, c'est mais moi, j'ai pas besoin d'autant. Quand tu joues pas portable, tu sais, moi, je joue pas portable tant que ça. Fait que c'est sûr que moi, je vais le comparer aux autres consoles de salon. Fait que c'est pour ça que, si surtout c'est un jeu en 3D, tu sais, jeu 2D, ça peut aller, ça Switch. Même si ça, moi, comme Kevin, j'aurais préféré. En fait, PS4. En 3D, je m'en rends moins compte que c'est flou. Ouais, mais. La résolution me dérange plus en 2D qu'en 3D. Je parle plus de la performance. Mais les perfs. Le perf puis le look. Ouais, tu sais, le look du jeu va être crissement plus beau sur PS4 ou PS. Là, en plus, il y a une nouvelle génération de consoles qui est sortie. Fait que là, la Switch, c'est comme deux générations en retard. Ouais. Tu sais, côté perf, là. Ouais. Fait que je commence à. T'es tout le temps spot on dans la liste que Nintendo sont pas pressés de sortir une Switch 2, puis c'est vrai qu'ils ont pas. En plus, il y a aucun but de faire ça. Ils en vendent plein. Ils en vendent plein, puis il y a une shortage de chips, fait que c'est pas le temps d'en sortir une. Fait que. Mais tu sais, ils sortent en 2017, fait quand même 5 ans. Ça commence à faire quand même. C'est ça, fait que. Le flagship game. Ils sont toutes faites presque, là. Mais non, mais. Dû une nouvelle console pour les. Comme ils. Ben là, c'est pas les flagship nécessairement, mais la série Warriors. Perf là-dessus sont tatros. Oh. Les Mouzou, là. Puis là, le dernier Fire Emblem, là. Ouais, c'est ça, le Fire Emblem Warriors. Puis avant, Iron Warriors. Ça a crissement pas été un hit sans magasin, là. Ouf. Puis le dernier Pokémon aussi, qui était Pokémon, comme. Pokémon. C'était pas très beau, tu sais. Ben... C'est dégueulasse. Ah, mais... C'est même dégueulasse, Pokémon. Le monde l'a aimé, honnêtement, ce jeu-là. Il y a beaucoup de monde qui adore le gameplay, ben mais c'est laid. C'est laid comme le Chris. C'est ça, le look. Il vient de sortir. C'est un jeu open world vide, là. Ben oui, c'est ça. Il vient de sortir Xenoblade Chronicles 3. Pas vendredi. Ah, ben ok. J'ai regardé la vidéo de Digital Foundry. Ils disent c'est vraiment bon ce qu'ils ont réussi à faire par rapport. Ils ont vraiment amélioré la qualité par rapport aux autres. Puis framerate, c'est pas pire. Mais tu sais, t'avances, puis tu vois l'herbe qui se dessine à 3 pieds en avant de toi. Mm-hmm. Puis c'est vraiment bizarre. T'avances, puis là, t'as de l'herbe qui fade in. Là. Puis les textures, ils pop. Tu vois la roche dans le fond. À un moment donné, elle look plus pareil, la roche. Là. Moi, ça, c'est très distracting. Allez. Je vais jouer un vieux jeu, ça me dérange pas. Parce que, ben, c'était ça à l'époque. Ouais. Ça me dérange aujourd'hui, j'ai une possibilité de jouer vraiment plus beau. le même jeu, ben j'irais pas juste sur Switch. Ben, je suis d'accord, pour le même jeu. Mais ouais. En même temps... Il y a pas tant d'exclusivité. C'est vraiment les indies. Il y en a des tonnes, mais qui t'attirent. Non, mais les indies sont toutes sur PlayStation. Ouais, ouais, non. Ce que t'achètes, la majorité des choses que t'achètes... Non, il y en a qui en a pas sur PlayStation encore. Là, mais la majorité sont là. Ils sont pas tous là. T'as raison. Ben, sont pas tous en fait, ils commencent sur Switch d'abord. Puis après ça, ils s'en vont. Ben, ils commencent en PC, Steam. Steam, puis après, c'est la Switch le plus gros vendeur après. Ouais, c'est ça. Parce que le monde, ils sont. Ben, c'est ça. Ils sont plus. Les indies ont suivi. Le public des indies ont acheté la Switch, parce que c'est pas besoin de grosse performance. Non, c'est ça. T'sais. Un bel exemple, Tribute, qui ont sorti Panzer sur Switch. Pis... Exact. Mais TMNT, ils pouvaient pas ne pas le sortir. Non, mais c'est ça. C'était un deal avec un gros public. Il y avait Nickelodeon impliqué. Mais ils ont décidé de sortir juste Switch, puis je pense pas que ce soit tiré dans le pied parce qu'ils ont sorti juste Switch. Non, puis comme. Connaissant GF, il a dû faire comme. Ok, ouais, parce que ça doit pas vendre. Il a dû checker les chiffres de vente comme les autres jeux. C'est ça, on va vendre vraiment plus à Switch. On vend plus à Switch. On va se concentrer là-dessus. C'est ça. Totalement. Moi ça j'aime la Switch pour ça, mais pour finir de répondre à la question, moi je l'aime ma Switch, là. Pas besoin de rien. Juste que ça soit plus performant aussi. Moi ça me ferait un petit mais ils vont garder le portable. Ben, c'est ils ça, pas le choix de garder que ça soit portable. Je veux que la Switch 2 soit rétrocompatible. Ça c'est ça, ah ouais, ils ont pas de choix. La librairie est tellement grosse. Là, ça serait un gros win. C'est sûr que ça va l'être. C'est ce qu'on dit, mais tu sais comme justement la PlayStation 5 est compatible, l'Xbox est... Mais toutes ces consoles de Nintendo ont tout le temps été rétro d'une génération arrière. Là. Sauf la Switch. La Switch, oui, mais là, ils ont abandonné tout ce qui était Wii U. Ils sont pas tant, tu sais, ça a starté, mettons. Mais ils ont tous refait les jeux pour la Switch. Ouais, c'est ça. Tu veux y jouer, c'est là, ce qui est arrivé. C'est ça, c'est à partir de la GameCube. Ben, tu sais, sur portable, ça a été jusqu'à Game Boy Advance, après DS, DS, 3DS. Non, mais le DS est compatible avec Game Boy Advance. Ouais, mais tu sais, c'est ça que je te disais à partir de... Le DS rentre dans les 3DS. Ouais, c'est ça, mais... Mais ça, sur console puis de salon, ça va être la GameCube, après c'était la Wii. La Wii sur la Wii U. Exact. C'est ça. Il n'y a pas eu beaucoup, tu sais. Ils se sont tous suivis. Ouais. Sauf quand c'était des cassettes, parce que là, c'était pas possible. Ben, à la base, ils voulaient pour la Super NES, ça serait trop compatible, mais ils se sont rendus compte que c'était... très complexe. Très complexe. Ouais. Il y a beaucoup de jeux qui utilisaient des instructions illégales. C'est-à-dire, genre, qui utilisaient des instructions qui sont pas dans la documentation, puis... Ces instructions-là, mais comme avec le processeur 16 bits, il était réutilisé, fait que là, c'était comme... Ça va de la menthe, fait que... En tout cas. Prochaine question. Vous pensez quoi de la venue du pape au Québec? De Jonathan Paradis. Ouais. Paradis, pape, tu sais, c'est nice. Moi, je suis comme, pourquoi qu'on l'invite encore, ce style-là, man? Moi, je suis très anti-religion. Je trouve que... Pas anti, dans le sens que je trouve que c'est dépassé comme concept. Ouais. On n'a plus besoin, tu sais. Les religions, ça a été. Ben, des gens ont besoin, Michael. Je sais, non, mais. Est-ce que les gens ont besoin du pape? Non, c'est même ça. Même des gens qui sont très catholiques, est-ce qu'ils ont besoin du pape? Est-ce qu'ils leur ramènent quelque chose dans leur quotidien? Je ne penserais pas. Non, mais c'est une figure, tu sais. Puis ils ont besoin de quelque chose pour relate, là, vu que tout le reste n'existe pas vraiment. Puis à un moment donné, t'as. Ben, c'est ça, tu sais, la plupart des questions, genre, est dure à répondre, comme qu'est-ce qui se passe après la mort, ou tu sais, plein de réponses qu'on n'avait pas de questions que la religion répondait. Mais là, ça, de plus en plus, on répond à ces questions-là avec la science. Fait que je trouve que c'est de moins en moins, tu sais. Je comprends que ça aide certaines personnes, ça a l'air d'avoir une balance morale, puis tout, mais moi, je trouve que c'est plus vraiment tant nécessaire, puis en plus, ça a tellement causé de souffrance, puis de malheur c'est dans l'histoire. C'est une amertume de. Toute la marque qui a été causée par les guerres de religion, tu sais. Ben oui. Parce que quelqu'un croit à quelque chose puis que ça l'aide dans sa vie, ben tant mieux. Ouais. Pourquoi Moi, ça me fait rien. Ben c'est ça, tu sais. Ça n'a pas d'allure. Puis même, je veux dire, plus proche, il n'y a pas si longtemps que ça, je veux dire, au Québec, comment est-ce que la religion a ralenti le Québec, tu sais? Ça, c'est une vraie... Moi... Mais c'était à double tranchant. J'avais des cours de catéchèse au secondaire. Là. Ouais, moi aussi. Puis là, t'avais le choix. Est-ce que c'est catéchèse ou morale? FPS? Ah oui. Formation personnelle et sociale. Ouais. Là, c'est comme... Est-ce que tu vas aller écouter les écrits de Jésus ou tu vas aller, genre, apprendre à respecter la femme, personne, le sida, c'est quoi, les relations sexuelles, la vie en société... Il te donne le choix, Chris! Ouais, c'est ça. Moi, quand j'y repense à ça, ça me tue. Ben, on a un peu la preuve de ce qu'on dit. La visite du pape, si j'ai bien compris, parce que je suis pas ça de près, mais pas du tout. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il vient s'excuser. Oui, il vient s'excuser pour les Amérindiens. Ouais. Ben oui, ben c'est justement. Parce ben, les Premières Nations, excusez, ouais. On peut plus dire Amérindiens. Mais c'est justement parce que l'Église était là que ça a fait de la merde. C'est l'Église que ah ouais, ben, vraiment fait de la merde. Il vient s'excuser, là. Fait que ça va tout régler. Après ben, ça va être comme ah, enfin, tu sais. C'est pas assez pour eux autres, c'est ce que j'ai lu dans les nouvelles radio. Ben, no shit! C'est clair! Mais ce que je voulais dire par... On les a détruits avec ça, t'sais. Mais ce que je voulais dire par double tranchant, c'est que tu as dit que oui, c'est vrai que ça a ralenti le Québec. Mais c'était à cause de ça qu'on a gardé le français au Québec pendant longtemps, parce qu'ils nous gardaient comme proches puis comme en clos aussi. Ah, fait que c'est comme, ouais. Moi, j'ai comme moitié-moitié, mais j'ai mon point que moi, je suis pré-religion, comme ça, ça sert plus vraiment à grand-chose. Puis ça nous a tellement ralenti, comme on a tellement boosté quand après Révolution tranquille qu'on a crissé les églises, les écoles puis les hôpitaux, là. Ah ouais, ça ah a fait ouais, du bien, là. Ah, totalement. Avant, ça avait la même puissance que le fucking premier ministre. Ouais, là, non, c'était égal, là. Ouais, tu demandais au gouvernement et tu demandais à l'Église. Ça avait-tu pas d'allure, ça? C'est ça, puis c'était des religieux qui enseignaient, c'était des religieux qui étaient infirmières, tu sais, c'était partout, là. Fait on avait une chapelle dans notre école secondaire, on allait à la chapelle des fois. Ah oh, ouais. Tu sais, man. Puis on avait des profs religieux. Ouais. On avait des alcooliques, puis on avait des religieux. C'était beau en hostie, à Saint-Joseph de Beauce, man. Et moi, les deux écoles primaires que je suis allé étaient à côté d'une église. Ah oui, ben, nous autres c'était aussi. Saint-Jean-Baptiste. Ils étaient dans le même compte de l'église. C'est vrai que mon école. C'était toutes des saints quelque chose. Ben oui, c'est même proche des églises. C'est vrai que c'était Saint-Jean-Baptiste et Immaculée Conception. C'est... Ah ouais. Ancré dans la religion. Là. Ah ouais. L'orphelinat était pas loin, puis le presbytère, puis tout. C'était le conglomérat. Fait que c'est ça, nous autres, on a vécu l'effet que ça, d'avoir l'État dans la religion. C'est pour ça qu'on est plus enclin au Québec à viser vers la laïcité que le reste du Canada, comme ils ne comprennent pas. Ah, man, ouais, c'est ça. Moi, je comprends pas qu'ils comprennent pas. Chris, qu'est-ce que le monde, il monte au barricade. On veut que ça soit laïque ici au Québec. Voilà, c'est-tu la liberté? Non, Chris, c'est fucking laïque. Pas de religion. Peu importe ta religion. Fais ta religion chez vous. Pour le reste, laïque. Tu sais, égal. Puis moi, je trouve que ça a bien du bon sens. C'est ça. T'sais. Il y a juste que... Je te persécute pas dans ce que tu fais, là, tu sais, mais pour tout le reste, tu sais, ça devrait être neutre, tu sais, parce qu'on n'a pas à faire des règles par rapport à la religion. Peu importe la religion, là, tu sais, c'est Christ. C'est ça. Puis décolle-ci le crucifix de l'Assemblée nationale, là, tu sais, comme soyez conséquents dans vos choix. Là. Vous êtes laïque, soyez laïque, genre, pour tout le monde, là, comme pas... Ben, c'est ça, man. Je suis bien d'accord. Par contre, ce que j'aimerais, c'est qu'ils conservent les églises. Le bâtiment. Le patrimoine. Le bâtiment. Parce que ça a une certaine histoire, puis autant néfaste que ça a été, d'un autre côté, c'est des marques, et puis c'est quand même des cristis de beaux immeubles. Là, oui, on ne se cache pas. Là. Justement, là, c'est là que ma première école où je suis allé, c'était comme, c'est l'autre bord. C'est l'autre bord de la rue, mais c'était à 5 minutes, là, l'église. Là. Puis ça a été converti en condo de luxe maintenant. Oui, il y en a une. L'extérieur est identique. Mais à l'intérieur, ils ont tout en fait ça. Mané, il parlait de faire un... Pendant deux ans, c'était un projet de skate park. Ça arrêtait pas. Ça arrêtait cool. Mais ça, ça a pas marché. Mais c'est quand même devenu des condos de luxe. Ben, moi, je trouve ça correct, tu sais. Puis en même temps, il y en a... C'est gigantesque, ces affaires-là, puis c'est vide. Il y a plus personne qui y va, tu sais. Combien que ça coûte d'entretenir ça? Je comprends qu'il y en a qui sont abandonnés, tu sais. Celle sur Masson, à côté de chez nous, tu sais, ils travaillent fort. Ouais. Parce qu'aussi, elle a c'est une église hors déco. Ouais. Fait qu'elle a un style très unique, mettons. Mm-hmm. Fait qu'ils travaillent fort dessus. Mais sur Folum, proche d'Ontario, man, il y en a une crise de grosse église, puis elle s'écroule vers l'intérieur. Ah, ouais. Tu sais, comme... Puis c'est triste de voir ça. Mais non, je suis d'accord, tu sais, moi je suis comme vous, là, la religion, man. Je fais sans et je suis très heureux, tu sais. Ma vie est pleine sans ça. Patrick Doyon, les impressions de l'analogue pocket de la part de Kevin Boilly. T'en as déjà quand même parlé pas mal. Ouais, moi j'adore la machine, là. Ouais. Toi, t'en as-tu une, Mike? Non. Moi, c'est. L'as-tu commandé? Non. Moi, ça, j'ai un Mister. Fait que j'ai pas besoin de ça. Ah ouais, c'est vrai. Fait que. Puis je joue pas portable. Fait que ça me parle pas. Mais c'est juste... c'est ça, c'est pour jouer portable. Moi, j'ai le dock, je m'en suis jamais servi. Mais je trouve que c'est une. Mais c'est pour finalement, je m'en sors pas. C'est pour streamer. À un moment donné, je vais. Ouais. Je vais me mettre à streamer du Game Boy. Mais moi, je trouve que c'est une astide belle machine. Ah, c'est juste que moi, ça répond pas à des besoins de jeu. Mais, calice que je trouve ça beau. C'est comme, l'écran est vraiment magnifique. L'écran 10 fois, ah, ouais, fois la résolution, c'est incroyable. Ça donne quelque chose. Le fil pour émuler le LCD de la Game Boy. C'est vraiment... Avec le teint vert, man. Ah, c'est malade. Là. J'adore vraiment ça. Mais ça me parle pas. Fait que, même si je... C'est comme j'ai pas tant joué au Game Boy, j'ai une flashcard, je boue des jeux, ça me parle pas tant la Game Boy, tout ça, fait que non. C'est correct, t'as le droit, c'est ça. Fait que c'est pas pour moi, mais j'apprécie l'effort puis le produit. D'ailleurs, tu voulais qu'on en parle un peu, fait qu'on, mais comme il n'y a pas de news, mais c'est le moment, là. Ouais. Le 29, c'était, tu te rappelles-tu la date? Peu importe, la date, c'est important. Je pense que c'est le 29. Ils ont annoncé qu'ils releaseraient le firmware 1.1, version bêta. Mm-hmm. Me semble que c'est le 29. Et dans les features, il y a la library qu'on se fout, les memories, là, les trucs, l'encyclopédie interne, on s'en fout. Mais okay. Là, ils ont enfin dit qu'ils ouvriraient le deuxième FPGA pour les développeurs. Mais c'est tout. C'est tout ce qui est annoncé. OK. Fait que j'ai hâte de voir. Ça fait va que être... là, il y a des gens comme vous autres, là, les nerds, qui peuvent faire des cores pour émuler d'autres Coleco. Ben c'est ça, parce qu'il va être totalement émulé. Même que le monde pourrait refaire un core Game Boy s'il voudrait, puis corriger des bugs. Mais c'est vrai, il n'y a rien qui les empêcherait. Non, c'est vrai. Fait que je le sais pas, là, même si on est nerd, j'ai pas la connaissance de savoir. C'est un autre, toi. C'est comme faire. C'est la programmation de matériel. Là. Ouais, c'est, mais je sais pas. J'ai pas la connaissance pour dire oui, ça va être facile de porter des corps de Mister là-dessus. J'ai aucune espèce d'idée. Ouais. J'espère que oui. J'espère que ça va être assez simple et que le monde, ils vont pouvoir le faire. Puis à ce moment-là, parce que si c'est simple, on va avoir presque instantanément une chier de cordes. Ah ouais, hein. Parce que les specs qu'on avait regardé, puis les specs étaient meilleurs qu'un Mister avec un add-on de RAM, il me semble. Ouais, c'est ça. Parce souvent, ce qui va limiter, c'est l'espace sur la chip FPGA elle-même, puis la RAM. OK. C'est surtout ça qui limite le plus, hein, ouais. Mec? Ouais, c'est ça, le nombre de logic gate, là. Ouais. Le porte logique, tu peux. On a comme des 100 000, là, me semble, quelque chose comme ça. Je sais plus le nombre là, que t'as sur un FPGA. Fait qu'on avait checké que les specs étaient bonnes. Non, c'est pocket. Ça, c'est comme un Cyclone 5 comme, ben, aussi puissant qu'est-ce qu'il y a dans le Mister. Là, fait que s'ils font ça, ben, ça fait longtemps qu'on dit, il n'y a pas de jailbreak, il n'y a pas de jailbreak. Ben, si on a des cores directs, on n'a pas besoin de jailbreak. Exactement, c'est ça, je me dis. Le jailbreak, il va être là. Puis, ben, j'espère en même temps voir justement des cores arriver day one, développés par Keftris, qui est le dev de la... Ouais. Parce que c'est un secret de polichinelle que c'est lui qui fait les jailbreaks des autres machines. Là. C'est juste lui qui a le knowledge pour les sortir des One. Il n'y a pas d'SDK, il n'y a pas rien. Puis il y a un jailbreak, tu sais. C'est sûr que c'est Keftris. Y a-t-il donné des nouvelles, lui? Es-tu encore. Il est trop occupé pour en parler. Je pense qu'il travaille chez Analog, là, je pense. Ouais, il travaille pour Analog maintenant, Keftris. On me mélange avec Kriggs. Avec Kriggs. Kriggs. Qui est en Ukraine. Ah, Kriggs, oui, il a repris la. Ça d'ailleurs, il a repris la production. Il était. Il a oh, comme, oui, il a déménagé dans l'ouest du pays. OK. Pour éviter comme la guerre dans l'est. Là. OK. Fait que il est comme. Je pense qu'il est pas loin de la frontière entre la Pologne. Puis il est encore reparti sa manufacture. Puis tout. Là. Ben, pour ceux qui nous écoutent à la maison, Kriggs. Celui qui fait les Everdrive. C'est ça. Qui fait tous les Everdrive qui valent la peine. Là, qui ben, sont c'est vraiment les Everdrive. Ouais, c'est Everdrive. C'est vraiment l'engineer des Everdrive. Exact. Ils sont disponibles sur quel site déjà? Donc, Stone Age Gamer. Ouais. Puis son site directement. Retro Modding en ont souvent aussi. Ouais. Mais probablement que présentement. Mais personne n'en a présentement. C'est ça, t'sais. Parce que c'est un Ukrainien, puis il y a eu la guerre en Ukraine. Mais là, ça me réconforte que vous me dites. Parce que là, tout le monde veut des Everdrive. Ouais. Il y en a nulle part. C'est reparti, là. Il y a eu un problème de shipment, je pense. Okay. Il a shippé comme une version spéciale de la version N64 édition, comme pour aider la guerre. Parce que la guerre en Ukraine est toujours en cours. Ouais. On n'en parle tellement plus, hein. Ouais. C'est incroyable. Le monde se tue là-bas, puis comme on n'en parle plus. Là. C'est comme, ouais, il fait beau au Québec, là, aux plages. C'est toujours comme ça. C'est comme ça, là. Ouais. C'est comme, il n'y a pas de grandes nouvelles qui se passent là-bas, puis comme rien de, mais c'est scandaleux. C'est ongoing. Ouais. C'est ongoing, il ne faut pas l'oublier. Là. Exact. Mais non, il a déménagé en Espagne, quelque chose de même, puis il a redéménagé en Ukraine, mais dans l'Ouest, comme plus loin de la guerre. Fait que, attends, tant que les Russes ne rentrent pas là, il devrait être correct. Fait que l'analogue, très belle machine, et ben potentiellement, ça va donner encore meilleure machine. Ah ouais. Puis moi, je l'adore. Puis juste une petite note sur le dock. Moi, quand j'ai vu tout ça, je suis comme, c'est donc bien hot d'un coup. Il y a un dock, mais ouais. C'est donc bien malade. Ouais. Je vais donc bien jouer. Puis finalement, je joue jamais dans télé. Je me sers du dock pour déposer la machine. Non, même pas. Elle me sert à ça, moi. Ben moi, je la laisse là-dessus, à charge, puis je m'en crisse comme un... Ben c'est que moi, il est dans un tiroir à côté de mon ordi pour si je veux streamer avec. Ouais. Je le laisse là, le dock. Je me suis acheté un adaptateur normal. Ouais. Ce que je trouve d'ailleurs, là, ça c'est mal fait. Le wake, si j'avais un truc à fixer, là, ouais. J'espère que la fonction de wake marche pas. Ouais, ben des fois sleep ça marche, des fois ça marche ben, pas. C'est ça. Comme weird, ben, ouais, sleep wake, là. Je comprends pas parce que si tu fais un state, mettons tu fais un state avant, t'as mon sleep, t'as wake, il est brisé, tu load ton state, t'es correct. Pourquoi ils utilisent pas cette tech-là dans leur. Ils ont juste à faire un state, mettre la console en sleep, puis wake, puis t'es correct. Ouais. Fait que ça, premier pet peeve. Deuxième, quand la console a plus de piles, elle ferme, elle shut down. Elle se met pas en sleep. Elle shut down. Elle doit te donner un petit indicateur. Quand même. Non, non. Il t'écrit low battery, puis 10 minutes après, il n'y a plus rien. Je me suis pas rendu jusque-là encore. Tu joues beaucoup. C'est, ben, first, mais en sleep. Oups. Fait que là, ben, tu je la laisse en sleep souvent, fait... pourtant. Ben, moi, je la laisse sur le dock. Non, en mais sleep. En sleep, elle n'utilise pas de batterie. OK, OK. Ce que je veux dire, c'est que quand tu n'as plus de batterie, mets-toi en sleep. Ouais. Puis, kill pas ma game. Tu la rouvres, ces resets, là. Comme dans le temps quand tu perdais des batteries. Ouais, c'est ça. C'est weird. Et toutes les machines, quand ils n'ont plus de batterie, la Switch, ben, la Vita, le PSP, ils disent, hey, j'ai plus de batterie. Pff, ils se mettent en sleep. Ça, je savais pas. Ouais. Mmh. Ça me dépasse. Fait que la fonctionnalité de Sleep Wake puis le low battery, c'est les choses que je changerais. Puis les FPGA. Ah, puis un adapteur turbo. Oui. Un TurboGrafx. L'adapteur Atari Lynx, man. Oui, qui n'est pas sorti encore. Ça m'intéresse moins. Moi, ça m'intéresse. Et puis Neo Geo Pocket n'est pas sorti encore. Tout ce qu'elle a, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse moins. C'est juste des jeux de fighting. Ouais, mais c'est parce que la Neo Geo Pocket, le stick, il y a des micro-switches dedans. Ouais. Fait que c'est peut-être la seule machine dans la gang que non, mais je vais jouer ça avec. Ouais. Même si on voit un peu moins bien, là, c'est vraiment, vraiment satisfaisant de jouer sur une Neo Geo Pocket. Mais là, ça te prend une vraie. Puis, ben, j'en ai une. Ouais. Fait que... Mais moi, j'ai regardé la librairie, je me suis dit, j'achèterai pas cet adaptateur. Je me suis dit, j'achète tous les adaptateurs. Ah, mais j'achèterai pas lui. Mais ils sortent pas. Fait que c'est ça qui est frustrant avec Analog. Ils annoncent des choses, puis ils sortent pas. Ouais. Leur communication est super limitée en plus. Ouais, c'est ça. Une fois de temps en temps, ils te poke. C'est vraiment. Ils essaient de créer un aura un peu comme à Apple, là, de boutique, là, puis de luxe. Là. Ouais, puis c'est de la dompe. Là. Ouais, comme. Fait que j'aime leurs produits, mais j'aime pas trop leur marketing et leur PR. Là, PR. Ouais, c'est PR, il est slow. Pas mal. Ouais. Notre ami Eric Hébert qui demande, c'est quoi le Next Gen? C'est ce que tu veux, le Next Gen, Eric. C'est le SSD et le Ray Tracing, Eric. Hein? Le SSD, c'est un game changer. Les loading times. Je laisse en parler pendant que je recherche un autre bière. Si quelqu'un veut quelque chose? Non, mais c'est tout. C'est juste tout? Okay, c'est vraiment juste parce ça. Parce qu'Eric, il trouve que c'est pas assez. Puis qu'il trouve que c'est le VR Next Gen. Non, man, le SSD. Puis Fred aussi, man, Springfield. Ouais. Fred aussi, il trouve le SSD, il était comme... Moi, j'étais genre, quand c'était annoncé, j'étais genre le seul qui était fucking excité par le SSD. Moi, je l'étais. Puis là, comme le monde propre, il était comme... Non, man, le SSD, man, ça va crissement changer la game, là. Puis comme tu le vois, là, comme... j'ai rejoué à Spider-Man Remaster, là. Hey, ça, le fast travel, là, ça prend 4 secondes, man, changer de place dans la map, là. C'est insane, là. J'ai pas joué à Spider-Man, mais tu sais... Rift Apart, Ratchet & Clank, j'aurais jamais pu être exécuté avec un HDD. Jamais. Pas à cette qualité-là. Non, ça aurait été long. Là. Ouais, c'est ça. Là. T'sais, t'aurais une grosse animation de changement de dimension. Ouais. Ça aurait été impossible. Moi, j'ai joué Demon's Souls Remake. Les loadings, là, c'est inexistant. Là. Ça vient blanc, puis t'es rendu après. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, les deux Spider-Man sur PS5, c'est ça. Là, le remaster de lui de PS4, puis Miles Morales. Man, c'est, ça prend 8 secondes, t'es dans le jeu, t'es au title screen. Ouais. Le gros game changer, il est là. Le ray tracing, c'est nice, mais c'est... C'est une première génération, on va se le dire, là. C'est comme... C'est souvent en quarter resolution. Puis aussi... Pas tout qui est inclus. Puis aussi, il faut que tu gardes en tête que là, on était tellement rendu bon à émuler, la lumière qui est comme... C'est sûr que des fois, le changement, l'amélioration est comme plus subtile. Il y en a que ça va donner des ondes plus réalistes, le calcul plus réaliste. C'est comme si c'est vraiment subtil. Il y en a que c'est. La grosse feature, c'est les réflexions, évidemment, qui est comme tu peux réflecter comme quelque chose que tu vois en arrière de toi. Fait que c'est juste que je pense que dans 2-3 générations, ça va aider le développement parce que tu n'auras plus à mettre plein de lumière partout. Puis. Générer des light maps partout, fait que ça va être plus... Tout va être ray-traced. C'est ça, tout va être ray-traced, puis ça va être plus naturel pour les artistes placer leur lumière, puis la lumière va être plus naturelle, les ondes vont être plus naturelles. Mais c'est ça, le Game Changer, c'est vraiment plus le SSD pour cette génération-là. Puis avoir du 4K, le 4K, le 4K, mais non, je veux dire, puis avoir le 30 puis le 60 FPS quasiment dans tous les jeux. C'est aussi le choix, là. Le 60 FPS. Tu sais, toi, résolution ou framerate? Moi, je suis plus res. Ah, ouais? Moi, je suis framerate all the way. Là. La résolution, je m'en lâche. Ah non, moi, j'ai... Entre 1080 puis 1440, là, je vois une différence. Ouais. Après ça, je la vois plus. Ah, c'est juste pour avoir plus de bling à l'écran. Ouais. C'est vraiment pour ça, comme tu dis. C'est comme là, j'avoue que tu sais, j'avais pas ça là, en 60 FPS non plus. Là. Mais un mode que j'adore beaucoup, qui est comme que mon compte commence à faire, surtout juste Insomniac pour l'instant. RTP. Non, c'est non. Être en fidélité, mais activer le 120 Hz. Fait que le jeu roule à 40 FPS. Fait qu'il duplique la frame 3 fois en mode 120 Hz. Fait que t'as quand même le jump de 10 FPS de 30 à 40. Fait que c'est comme un hybride entre la performance et la fidélité. Il y a ça dans Spider-Man, ben dans tous les jeux d'Insomniac sur PS1. Horizon, ils viennent de le mettre. Aussi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme un bel. C'est un beau compromis d'avoir comme le full 4K, full fidélité, plus de le feuillage, puis de particules, puis de trucs de qualité, mais d'avoir aussi le FPS qui est là aussi. Fait que non. Fait que c'est ça le next gen, Eric. Ouais. Bon. Okay, c'est répondu. J'ai tout raté, j'ai rien compris, c'est parfait. Dan Vaillancourt qui demande à Barock s'il y avait un jeu à faire, quel type de jeu cela serait. On l'a dit au début. On a déjà beaucoup répondu. Nick Lachapelle, le gars de la balle molle, qui dit « Selon les tech geeks, quelle est la console la plus décevante côté specs? » La Wii U. At launch. La Wii U. La Wii U. Ouais, la Wii U. La Wii U. Moi, j'étais la Wii aussi, là. Oui, la Wii aussi, mais j'avais... Mais tout ça était masqué par la folie, tu sais, du motion. Là, c'est ça, comme j'ai dit tout à l'heure... Il y avait une tech. Comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment hâte que... J'aimerais ça que Nintendo revienne dans la course. Puis avec la Wii U, ça s'enlignait un peu pour ça. Mais l'affaire, c'est que... Ils ont sorti une console aussi puissante que la Xbox 360. Genre en 2012. Quand la Xbox est sortie en 2005. C'est pas plus fort que ça, la Wii U. C'est autant... Pas vraiment. Pas vraiment, non. Pour vrai, je pensais que c'était quand même plus puissant que ça. Non. On s'entend, là, comme en 2012, là, on commençait à entendre parler de la PS4 et de la Xbox One. Là. Fait que nous autres, on était comme, « Hey, man, la Wii U, là, ça va être... » Moi, quand j'en parlais, j'étais sur Assassin's Creed 3, j'étais comme, « Chris, enfin, man, une console Nintendo en HD, man, qui va accoter les autres. » Ah, ouais. Hein. J'étais tellement déçu, là, pour vrai, là. Fait que moi, j'ai toujours espoir que Nintendo revienne dans le game pour avoir les deux. Avoir comme de la grosse performance puis des jeux de Nintendo, tu sais. Parce que sérieusement, les jeux de Nintendo HD, qu'est-ce que c'était beau, là, tu sais. Comme Mario 3, Mario Chat, Mario 3D World, là, c'était magnifique en HD, là, cette affaire-là. Puis ça roulait sur une console de merde. Ben, c'était pas de merde, c'est juste que c'était dépassé. Ben, t'sais. C'est ça que je veux dire, là. Mais le jeu, il holdait up relativement avec ce qui était... Ben, ils ont le day-up, genre, comme 2 ans, genre, ouais. Quand... C'est ça, ça va, tu sais, il était à côté, les perfs de la 360, il y avait comme... c'était le même CPU, à peu près, moins, c'était comme aux 3/4, il y avait pas le hyper-threading, mais il y avait 1 gig de RAM au lieu de 512 MB. C'était ça, les grosses différences entre la 360. C'est des PowerPC, les deux. Ouais, c'est du PowerPC, les deux, puis les gars, c'est à dire vrai que les gars de Québec se sont fait chier à porter Assassin's Creed sur la Wii. Ils ont trippé de cool là, quand que Nintendo a copié d'un spec rendu vers la fin. Là. C'est ça qui arrive, c'est qu'ils avaient annoncé quelque chose puis ils ont coté. Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais ils font tout ça, là. Ouais. Mais quand tes pas specs temps, sont... Pas tout le temps, des fois, hop. Ah ouais? Ouais. Je pense que... Je me souviens quand j'ai eu accès aux specs de la Xbox One versus PS4, la Xbox One planchait la PS4. Ils ont upé les specs de la Play 4. Puis ils ont upé up, surtout la RAM, la Play 4. Puis là, la Play 4 est venue plus puissante au final. T'sais. Mais ils sont fait, je me souviens, là, il y avait eu un meeting, je pense, avec les gars de Sony chez Ubi. Puis ils sont fait caller out par des gars direct dans la place. Alors c'était drôle à voir en esti. Mais sinon, la Wii, bien sûr, c'était une GameCube. On aime ça dire c'est une GameCube, c'est stéroïde. Ouais. Ben, c'est une GameCube 1.5. C'est comme si tu overclockais une GameCube avec un peu plus de RAM. Ouais. Je sais pas combien plus. Je sais pas combien, mais c'est... Mais le motion control. C'est une chance qu'ils ont eu le motion control parce que... Ouais, ben c'était ça la gimmick. Là. Ouais, c'est ça qui a fait que cette machine-là était donc bien spéciale. Ouais. Il y avait des line-up et tout. C'était comme la nouveauté que ça soit aussi parfaitement... Fait que dans ce sens-là, c'est moins décevant que la Wii U parce qu'au moins, t'avais quelque chose en dehors de juste... Totalement. Le CPU puis la RAM, le GPU. La Wii U, elle offre rien. À part un pad, c'était le pad de la gimmick. Exactement. Puis jouer à ça en portable, c'est pas agréable. Non, puis tu pouvais pas être à, fallait que tu sois à 3 mètres de ta machine, sinon ça déconnectait. Aussi. Moi, comme, quand au début, j'étais comme, hey, parfait, je vais jouer dans ma chambre, sti. Puis oublie ça, faut que je reste à côté de la machine. Là, je trouvais ça de la merde en crise. Il est pas beau, puis il est gros, puis il était plastique, bebel. Très plastique. Puis le monde était pas bon aussi, le monde pense. Ah non, le monde était pas. Ça a mélangé tout le monde. Ouais, mais c'est quoi les manettes? Ben là, tu utilises tes Wiimote, tu sais. Ah, mais là. C'était fucké, man. Puis ici, on en a, on en vend. Ouais. Et puis, man, il y a mille affaires, là. Il y a la console, il y a le pad. Là, toutes ces affaires-là, ils ont des câbles. Là, il y a la bar, il y a power supply. Tu sais, c'est comme le kit qui contient le plus de matos dedans, là. C'est la machine qui, à cause de ça, est la plus brisée. Dans le futur, à un moment donné, ben, si t'as pas de gamepad, ben, ça marche plus. Tu peux pas jouer à Wii U, pas de gamepad. En effet. Mais par contre, il est solide. Il n'y a jamais personne qui nous a ramené une Wii U et dit « elle marche pas ». La machine, non. Puis le gamepad non plus. Ah, moi, j'ai essayé d'en réparer un moment donné. J'ai quelqu'un qui avait brisé. Puis je l'ai ouvert puis j'ai fait « irch ». Faudrait changer l'écran au complet. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas tant un problème. Puis si aujourd'hui tu veux une Wii, ben t'es tout seul avec une Wii U. Parce que c'est une plus grande librairie, puis la machine est plus performante, puis tu branches ça à HDMI. Ouais, puis tu vas être plus joli. Ben t'sais. On parlait de la rétro-compatibilité. Merci. Souvent, les machines Nintendo, c'est ça le truc. Mm-hmm. Tu prends la machine d'après, pour jouer à la génération d'avant. Ouais. Prendre une DS Lite pour. Non, la DS Lite. Y a-t-il encore. Oui, c'est ça. Prendre une DS Lite pour jouer à des jeux GBA, c'est incroyable. Ah ouais, l'écran est meilleur, il est plus brillant. L'écran est superbe, mais tu peux pas jouer au Game Boy Color pour Game Boy normal. Exact. Mais avec une Game Boy Advance, c'est la meilleure manière de jouer au Game Boy Color pour Game Boy normal. Oui. Puis la 3DS, meilleure manière c'est la meilleure manière de jouer au DS. Fait que c'est comme toujours, la Wii U, c'est la meilleure manière de jouer La Switch 2, c'est pareil. La Switch 2, c'est pareil. Ben c'est ça. Mais, c'est vrai. Mais il y a une coupure. Tu peux pas dire que la Switch est la meilleure manière de jouer au jeu de Wii U, les disques, parce que ça n'existe pas. Mm. Mais comme tu disais, ils ont tout hors-porté. Faut que tu les rachètes. Ils ont tout hors-porté. Ouais, c'est ça. Fait que c'est la Wii U qui gagne, Nick. Simon Faubert, y a-t-il des jeux Switch, numériques seulement, que vous désiriez qu'ils fassent en une version physique? Pour moi, le principal qui me vient en tête, c'est Cuphead et aussi Portal Collection. Là, tout d'abord, ce ne sont pas des jeux Switch. Pour Cuphead, c'est partout. Ça. Ouais, c'est partout. Fait ouais, que, mais c'est pas grave, là. Facilement, là, Ghosts and Goblins Resurrection. Ouais. Ah oui, totalement. Mais c'est pas un jeu Switch. Mais il est sorti sur la Switch en premier. Ouais, mais là, il est disponible partout. Il est disponible partout. Fait qu'on va ajuster la question pour dire jeu numérique. Ouais, ben c'est ça, parce que... Moi, j'ai Renegade Ops, qui est mon premier jeu de PS3 digital que j'ai acheté. Genre de jeu à la Jackal, là. Est-ce que c'est bon, ce jeu-là? OK, là, c'est... Puis je sais pas, c'est un jeu de Sega. Puis ils ont comme... C'est tombé dans les limbes. Personne n'a jamais rien fait avec ça. J'ai pas de jeu qui me vient en tête pour l'instant, que je pense, là. Moi, j'en ai un autre La trilogie des Rebirth. Oui. Les Rebirth, ça serait vraiment cool. Il y a plus que 3. Mais il est pas sorti de. Il y a Gradius, Contra, puis Castlevania. Il y en a pas un autre? Non, il y en a juste 3. Il y en a juste 3, ok. Ok. Mais il est pas sorti sur console moderne, tu sais, déjà. Fait. Non, c'est ça, il est comme prisonnier. Ben, c'est dans ça, dans... Si c'est des WiiWare. Mais dans jeux qui sont déjà sortis. Contra, Uprising. Oui, oui, oui. En physique, ça serait beau. Ça serait vraiment débile. Même Renegade Ops non plus. Je connais pas ce jeu-là. Ben, il doit être disponible aujourd'hui, ces consoles, mais checkeras ça. Je connais vraiment pas ce jeu-là. Digital seulement. Ben, ils font tout. Il y a des jeux qui ont été annoncés par Limited Run mais qui sont pas encore sortis. Genre Katana Zero. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps. C'est dans les limbes. C'est dans les limbes. Cyber Shadow, je pense qu'il n'y a pas eu de copie physique annoncée ever. Pas encore, pas encore. J'ai pas joué. Mais j'ai pas. J'ai aimé ça. Mais moi, j'ai décroché. Moi. Ça devient dur. Ça devient dur. Mais avec ce que tout le monde m'a dit, je pense que ça sera un jeu pour moi. Ben oui, tu vas aimer ça. Je pense vraiment que j'aimerais ça. Justement, ça vient dur, mais c'est comme, ah ouais. Ouais, mais c'est pas dur, genre, j'ai du plaisir. C'est dur, genre, ça commence à me faire chier parce que, tu sais, c'est pas si le fun rusher à ces genres de mécaniques-là, mettons, tu sais. Tu comprends? Ninja Gaiden 3 est dur, mais t'as du plaisir. Tandis que là, c'est comme le plaisir descendait. Ouais, là, ouais, c'est ça qui se passait. Mais t'es continué fini. Oui, oui. Si tu veux essayer, tu finis ça, c'est pas un problème. Mais ils vont les faire, ces jeux-là. Je sais pas. Ça, je suis... ouais, mais Katana Zero, oui. Ils l'ont annoncé. Je sais pas pourquoi ça prend du temps comme ça, mais le deal est là. Cyber Shadow, je pense qu'ils ont explicitement dit qu'ils feront jamais une version physique. Moi, j'aimerais ça une petite compile Gunman Clive 1 et 2. C'était des beaux petits jeux, Gunman ça, Clive. Digitaux. Ouais, c'était... c'est quoi ça? Non, c'était... tu checkeras ça. C'est des petits jeux portables, là, tout simple. Petit cowboy, tout est brun, tu sais, c'est vraiment hot. Quelle machine, ça? Ben, moi, j'ai joué sur 3DS, mais ça doit être disponible sur toutes. Ben, pense... D'ailleurs, avec la fermeture de la eShop, il y a beaucoup de jeux qui vont mourir là. Oui, absolument. Oh, les feux d'artifice commencent. Il y avait un jeu de Dark Void. Dark Void Zero, qui est la version 8-bit de Dark Void, genre, qui est un jeu qui a, de Capcom qui a chié ben raide. C'était très drôle d'ailleurs quand vous avez appris mutuellement qu'il y avait une, chacune des autres versions existait, toi et Eric Hébert. De quoi ça? Ben, de Dark Void. Moi, je savais que ça existait, Dark Void Zero. Non, mais tu savais pas que Dark Void Xbox 360 existait. Ben oui, j'avais déjà vu des copies physiques de ça. Non, mais ça, qu'il y avait, je me souviens exactement, vous avez chacun de votre bord comme « Hey, il y a un Dark Void Zero, on va être 8 bits. Hey, il y a un Dark Void 3D. » Non, je me souviens explicitement les deux, vous avez fait vraiment la réaction contraire. Genre, c'était vraiment drôle. Je pensais pas avoir découvert ce jeu-là avec ça, pourtant. Mais sinon, Bionic Commando Rearm. C'est drôle, c'est exactement ça, je pensais aussi. Parce que là, je pensais à... Moi, j'ai jamais joué à ça. Moi, j'ai très joué, peu. Je l'ai pas acheté. J'ai joué sur PS3. Je pense qu'il aurait fallu que j'achète une Vita. C'était sur PS3. Puis... Ouais, c'est ça. Mais c'est des jeux, ouais, c'est ça, qui sont pas présentement sur le marché numérique. Puis qui ont jamais sorti. Ben, c'est ça, moi, dans les jeux, j'avais Afterburner Climax. Mais j'ai jamais joué à ça non plus. Pas si le fun que ça. Double Dragon Neon en était un. Mais là, ils l'ont fait, Dieu merci. Ouais. C'est vraiment cool, c'est Neon. C'est vraiment plaisant. Pendant longtemps, il y avait Scott Pilgrim. Vraiment, ils l'ont fait. Ils ont bâclé ça en maudit. Puis quand j'ai rejoué, je suis comme. Ouais, c'est pas tant. C'est pas si le fun. Non, mais la part est bâclée. J'ai essayé de le faire avec Catherine. Ouais. Puis il nous a craché trois fois dans la face. Oui, puis moi, à un moment donné, je tombais dans le vide continu. Puis j'ai perdu mon niveau. Là, je commence. Déjà que c'était codé avec l'engin Onyx de Québec, il se paraît que c'était atroce les pertes de l'éditeur. Là, Ah, j'ai pas entendu des beaux commentaires de ça. Fait que déjà que c'était pas sur un super engin déjà d'avance. Ça, j'avais vu une présentation. Des gars de Québec. Oui, parce qu'ils nagent tout, ouais. Au mix. Oui. Ils inventaient ça au fond. Puis, c'est vraiment cool ce qu'on a fait. Fait que c'est drôle que tu m'avais dit plusieurs années plus tard, ouais, non, ça a l'air, c'est de la merde. Oui. Désolé aux gars du Québec. Ça a quand même fait un bon jeu, pour vrai. Moi, j'aime quand même beaucoup ça, Scott Pilgrim. La soundtrack. La soundtrack est excellente. Mais dans le remake, je m'en rappelle, c'était comme ça dans la version originale, mais les sound effects sont vraiment ma faute. Ça se peut que ça soit juste dans le remake, ça. Fait que là, tu donnes les coups, puis ça n'a pas de satisfaction. Ça fait juste... J'avoue que j'ai pas recomparé avec la version PS3. Moi, j'ai encore mon build PS3. J'ai encore sur ma PS3. Je pense que je l'ai encore sur ma PS3 aussi. Ouais. J'ai pas comparé voir la vitesse, mais je trouvais qu'il était super slow comme gameplay. Comparativement à un jeu moderne. Ben, c'est les cooldowns qui sont là. Fait que là, l'ennemi tombe, il reste vraiment un peu. Il reste trop longtemps. C'est long, à terre, c'est long. Ça brise le pace, mais c'est un bon. Les skills aussi, ils développent pas vite, là, je trouve. Là, c'est comme long. Oh, c'est correct. Ça me choque pas. C'est comme un proto-tortle maintenant. Ouais. On peut dire ça maintenant. Ouais, mettons. Mais je l'ai trouvé des bien meilleurs que ça, évidemment. Ils ont été chanceux, les gars. Toute l'équipe d'avoir fait un jeu au Pixel en 2010 chez Ubisoft. Mais ouais, il y a ça. Là. Hey, moi, je vais vous surprendre avec une affaire. Ça s'appelle Nyx Quest. Vous souvenez-vous de ça? C'est un WiiWare. C'est sur Wii. Yep. Puis c'est un jeu de genre. T'avances, tu sais, t'as une espèce d'ange, là, je sais pas quoi. Puis c'est du platforming avec des affaires qui tombent dessus, puis tout. Pis c'est juste un WiiWare, ça. Puis j'ai jamais revu ça par après. Aucune idée. Puis je me dis, Chris, man, il devrait faire un jeu physique de ça, ça serait donc bien beau. NYX Quest. C'est ça que j'ai dit? Ouais. Oui, c'est ça que j'ai dit. Voilà. Ça, c'en est un. Prochaine question de Eric Laforce. Quel nom fantastique. Ouais. Ça serait chouette d'entendre Michael à propos de son jeu et les étapes de création. C'est fait. À savoir comment il a fait ses choix et dans quel ordre de structure son processus. Ouais, j'ai pas discuté, mais c'est ça. J'essaie de... Mettons, dans le game design, j'essaie de trouver comme les levels, tu sais, le thème des levels avant. Essayer de trouver les boss. Là, après, à partir des boss, trouver les weapons, qu'on sait tuer l'histoire. Là, j'ai parti sur une chute. J'ai fait toutes des mock-ups de UI, de menu, puis de HUD. Je trouvais ça relaxant faire ça pour some reason. C'était l'affaire que j'ai codé les menus, une partie des menus sur Fintook, fait c'est des trucs que je connaissais déjà plus. Fait que sinon, ben, côté game design, c'est ça, c'est vraiment y aller, c'est trouver l'univers, trouver les boss avant en premier. Côté texte, c'est vraiment y aller. Ben, le plus gros, c'est vraiment le rendering. Là, comme tant que j'affiche rien à l'écran, je peux pas faire grand chose. Fait que. Je peux pas coder de prototype ni rien, fait que c'est ça. Dès que j'ai d'y aller vraiment étape par étape. Là, après le rendering, ça va être codé. Quand je vois le rendering qui marche comme que je peux envoyer des trucs dynamiquement, mais là ça va être coder le système d'identité, coder le système de l'asset pipeline, fait que là, à partir d'une texture, les combiner ensemble, faire un atlas, des trucs comme ça. Ton UI. Hein? Le UI. Ouais, le UI, entre autres, c'est ça. Mais ça, c'est un île plus tard, mais tu sais, c'est comme... Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça que je dis. Ouais, le UI, après coller l'audio. Après, coder dans ton rendering. T'sais. Ouais, c'est ça. Après le rendering, ça va être le système d'asset, puis le système d'entité après, tu sais, pour gérer. Fait comme ça, je vais être capable de prototyper, d'essayer de voir si les weapons que j'ai mis dans mon rendering sont le fun, je sais pas, t'sais. Ça a l'air cool quand j'ai lâché une idée, tu sais, c'est comme... Le game design, c'est vraiment un starting point, là, tu sais, que je pose dans mon Discord, c'est ça, c'est... J'essaie des affaires, ah, j'ai pensé à ça, je vais essayer ça. C'est le fun, je sais pas. Je vais le savoir rendu. Tu pourrais prototyper dans Unity. Ouais, non, mais j'ai pas le temps, là. Ouais, mais en même temps, un prototype dans Unity, c'est fait pour ça. Ouais. Moi, je dis souvent, c'est ça, Unity, c'est un très bel engin de prototypage, mais quand tu veux après ça polisher, ça te prend 10% de ton temps à faire, faire la base, puis après ça, 90% de polisher. Ah ouais. C'est super le fun de faire le 10% dans Unity, puis c'est pour ça que c'est super séducteur à travers ça, mais comme, que tu veux faire de quoi plus sérieux avec. Mais je te dis ça parce que ce qui pourrait être intéressant, une fois que tu as ta base là, d'engin, si tu fais ton prototypage, après ça, tu as des idées de. Ah ouais, ok, je devrais implémenter ça en premier dans mon engin. Puis ça te donnerait une idée sur comment. C'est pas le premier engin que je code, fait que je sais déjà quoi. Je sais déjà les étapes pour me rendre, tu sais. C'est. Nerd. Ouais. c'est pas le premier engin que je code. Ben, c'est vrai, je le sais. Pas son premier rodéo. Ouais, c'est ça, c'est pas mon premier rodéo, là. Jim Gendron demande: y a-tu juste moi qui aime mieux acheter une Switch OLED au lieu d'une PS5 avec une vague de bons jeux Switch à saveur rétro style Infernax? Ben moi je vais répondre. Ben, y a pas juste lui. Ouais, c'est ça. Mais je vais répondre la même chose. Moi, Infernax, je l'ai acheté au Play. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai pas joué encore. Probablement ce que je vais attaquer après Dark Souls. Avant d'attaquer le 2, je pense que je vais prendre une petite pause puis je vais aller faire Infernax. Ben, je pense que ce que je comprends de ce qu'il dit, c'est que. Il trouve pas tant d'intérêt à la PS5 qu'il aime les jeux indie, un peu comme moi. Ouais, c'est ça. Les jeux 3D de AAA de Sony ou de Microsoft, ça l'interpelle pas. Exactement. C'est tout à fait correct. Fait qu'il y a pas vraiment de but d'acheter une PS5. De là, le fait aussi pourquoi j'en ai pas chez nous. Non, mais j'ai c'est une PS4 et je m'en sers pas non plus parce que j'aime juste les jeux indie. Ben, je crache pas par contre. T'sais, je regarde ces jeux-là qui sont absolument incroyables et majestueux. T'sais, puis je suis comme waouh. Puis je veux dire, j'ai joué là à Uncharted un peu, puis des affaires de même, puis tu sais, j'aimerais ça, là, tu sais. C'est beaucoup l'investissement de temps. Mais c'est de l'investissement de temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, c'est sûr. T'sais, ça coûte cher aussi, ces machines-là. Ben, ouais. Je dis ça, j'achète des jeux de Super NES de marde à 500$, mais. Je sais pas, j'aime mieux ça. J'aime mieux avoir ça chez moi. Non, mais c'est ça, si t'as pas cet intérêt-là pour, tu sais, les gros AAA qui s'en viennent, tu sais, ou qu'il y a certains trucs qui t'interpellent pas. Puis je le comprends pendant un bout, moi aussi j'étais le même, là, comme ça m'intéressait. Si j'avais une PS4, je jouais pas tant, on dirait comme ça, j'ai repogné le goût, fait que. Ouais. Mais si j'avais une autre machine, tu sais, j'aurais une Xbox, là. Rien que pour jouer aux jeux indie, ouais. Gratuitement sur Game Pass, que je paye, là. Parce que c'est tout ce qui m'intéresse pour vrai. Moi, un PlayStation 5, ça me dit rien de rien de rien, là. Puis je regarde les sorties de jeux, tu sais, puis on dirait qu'il y en a tellement peu. Il n'y a pas tant que ça. D'exclusivité, il n'y a pas tant que ça. Tout le window de launch est tout déréglé à cause de la pandémie. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a plein de jeux qui étaient supposés sortir comme fin 22, qui étaient supposés sortir fin 2021, qui ont été slippés au début 2022. Fait que moi, j'ai été pris de court en début d'année. C'est comme j'attendais Horizon Forbidden West. Puis là, tout est sorti en même temps. Puis là, la semaine, c'est ça, la même semaine, le Cyberpunk est sorti next-gen, je suis comme calice. Ben, fait que j'ai fait Cyberpunk avant, là, après j'ai fait Horizon Forbidden West. Et Elden Ring, ben toi t'as pas joué, mais ouais. Elden Ring est sorti dans la même semaine. Horizon. Hey, le monde ont capoté. Guerrilla sont pas chanceux, là, parce qu'ils ont sorti Horizon 1, Breath of the Wild est sorti. Ils ont sorti Horizon 2 en se disant, non mais y a rien dans cette launch window-là. Genre. Finalement, Elden Ring est sorti, puis la patch de Cyberpunk est sortie. Ils sont comme... Elden Ring, c'est un des jeux qui a les plus vendus. La démo de Star, ouais. Depuis un nesty de bout, genre. Ah ouais, c'est clair. Fait que, non, Guerrilla, ils doivent être... Parce que c'est un très, très, très bon jeu. Les deux, jeu. C'est des excellents jeux. Ben, ouais. Tout ça, c'est des excellents jeux. Ouais. C'est Cyberpunk c'est... aussi. Moi, j'ai aimé quand ça. Même, hein. Moi, j'ai aimé ça. Ben oui. J'ai pas au joué. Début là c'était comme brisé whatever, ils l'ont ajusté là, ben, c'est encore un peu c'est plus jouable, ouais c'est ça. Disons qu'à la sortie, c'était très brisé. Là, c'est, ça ressemble plus à la promesse qu'ils ont vendue. Moi, j'ai joué à la version 1.5. Là. Ouais. Puis j'ai adoré. J'ai vraiment aimé ça. Mais avoir, ouais. j'ai avoir mon avatar de Kenny Reeves qui apparaît de temps en temps, qui est comme. Qui est crissement punk, genre musicien, fuck la société. Ouais. C'était bien le fun. Mais qu'est-ce qu'elle est de la PS5, man? Moi, j'ai pas de problème avec le design. Ah, moi, j'ai aucun problème. Calamité, man. Je trouve juste qu'elle est un peu grosse. Elle est trop grosse. Elle est trop grosse, mais le design, moi. Moi, j'aime bien le design c'est... aussi. Moi, je comprends pas. Là. Je suis comme. Ben, je peux comprendre ceux qui l'aiment pas, mais moi, je l'aime bien. J'ai aucun problème. Non, je trouve que c'est. En même temps. On n'est pas designer puis artiste non plus. En même temps, je trouve que la Series X, je suis pas capable de la reconnaître. Non, ben. C'est juste une boîte noire. C'est une boîte. Ben, c'est correct aussi. Tu sais, ils font des éditions spéciales. Ouais. Ah ouais, c'est à ça qu'elle ressemble la console. C'est vraiment juste un bloc. C'est un bloc. Ça ressemble à mon Vidéotron LX, là, ouais, mais plus ça, gros. C'est vrai que c'est fonctionnel. Tu ouais. peux mettre ça un peu partout. Les la deux PS5 sont... est vraiment du remplacer de cette. Les deux sont silencieux. Ça, c'est un comparativement à PS4 qui était un. Qui était un ouais, geste. Ouais, c'était le premier modèle. Ouais. Souvenez-vous de l'ordinateur Apple Cube. Le G4, là? Le G4 Cube. Je l'ai vu une fois, il y avait quelqu'un dans... Pas un prof, là, mais quelqu'un dans le bureau. De un riche, là, dans un prof. Ouais, ben genre au cégep, là, ouais, genre un fonctionnaire du cégep qui n'avait un dans son bureau. Ouais. Genre, fait que c'est là que je l'ai vu. Là. Mais oui, c'était C'était un beau design, ça chiait cette ouais. machine-là. Il y avait des problèmes de fans, puis tout ça, puis ça surchauffait. Puis Steve Jobs a jamais aimé les fans. Ouais. Comme je pense, dans l'Apple 2 ou dans le Mac, il se battait pour qu'il n'y ait pas de fans, puis il y a un des modèles qui a chié à cause de ça, genre parce qu'il n'y avait pas de fans, puis comme la machine plantait, c'est comme. Dude, man! Mais c'est une des raisons pourquoi la PlayStation 5 est si grosse, c'est qu'il y a vraiment. Plein de fans. Mais, non, il y a beaucoup de heatsink. Ok. Pas condensateurs. Dissipateurs de chaleur. Dissipateurs, c'est ça que je cherchais. Dissipateurs ouais. de chaleur en cuivre. Quand tout ça, là, c'est vraiment très intricate, là, le système ah, des ouais. heatsink là, puis de airflow est vraiment impressionnant à la PlayStation 5. C'est ce qui fait qu'elle est grosse comme ça, puis qu'elle peut être quand même silencieuse. Mm-hmm. Puis la Xbox, je pense que c'est plus parce qu'il y a vraiment une grosse ouverture en haut pour que l'air elle sorte. Ben oui. Puis Fred, il fait souvent la joke l'hiver, il ferme le chauffage, puis il parle avec Xbox. Ouais, c'est ça, hein, ça chauffe. Moi, je l'ai pas vécu, mais ça. Je me fais à Fred là-dessus que ouais, la machine, elle doit chauffer pas mal. Là, elle dissipe, mais elle est bonne pour sortir sa chaleur. T'sais. Exact, avec peu de bruit. Peu de bruit. Beau design. Oui. Charles Ménard, est-ce que ça va être retransmis en direct sur les internets? Non. Non. Samuel D.R. Hein? Hey, Dom, quel marché tu as surestimé et sous-estimé en vente chez Retro MTL? C'est une très bonne question aussi. Oui, c'est vrai que c'est bon. Le marché que j'ai sous-estimé le plus, c'est les Amiibo. Hein? Pour vrai, au début, moi j'étais comme, je veux pas d'Amiibo dans cette entreprise, c'est de la merde, c'est des cochonneries, ça vaut rien. Ben ça vaut de quoi, mais c'est que, tu sais, c'est de la don. Puis ben j'aimais pas ça à base là, tu sais, puis c'était un peu un running gag avec Retro Nouveau et tout. Puis à un moment donné, on a eu, tu sais, puis man, ça vendait super bien puis tout. Fait que là, je me suis rendu compte, waouh, c'est le Klondike ça, les Amiibo. Fait qu'à cette heure, j'en veux, on en vend tout le temps. Encore présentement, là, on avait. Je pense que c'était mort. Ah, zéro, man. On avait un mur, une porte, on a mis un racking sur une porte pour mettre les Amiibo en boîte sur des crochets, puis c'était plein là, tu sais. Puis à un moment donné, je me rappelle, sur le dessus de notre présentoir, on avait tout le long, puis on avait là, on savait plus où les mettre parce qu'on a acheté la collection d'Amiibo de Giz, puis un autre Amiibo, une autre collection d'Amiibo comme presque en même temps. Puis là, il nous en reste 4 en boîte là. C'est incroyable. Puis même les loups, on en vend continuellement. C'est incroyable comment ça marche les Amiibo. Vous seriez surpris. Puis moi, j'ai comme complètement sous-estimé ça. Fait que voilà, ça, c'est flagrant comment est-ce qu'on a raté ça. Ben on l'a pas raté, mais tu sais, je suis comme, wow, on a levé le nez là-dessus en crise. Puis plein d'autres affaires aussi, genre des bonbons. On a des bonbons sur le bord de la caisse présentement. On a pris le temps d'en commander parce qu'on a un peu d'espace. Puis ça vend, man. Tout le monde achète des bonbons, tu sais. Ah, ouais. Ça roule, ces gogosses-là. Fait que là, on n'a pas de toutou. Puis de merch autre, là, mais... Ça prend de la place, des toutous. Ça prend de la place, on manque de place. Fait que cela viendra. Et puis... C'était surestimé comme demande, tu sais. Xbox One! Attends, il y a d'autres affaires... Ouais, il y a d'autres affaires qu'on a sous-estimées. Les... les on vend nos Wii Fit Board, tu sais. Ben oui. Moi, je regarderais ça, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on fait? Ça pèse une tonne, ça prend de la place. Puis là, je regarde ça, parce que Chris, où est-ce qu'ils sont? Ben, on les a tous vendus. Ah, ouais. Chris, on vend ça. Mais ça, c'est... là, c'est surprenant. Moi, j'avais eu du fun avec la Wii. Mais là, là, je le ressors plus. Ben, moi, je l'ai jamais vendu. Peu, j'ai jamais vendu, t'sais. Mais pas pour Wii Fit. Il y avait un jeu de snow. Il y avait Shaun White. Shaun White. C'était ouais. quand même vraiment le fun de jouer à Shaun White. il y avait un jeu de skate. Oui. Même Raving Rabbids, là, il y en avait un ouais, qui était... Ouais. Ça, c'était moins hot. Mais c'est une tech intéressante quand même. Oui, oui, absolument. Puis c'est une tech qui marche très bien. Et là, pour Wii Fit, ça marche encore très bien. Totalement, totalement. C'est... Fait que c'est une tech intéressante. Puis on en vend. Je suis vraiment surpris de ça. Fait que toutes ces affaires-là, je suis comme, mon Dieu, mais... Les gens nous achètent ça, tu sais. Moi, je pensais qu'il fallait mettre ça en feu dehors, dans la poubelle. Combien, mais... combien ça coûte une balance board de nos jours? Hey, je pense qu'on les vend à 25, là. Okay. 25-30, là. Ouais, c'est très raisonnable. Ouais, I guess. t'sais. Non, mais tu sais, je suis comme... Puis tout ce qu'on a surestimé, effectivement, Xbox One, ça, c'est une calamité. C'est terminé. Game Pass. Yeah, ouais, le Game Pass a anéanti le marché d'Xbox complètement. Donc, au début, quand on a commencé dans les jeux neufs, t'sais, on n'a pas commencé dans les jeux neufs en ouvrant le magasin, mais avant longtemps, on a tâté le terrain tranquillement. Je me rappelle encore de Messenger, Chris. The Messenger venait de sortir physique. Les gens de Québec sont venus au magasin. Hein, on a des copies et des vinyles, en voulez-vous? Là, j'ai comme, hey, on n'a pas de physique neuf encore, t'sais, mais on va commencer. Puis là, c'est comme, OK, on va t'en prendre quelques-uns. T'sais, puis à cette heure, ces jeux-là, ils valent genre des centaines de dollars. T'sais. Puis à cette heure, t'sais, justement, les Turtles, Panzer Paladin, Infernax, on les commande à coup de centaines. Là, t'sais. Mais au début, on était super. Ben, tu sais pas. On avait la chienne. Fait que c'est ça. Mais tout ce qui est... Tu sais, au début, on s'est fait un kit. OK, on achète plein de jeux de PS4, plein de jeux de Switch, plein de jeux de Xbox One, puis on a vendu aucun jeu de Xbox One. Puis PS4, man, là, ça... On n'en commande plus. PS5, on n'en commande plus. Il y a juste nous autres, moi, puis Kevin, ouais. Le Matt, qui en on commande... Quand vous en voulez, vous nous le dites, on les ouais. commande. Ouais, mais en magasin, on veut plus en tenir, tu sais. Petit Joe me l'a encore dit cette semaine. Il dit, PS4, j'en commande plus, si tu me le demandes pas. Exactement. C'est terminé. Xbox est terminé depuis longtemps. Puis il faut que les gens nous le demandent. Puis là, on fait des ventes, là, promotion présentement, liquidation pour essayer de se débarrasser de tous nos Far Cry, nos NHL, nos Call of Duty. Puis tu sais, il faut pas essayer d'être compétitif. Il faut pas essayer d'aller prendre ces parts de marché-là à EB Games. EB Games vont mourir avec ça, puis c'est tout. T'sais. On a pas, ça ne donne rien à nous autres. Ces jeux-là, les gens les achètent digitaux. Pis ceux qui le veulent physique sont habitués d'aller au EB Games ou commander Amazon, whatever. Fait que on l'offre, c'est là, mais des précommandes, on en a pratiquement pas de ces jeux-là, fait que ça vaut rien. Le marché physique pour nous, c'est Switch pour les jeux neufs, puis ça va mourir quand ça mourra. Mais je pense qu'avec la Switch 2, qui sera rétro-compatible et tout ça, il y a encore des belles années à venir pour Nintendo, mais pour le reste, c'est en train de mourir bien raide. Étrangement, Stray, on a ouvert les précommandes pour ça, puis je pense qu'on en a genre une petite dizaine, ce qui est un fucking record. Mais les jeux... PS4 qui ont le plus vendu, qu'on a commandé et recommandé, Ghost of Tsushima. Ouais. Ce genre de jeu-là, là, tu sais, ouais. Que Out of Nowhere, c'est comme un petit beau hit là, sur cette console-là. Et puis, c'était pas Out of Nowhere, par exemple. Ben, non, mais tu sais, c'était. C'est quand même Sucker Punch. Le là. Monde, il voulait, tu sais, ce jeu-là. Ouais. Puis, ben, Last of Us 2, tu sais, on a vendu une coupe. C'est exclusif de Sony, là. Exactement, ouais, exactement. Le gros AAA de Sony, là. Exactement. Final 7, je pense, ça c'est quand même... Ah non, man. Non, ça... Et Chris, ah ouais? On s'est fait mal avec ça. Là, personne n'en a acheté, puis on en a commandé plein, man. Esti, ça a été de la merde. Mais tous les jeux de Ubisoft, là, c'est de la merde. Après le premier week-end, puis personne n'en achète, un mois plus tard, ça vaut plus rien, ouais. Esti. Ah c'est de la calice de dons. Mais ça, c'est tout digital. Oui, absolument. Parce les assassins, man. Les jeux de sport, tu sais. Parce que, ben, tu sais, je les regarde, les rapports d'Ubisoft. Mm-hmm. Mais c'est public ce que je dis là, de toute façon. Mais le bac catalogue d'Ubisoft représente un bon pourcentage des revenus annuels. Puis ça va encore très bien, les assassins. Ouais. Mais quelqu'un va être assis dans son salon, puis va faire ah, tiens, Assassin est à 10$, je vais l'acheter. Ben oui. Puis c'est comme ça que. Ils iront pas justement dans le magasin acheter, acheter Origins qui est sorti en. Exactement. Juste l'année 2017, et pff, le monde s'en torche. Totalement, man. Totalement. Martine Bisson-Tilberg directrice générale, qui dit « Je suis un peu jaloux, je n'ai pas eu droit au même traitement, c'est-à-dire bière et Doritos. » Donc, ça sera pour la prochaine fois, Martine. Désolé. Dans le studio, en plus. Maintenant que je sais que je suis capable d'opérer le studio. Nick Lachapelle, encore lui, demande « Limited runs, on en veut plus ou on est écœuré? » Moi, je suis pas écœuré. Moi, je trouve que là... J'ai roté en même temps. Je trouve que là, il gratte le fond du baril. Là. Ouais, mettons la compile de Bill and Ted. Hey, là. Ouais, ça, c'est le prime example. Là. Ouais. Mais tu sais... Il a juste prouvé qu'il était capable d'avoir des licences. On dirait, tu sais... Ouais, mais... Non, mais il a dit carrément, un des deux gars, là, il a dit ouais? que c'était une des raisons pourquoi. Là. C'était juste prouvé qu'il était capable de pogner des licences. C'est juste... Mais comme, tu sais, c'est weird. Ils ont beaucoup de jeux FMV qui sont très, très niches. J'ai l'impression qu'ils vendent quand même, là. Ouais, ouais. Mais c'est niche, là. Ils ressortent tout. Ouais. Finalement, je sais pas, tu sais, j'avais appliqué, tu sais, ils cherchaient un programmeur pour faire des jeux consoles. J'avais appliqué, ils m'ont jamais répondu, finalement. Non, je suis pas trop. Ça me dérange pas trop, là, tu sais. C'est pas full excitant. C'est pas full excitant, là. J'aurais pas trippé. Moi, porter, comme, pourquoi, man? Bill and Ted, man, c'est comme, c'est pas des bons jeux. Non, c'est ça. Moi, leur re-release. Les FMV, comme. Ben, moi, ça, je peux comprendre. Ça, c'est de la technologie. Ça coûte cher jouer à ça, c'est les vraies machines. Mais c'est niche, là. C'est vraiment niche comme marché. Puis ils sortent des versions remastered, là. Ouais. C'est ça. Ils scannent les pellicules, des films, des sculpt pictures. C'est quand même. C'est intéressant. Exactement. Mais c'est niche. Oui. Mais je pense qu'il y a un public pour ça. Quand aussi, même, là. T'sais. Un public intéressant business-wise. Mais ce que je voulais dire, moi, j'écoute quand même quelques vidéos de critiques de Limited Run. Puis je suis pas en désaccord non plus. Tu sais, le monde qui critique comment ils font leur business, puis tout. Ouais. Je suis pas en désaccord avec les vidéos négatives qui ont rapport à eux. Mais non, je trouve que sortir des jeux indépendants physiques, je trouve que c'est encore valable. Absolument. Ben oui. C'est quand qui gratte, là. Que ouais. Je suis comme. Mais moi, les re-releases de Game Boy et de choses comme ça, je ne comprends pas. Moi, je comprends. Je ne comprends Tailgater, pas. Man. Il n'y a personne. C'est un jeu, oui, c'est un jeu. Un bon jeu qui vaut cher sur Game Boy. Pourquoi vous faites ça? Personne n'a demandé ouais, ça. Pourquoi? C'est ça. What the fuck, moi, j'aimerais ça l'avoir, Tailgater, CIB. Genre. Ben oui. Mais là, tu vas le payer 1500. Mais il est si cher que ça. Ben, sûrement, genre, parce que le jeu, il vaut quoi, 100$? Fait que la boîte, elle doit valoir. Mais faudrait-je pas que. J'en ai aucune idée. J'ai faudrait-je pas que notre ami Pierre-Luc Foisy qui me dit, je pense que je vais vendre ma copie. Ah, il y a ça, lui. Ouais, mais dis, je pense que je garderai pas ça. Ça t'intéresse-tu encore? Je dis, ben oui. Mais c'est un jeu obscur, tu sais. C'est un bon jeu, c'est un jeu qui vaut cher. Ben, c'est Natsume. Puis c'est. Oui, mais c'est obscur pareil. C'est pour ça que ça vaut cher, puis c'est obscur. Pas eu tant de copies. Non, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça, Limited Run? Ah, Limited Run, je comprends pas. Mais d'un autre côté. Ils ont fait Shadow of the Ninja. D'après moi, ils ont un deal avec Natsume. C'est quoi le nom de la nouvelle compagnie? Non, pas Shadow of the Ninja. Natsume Atari, c'est-tu? Natsume. Non. C'est le jeu de Game Boy Color. C'est pas Shadow of the Ninja, c'est. Ben oui, ils ont refait Shadow of the Ninja. La version... Ben oui, ils ont sorti Shadow of the Ninja NES. Limited Run. Non? Non, ils ont fait la boîte Game Boy Color de. Le petit jeu de Game Boy Color Ninja qui vaut cher. Là, que c'est Ninja Gaiden Shadow? Ben non. C'est bon, Ninja Gaiden Shadow. Non, l'autre, là. Je l'ai, ce petit jeu-là. Puis finalement, c'est plate, puis c'est brun. Mais. Puis. Tape Ninja Game Boy Color. Ah, ben, oui. Shadow of the Ninja, mais c'est quoi le sous-titre du jeu Game Boy Color? C'est ça que tu penses? Ouais, je pense que c'est lui qui parle. C'est pas Shadow of the Ninja. Il n'y a rien de Shadow of the Ninja là-dedans. Shadow of the Ninja, c'est Shadow of the Ninja. Mais moi, j'écoute, mettons, le CU Podcast, puis eux autres, ils s'insurgent contre ça, là, Limited Run. Là, ils font plein d'affaires et ils disent « Ah, c'est limité. » Wow. Ah ouais. Pour ceux qui écoutent en audio, je suis en train de montrer. C'est Shadow of the Ninja version NES. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Qui ont excuse-moi. Limited Run, on a sorti Shadow of the Ninja au NES. Puis... Il n'y a pas sorti SCAT aussi, je pense. C'est possible, oui. Ils ont... Des choses comme étape ça. Étape Ninja Game Boy Color. Puis c'est l'autre petit jeu. Là, Limited Run. Ouais. Ok, je regarde ça. Puis, mais bref, moi, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Je les achèterai pas, ces affaires-là. C'était les premiers fait qui ont starté ce problème. C'était les premiers qui ont starté ce business-là. De ressortir des vieux jeux, c'est plus. Ceux-là qui ont fait Megaman puis Megaman X. Là. C'est IAM8-Bit. C'est eux autres qui ont parti le bal. Des re-release, par exemple. De vieux jeux, mais moi, je parle pour publier des jeux indépendants. Ah non, c'est Limited Run qui ont parti dedans. Ouais. Puis ça, moi, pour ça, j'aime encore moi, ça. Moi, j'adore ça. Chris, moi, ça garde ma passion de collectionneur. Ben, c'est ça. Tu parlais tantôt de Katana Zero, je l'attends. Ben, j'espère que, tu sais. Ben, oui. Les Castlevania Collection, ben, oui, Contra Collection. Ben, Contra Collection, je l'ai pas acheté parce que Celui-là, je les ai tous. Ouais, ouais. Je fais pas le 7, mais Castlevania, je les achète. T'sais. Absolument. Mais moi, ce que c'est ça, comme... c'est. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas matière à chialer. Si tu l'aimes pas, Return of the Ninja. Que tu cherches. Exactement, c'est ça. Ils ont fait ça. Mais ça, c'est dans la série Shadow of the Ninja. Ben. C'est Natsume. C'est-tu Natsume? Oui, c'est Natsume. Oh, ça. Oui. Mais c'est zéro, ça joue pas zéro pareil. Ouais, mais ça se veut. C'est comme une autre chose. Ça se veut dans la série. Mais bref, personne ne demandait ça. Non, personne. Puis ils l'ont fait. Fait qu'ils font bien les affaires. Chanté avait un peu de demande. Chris, oui, là, c'est quand même un IP intéressant. Là. C'est ben, je parle le jeu original au Game Boy Color. Là. Ouais, ouais. Mais ça reste que moi, en tout cas, j'ai pas. Ça m'intéresse pas racheter des re-releases de jeux. C'est non, ça, moi non plus. Moi, j'aurais ça dans ma collection, je me sentirais sale. Mm-hmm. J'aime mieux avoir le vrai Shantae puis payer 5 000 $ que d'avoir cette espèce de faux Shantae Limited Run. Mais, je dis ça, plein de monde m'en ont acheté chez Retro MTL et merci beaucoup tout le monde. Mais ça, c'est anal. Comme... Moi, j'aime pas ces affaires-là nécessairement. À limite, là, si j'avais le vrai, je serais peut-être un peu chercher la version Limited Run pour la complétion. Ouais. J'ai l'autre, là, je vais aller chercher lui. Mais ceux qui veulent jouer. Mais moi, j'ai les loops, tu sais. Ah ouais, c'est vrai. Non, c'est... mais tu le pognes digital, tu sais. Ouais, ben ouais, mais tu veux jouer sur ta vraie machine, tu sais, tu veux pas payer, tu t'en fous de payer le prix de collection parce que t'es pas un collectionneur. C'est là pour ça, mais tu sais, moi, je suis comme non, là. T'es... Non. Mais moi, je les ai toutes achetées digitaux, puis j'ai toutes les versions Switch dans leur boîte, et c'est réglé. Faut qu'il y ait un plus value, tu sais, comme, mettons, comme Mega Man de Willy Wars, tu sais, ils ont amélioré le save, ils ont fixé. Ils ont fixé du slowdown, tu sais, il y a quand même un plus value. C'est I Am 8-bit, par contre. Hein. Ouais, mais c'est Retro-Bit. Non, ça, c'est Retro-Bit. Ouais. Mais tu sais, pour un real. Je parlais de Retro. Ça, c'est un beau release. Mais ça, c'est un release qu'on n'a pas eu ici. Ouais. Il n'a jamais existé de version physique nord-américaine de Wily Wars. Puis là, il y en a une. Ben, c'est comme si, mettons, il aurait sorti une version physique de Trials of Mana, je l'aurais sûrement acheté pour faire comme Chris, il y a enfin. Oui, oui, oui, c'est ça. Tu sais, genre officiel, Square Enix, Retrobit ou Limited Run. Ça. La version qu'on a mis dans la collection, mais la v'là sur une vraie card SNES. J'avoue que ça, je l'aurais pas acheté, mais c'est intéressant. Mais ils sont allés lazy puis ont expandé à Rome, genre comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ah ouais? Ouais, ils sont vrais. Fait comme, ok, c'est un peu lazy, mais c'est quand même. Bah, il est rendu là. T'as pas besoin là, de rester dans l'imitation de la Rome. Non, mais c'est ça, il n'y a pas de limitation de la Rome qui coûte cher. Là, je comprends. C'est ça. Mais pour répondre, non, je pense qu'on n'est pas écœuré. Puis moi, personnellement, ce que je dis, c'est si ça t'écœure, toutes les autres affaires qui sortent, qui t'intéressent pas, ne les achète pas. Il y en a qui ont puis moi, j'attends les autres affaires qui m'intéressent, puis c'est tout. Qui continue, là. Il y en a beaucoup, là. Ça se perd. J'ai beaucoup moins d'intérêt avec le. Bizarrement, ils ont annoncé plein d'affaires, mais j'ai pas beaucoup d'intérêt dans ce. Non, il faudrait qu'ils réduisent le volume un peu, peut-être. Peut-être. Ben, moi, en même temps, c'est même pas tant Limited Run, tu sais. Moi, du moment que le truc physique existe, que ce soit Limited Run ou un autre, extra que ça rare, soit... Ben, si ça existe sur plusieurs plateformes et Limited Run, je vais préférer Limited Run, bien sûr, parce que je trouve ça plus beau. Mais, moi, à ce moment-là, je trouve que c'est vraiment facile, souvent, d'accéder à l'autre version. C'est bien plus facile, comme Infernax, je veux dire, des Infernax PAL, on aurait pu en commander il y a 2 mois. Mais on a attendu d'avoir le Limited Run. Moi, je trouve ça plus authentique. D'ailleurs, la version Play 4 est arrivée avant, je pense. Oui, elle est arrivée. Parce que moi, ça fait une couple. Ça fait déjà plus d'un mois que j'aimerais ça. Oui, elle est arrivée avant. Ça, le publisher, le développeur et publisher, il n'a pas le contrôle là-dessus. Fait que, voilà. Bruno Georget, question pour Kevin. Combien de Megaman as-tu terminé? Aussi, as-tu d'autres anecdotes sur le sujet? Des anecdotes sur le sujet. Il y a 3 questions pour chacune. On a chacun une question. Mais combien de jeux j'ai terminé? En fait, ça serait moins compliqué de dire. Lesquels t'as pas terminé? Ça serait moins compliqué de dire lesquels j'ai pas terminé. J'ai pas terminé aucun Battle Network, Star Force. ZX, là, je sais pas quoi. ZX, là. Je les ai faites. OK. C'est des Metroidvania, ZX. Ouais. Le premier, la map est dégueulasse. Le jeu, serait correct si la map serait pas si dégueulasse que ça. Puis le deuxième, c'était... Il step back sur les mécaniques, Metroidvania, puis ça devient un... Exploration Platformer. Yes, c'est vrai. C'est ma faute en plus. Ouais. C'est toi qui as insisté. Je voulais juste te le rappeler. Ouais. Mais ZX Advent reste un Exploration Platformer, mais un peu mieux contenu, je dirais. OK. C'est quand même très intéressant, les ZX, qui sont disponibles de toute façon sur la collection Zero ZX. Ouais. Excellente collection d'ailleurs, parce que l'audio de la DS était pas terrible. La... Non, c'est l'audio de GBA. C'est parce que j'ai dit DS parce qu'il existe un Zero Collection du DS. Mm-hmm. Mais l'audio de la GBA était pas terrible parce que souvent, il fallait que ça soit calculé. Fallait que ce soit calculé sur CPU, en fait. Ben ça, il fallait qu'il share avec le temps du jeu pour, voilà, pour mixer l'audio. Il fallait qu'il fasse le mixing de l'audio sur CPU en même temps de faire le reste. Fait que souvent, l'audio prenait un hit. C'est pas juste parce que le speaker donne de la merde. Okay. Mais sur les collections, ils ont restauré l'audio. Puis sa version, comme la, sa version DS, j'imagine, qu'ils ont porté. Là. Je sais pas si la version DS, le son est fixe. Je suis pas certain. D'après vous, oui, il est meilleure qualité parce que c'est un processeur dédié pour ça. Ouais, mais ce qu'ils ont fait l'effort au Session Emulator, tu sais. Je sais pas. Je les ai faites la Zero Collection, mais je les ai faites comme dans le métro. C'est pas de l'émulation. C'est un port, t'as raison. Ben oui, parce que la DS, là, c'est comme c'est une Game Boy Advance Expanded. Là, oui, quoi. Fait que c'est un port, t'as raison, c'est pas d'émulation. Fait que dans la version de DS, ouais. C'est vrai. Fait que, bref, fait que j'ai fait toutes les Zero, toutes les classiques, incluant Rockman and Forte. J'ai pas terminé. J'ai fait lui sur WonderSwan de Rockman and Forte, mais j'ai pas terminé celui-là sur WonderSwan Color de Battle Network. Celui-là, je l'ai pas fait, mais c'est un platformer. J'ai pas fait le GameCube, qui est un platformer aussi de Battle Network. Il y a Command Mission aussi. Mais Command Mission, je l'ai pas fini. J'ai joué un peu. C'est une espèce d'RPG. C'est un RPG. Ouais, c'est un RPG turn-based. Qui est quand même très correct. Ça, j'ai pas terminé ça. Les Mega Man Legends, j'ai fait ça. J'adore Mega Man Legends. Ah ouais, hein? C'est vraiment le fun. T'as fait Mega Man X7 puis X8. Là. Oui, j'ai fait X7. Oui. X7, c'est vraiment pas bon. X8, il y a une couple de bonnes idées, mais. C'est pas tant hot non plus. Cherche là. J'ai fait les deux jeux d'arcade en émulation. Ouais. Qui sont juste des. Mais j'ai fait aussi le port sur Neo Geo. Qui est vraiment le fun justement à cause du joystick. C'est un jeu de fighting. Ouais. Mais une Mega Man, tu sais. Neo Geo Pocket pour. Neo Geo Pocket, yes. J'en oublie-tu? Non, il y en a tellement. Mais c'est ceux-là que j'ai pas fait, là, c'est ça. C'est les RPG avec les chips. Là. Ouais. Fait que tout Battle Network, Star Force, il m'en manque une, Colin, qui m'en revient pas. Je sais pas pourquoi. Là. T'as pas fait le jeu FMV non plus. Super Adventure Rock. Je l'ai, par exemple. Wow. Puis je savais même pas que ça existe. Ouais, c'est un genre de jeu d'avant. C'est comme un visual novel. Juste sorti au Japon. Ouais. Je l'ai, mais je voulais jouer avec Jérôme, mettons. Ouais. Quelqu'un qui connaissait, comprenait le japonais, puis je l'ai jamais fait. J'ai jamais joué non plus à Battle and Chase, qui est le jeu de course. Tabarnak. Sur PS1. Sur PS1. Mais ça aussi, je l'ai. Ouais. Puis anecdote. Non, j'ai pas tant d'anecdotes. Mais c'est quand même Mega Man 3, là. Ouais. Mes cousins avaient emprunté ça à un ami que j'ai aucune idée c'est qui. Puis ça a été dans mes premières expériences avec le NES. Fait que ça. Megaman m'a pas mal ça... buildé comme joueur. Ah, ouais. Même si j'étais vraiment pas très bon. Là. Non, mais c'est quand même dur, Megaman. Ouais, j'ai jamais réussi à le passer. Genou, là, qui commence. Je pense que j'ai jamais réussi à le passer. À le passer à l'époque. Là. Ouais. Mais tu sais. Ben, même, il est long, là, quand même. Ouais, à cause des docks. Tu sais, les dock stages qui sont vraiment rough. Mais tu sais, je me rappelle très, très, très bien. D'avoir joué le stage de Gemini quand j'étais jeune. Ouais, moi, d'arriver j'aimais la musique. D'arriver au tétard, là. Puis je m'en rappelle très, très bien, tu sais. Fait que ça serait pas mal ça, mon anecdote. Ça m'a shapé. Ça m'a vraiment shapé comme joueur. Fait qu'après ça, j'ai joué. J'ai joué toutes les Mega Manics que j'ai joué quand ils sortaient. Puis Rockman and Forte, j'avais juste Rémulation parce que, hey, moi, j'étais même blond d'avoir un jeu de Super NES en 192. J'étais comme. Exact. Je découvre l'émulation. Je vais comme. Ouais. 98. Ouais. What? Dans le temps que le monde y appelait ça Mega Man 8. Ouais. Parce que le vrai 8 n'était pas sorti. Mega Man 9. Parce que le 9. Il appelait ça Mega Man 9. Parce que le vrai 9 n'était pas sorti. Ouais. Parce que c'est sorti en 2009, Mega Man 9. 2008, j'étais pas loin. J'étais à la deuxième année d'université. Fait que. Tu sais. Fait que ça a longtemps été rumor d'être le Mega Man 9, mais maintenant, évidemment, ça marche pas finalement. Plus Justin avait 8 ans dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Pour faire un throwback à la photo que j'ai trouvée dans le cast. Excuse, continue. Fait que c'est, non, c'est pas mal ça, mais j'en ai passé une chier, là. Certainement. Spécialiste. Ah oui. Question pour Barak. Quel est ton meilleur RPG rétro et ton meilleur RPG next-gen? Next-gen meaning la génération actuelle. Je suis pas un gros fan de RPG. RPG tant que ça. Je veux dire, je suis assez classique. Évidemment, moi, Rétro, c'est Chrono Trigger. Je veux dire, ça, c'est imbattable. Ouais. Des nouveaux, je te dirais, j'ai plus joué les Action RPG. Genre, traditionnel, tour par tour, parce qu'il y en a de moins en moins. Puis ça me parle de moins en moins. Je te dirais. Kevin, t'es en train d'arracher ouais, ça. Je te dirais le remake de Final Fantasy VII, c'est pas mal. Je l'ai fait quatre fois. Comme Kevin l'a dit, je l'ai vraiment fait quatre fois. Là. Tu sais, je l'ai fait en anglais, je l'ai fait en français, je l'ai fait en japonais. Puis comme. Ah, je vais la refaire comme pas en New Game Plus, comme From Scratch de même cette année, parce que j'avais rien trop à jouer. Sacrement. Puis tu sais, c'est une affaire de comme 35-38 heures là, à chaque ouais. fois. Là. Fait que non, non. Sinon, j'ai bien aimé le remake 3D de Trials of Mana. Sérieux, là, j'ai fait 3 games pour avoir le platinum, pour faire toutes les fins avec les. Toutes les... Parce qu'il y a comme 3 histoires, 3 branches de l'histoire. Ben, c'est pas vraiment des branches parce que le jeu, ça ressemble quand même bien, mais il y a quand même 3 méchants différents. Toutes de fin dans le jeu selon les personnages. Il y a 6 persos dans Trials of Mana. Ok. Mais comme... ça se situe où ça dans la série là? C'est le 3e. Ok. Là, t'as Secret of Mana. Ça, c'est non, t'as, enfin, non, t'as Final Fantasy Adventure qui est au Game Boy qui est le premier. OK. Qui est Seiken Netsetsu 1. Après, t'as Secret of Mana qui est le 2, en fait. Ouais. Après, t'as Trials of Mana qui est Seiken Netsetsu 3. Après, ça diverge. T'avais Legend of Mana. Legend of Mana. Au PS1. Après, une autre. Sword of Mana au Game Boy Advance. C'est un remake de Final Fantasy Adventure, lui. OK. C'est un, okay. Ouais, c'est un remake, c'est ça. Il y a une autre DS. Ben, moi, je suis pas un. C'est pas ma série préférée. Donc comme même Secret of Mana, j'embarque pas. Moi, j'arrive pas à embarquer non plus. Moi, je suis comme. J'ai une expérience comme différente du reste du monde qu'on joue. Ben, personne n'avait ça quand j'étais jeune. Déjà, Secret of Mana. Puis moi, j'ai joué à Trials of Mana avant Secret of Mana. Fait que, tu sais, le jeu il est comme plus fluide, il est plus beau, la musique est meilleure. Comme, ben, pourquoi j'irais jouer à Secret of Mana, tu sais? Ouais. J'avoue. Mais la musique est bonne quand même. Ah non, mais non, Secret of Mana. Moi, c'est les menus que je trouvais de la marde. Tu trouves la soundtrack bonne dans Secret of Mana, mais elle est deux fois meilleure la suite. Là. Trials of Mana, la soundtrack est comme deux fois meilleure. Mm-hmm. Il y a plus de tunes, puis comme elle est vraie. C'est, ben, je pense qu'une des questions, là, c'était quoi tes soundtracks préférés, puis c'en est une. Là. Je l'écoute quand même. C'est la prochaine question. Ouais, c'est ça. C'était une des questions qu'on avait. Là, c'est sérieux, là, comme elle est vraiment solide. Là. Faut que j'ai pas d'autres idées, j'ai pas tant joué. J'imagine ça va être Sea of Stars quand il va sortir. Là. Ouais, ça va être un Secret of Mana-esque. Ben, non, c'est Chrono Trigger-esque. Ah ouais, Chrono Trigger puis de Mario RPG. Ok. Il va avoir des trucs de timing. Ah ouais, j'avais manqué ça. Ouais. Il va avoir des trucs de timing comme dans Mario RPG pour certaines affaires. Ouais. Troisième question pour moi. Si tu avais 1 million à investir présentement, tu partirais quel business? T'investirais dans ma compagnie. Je te donne 1 million. C'est bien d'être bon, ce schmop-là, ouais. Avec des gars de Longueuil dedans. Avec des gars de Longueuil dedans. Ouais, 1 million, tout d'abord, qu'est-ce que ça représente? Je sais pas, tu sais. Je parle bien gros là, de projet bière, whatever, tout ça, tu sais. Mais mettons, je sais pas, la crypto-monnaie, des NFTs, tu sais. Non, mais... Je pense qu'il parle, mettons, si t'aurais un projet que tu pourrais faire pis t'aurais pas le souci de la monétaire pour le partir, t'sais. Ouais, c'est ça. Ben, et de temps aussi, de temps. Ouais. Ouais, ça serait vraiment de merger ou de mettre un à côté de l'autre, Retro MTL puis Arcade MTL, puis transformer Arcade MTL en premium grosse place avec notre bière. On brasserait notre bière, ça serait la bière Arcade MTL, whatever, il y aurait de la bouffe, t'sais. Moi, je veux la grosse tabarnak d'affaires, là, t'sais. Yeah. Moi, j'en aurais été une proposition peut-être à te faire, mais comme partir un truc de publishing à la Limited Run ou. Ben, on y a songé pour Retro MTN. C'est quelque chose qui nous intéresse de faire ça, en effet. Ouais. Pour les jeux d'ici, on publishera, Mike. Ouais, c'est ça. Si ça arrive. Il y a des gens aussi qui nous ont dit pourquoi faites-vous pas une compagnie de grading, tu sais. Ouais. Parce que. Comment ça s'appelle? Canadian Acrylic, je sais pas quoi, qui est un gars du Québec ici là, qui fait ça, qui fait des cases en acrylique, puis qui grade aussi, mais ces grades-là n'ont aucune valeur sur le marché, là, vraiment. C'est des grades d'ici par des gens d'ici, mais ça va jamais à côté Wata ou. J'oublie l'autre. Tout le temps, là, ou l'autre. VGA, c'est ça. Video Game... Ouais, c'est ça. Video Game Authority. Exactement. Fait que, mais par contre, peut-être qu'on pourrait réussir à en faire un canadien, puis qu'il y aurait un certain reach, puis qu'il y a une certaine notoriété éventuellement. Puis pour ce faire, je pense que le fait d'être un commerce de jeux vidéo qui en vend en très grande quantité à chaque année, puis qui en évalue en très grande quantité à chaque année, ça aiderait à booster la crédibilité de cette affaire-là. Mais ça serait un build à long terme. Là, puis est-ce que ça vaut la peine? Je pense pas. Là, puis le grading, man, c'est en train de... C'est parce que c'est un peu scammy hein, comme industrie. Comme... Ben, c'est pas scammy. Je veux dire, ben non, mais tu fais grader les affaires. Présentement, what les up? Affaires. C'est ça que je veux dire. Ça, là. Ça vient de la game de spéculation monétaire aussi. Mais il y a ça, mais tu sais, je veux dire, présentement, tu sais, c'est ça, le Wata, ils sont tous de mèche, puis ils vendent leurs affaires vraiment chères avec l'autre, tu sais. Ben, je veux dire, ils se sont vendus des affaires extrêmement chères entre eux pour faire rayonner c'est cette chose-là. C'est ça que je veux dire, parce que Camille, là. Autre... Ben, ça, c'est que tu rentres d'un milieu. Le scam, c'est de faire croire que ces affaires-là valent quelque chose. Mais c'est que là, tu essaies mais de rentrer. Mais il y a un réel marché de oui, ça. Là. Mais c'est que là, si tu startes une nouvelle business, c'est quand même de rentrer d'un milieu qui a un historique d'être vraiment un peu tout croche. Oui, oui, oui. C'est pas juste, la bonne publicité nécessairement. C'est ça. Juste ça, c'est risqué. Mais c'est parce que le but de tout ça, c'est d'authentifier les choses. Absolument. Faut pas oublier ça. Là. Ouais. C'est pas de rajouter de la valeur parce que c'est un case en plastique. C'est d'authentifier la patente, tu sais. Puis, tu sais, mais là, tout le monde dompe n'importe quoi chez Wata. Du moment que c'est sealed, il l'envoie. Ouais. N'importe quel jeu de NES, de Game Boy Advance, de marde que tu peux imaginer, le monde, ils font grader ça. Des repros. Ils gradent des repros. Hein? Oh ouais, j'ai vu des justement on parlait de Megaman, j'ai vu des Rockman and Forte genre en boîte qui existent pas là, Megaman and Bass. Mais des vrais bootlegs là. Un bootleg là, tu sais Megaman. Écrives-tu bootleg sur le truc? Je pense qu'ils écrivent repro quelque part, mais okay. Tu sais pourquoi t'évalues ça? Pourquoi? Ils vont évaluer ah oui, toi, on identifie que c'est une vraie repro. Exactement, exactement. Mais ça serait pas une business intéressante, je pense, mais non, moi, c'est ça. Ou sinon, j'achèterais de l'immobilier, man. Je ferais un esti de... J'achèterais un... un million, t'achètes rien. Non, ouais, c'est en ça. Pas... Non, en c'est passant, ça. On check pour les immeubles, tu sais, pour l'achat, pis si. Pis, tu sais, on va acheter un immeuble, tu sais, on va arrêter de louer, là. Pis, Chris, à un million, là, t'as rien, là. T'as rien. Sûrement pas. Il faut que tu mettes 35%, tu sais. Ouais. Fait que t'as besoin d'avoir 350 000 $ dans tes mains, cash. Là. Pour pouvoir acheter une chiotte à 1 million. Ben, si t'as 1 million que... cash, tu peux acheter... Oui, si t'as 1 million cash, tu peux acheter... Ben, tu peux acheter de quoi de plus gros. C'est ça. Puis fournir 1 million cash comme cash down, mais bref. Mais non, moi je continue de voguer là-dedans, puis je me fais pas d'autres idées parce que j'ai pas d'argent pour d'autres idées. Alors, c'est ce que je ferais. Je connecterais tout ensemble. Jacques Germain, Jack Jones, c'est quoi vos soundtracks de jeux préférés ever? C'est l'avant-dernière question. Soundtrack? Ben... Megaman 2, Megaman 3. Ouais, c'est ça. Moi, ça vient... Megaman 2 beaucoup parce que, tu sais, c'était... Moi, Megaman 3 parce que c'était celle-là. Ouais, c'est ça. Final Fantasy 2, Super NES, beaucoup. Chrono Trigger, bien sûr. Les finales... Ouais, les finales, j'aime beaucoup. J'ai pas vraiment... 2 et 3, mais moi... J'ai pas une soundtrack en particulier. C'est plus l'ensemble de l'œuvre là. Mm-hmm. Chrono, j'ai pas... Tu le sais, j'ai pas joué quand j'étais jeune. Ouais. Fait que quand j'ai joué, j'étais pas nécessairement dans la meilleure condition pour pouvoir écouter la condition pour écouter la musique. Tu jouais sur DS, je jouais dans le métro. Fait que la musique, j'ai pas pu tant m'y attacher que ça. Un jeu que j'ai beaucoup aimé au Super NES, puis que les gens en parlent pas beaucoup, puis que la soundtrack était cœurante, c'est Soul Blazer. Pas Sky Blazer, Soul Blazer ouais, de NX. La trilogie Quintet, là. Exactement. Man, cette soundtrack-là est vraiment. J'ai jamais bonne, écouté, man. J'ai jamais joué à ça. Chris, joue à ça, Sty. Lâche tes Spider-Man de PS5, Sty, puis il va te faire un petit RPG simple. Et... Ouais. Un action RPG simple et efficace avec une soundtrack incroyable. C'est super bon, ce jeu-là. Sinon, la soundtrack de Messenger, moi, c'est vraiment dans mes top. Oui, ça, j'ai écouté ça plusieurs mois avant de jouer au jeu. Ouais. Je connaissais la soundtrack par cœur quand j'ai joué. J'aimais beaucoup la soundtrack de Scott Pilgrim aussi. Oui. Hotline Miami, bien sûr, 1 et 2. Moi, c'est mon... le synth, tu sais. Ouais, ça, c'est moins. C'est moins dans mon style, ça. Toutes les Streets of Rage. C'est de la crise de 1 et le 2, pas le 3. Ben, le 3, je peux pas te dire. Je sais pas. Le 3, ils sont allés plus expérimental, puis ils ont utilisé genre des programmes informatiques pour générer de la musique à la semi-aléatoire. Ouais, c'est vraiment weird. Il y a du monde qui trippe. Ah ouais. En fait, c'est ça. C'est soit tu trippes solide ou que tu trouves que c'est de l'estidon. Mm-hmm. Il n'y a vraiment pas de milieu là-dessus. C'est très, très polarizing. Mais va l'écouter juste par curiosité. Mais il y a des jeux. Tu vas vraiment faire. Ah ouais, ils ont mis ça dans le jeu. C'est sorti comme ça. Il y a certaines tunes, genre, on dirait vraiment qu'ils envoient des trucs random à Chip. Genre. Carrément, on dirait que c'est vraiment ça. C'est vraiment weird. Ah oui, c'est weird à ce point-là. Je sais que les frères Lavoie aiment beaucoup cette soundtrack-là. Surtout Jay. Mettons là, le même ton de Genesis. Soundtrack préféré, Elemental Master, Thunder Force 4. Gauntlet 4 aussi, la soundtrack est vraiment malade. La soundtrack de Lord of Thunder. Oui. Dracula X au Turbo Graphics 16. Ah ouais. Oui, ben Rondo of Blood, en fait. Ouais, absolument. Ben, Castlevania en général. Ouais, c'est ça. L'ensemble. Symphony of the Night. Castlevania pour l'ensemble de l'année. Ouais, c'est ça. Castlevania, la musique de SimCity, la musique de Top Gear. Ah ouais, SimCity. Ah ouais, les Top Gear, man. J'ai joué à Top Gear 3. Ben, 3000, man, j'y jouais là présentement. Puis, ben, la toune, quand tu finis une course, là. Puis que tu pars dans ton vaisseau puis t'amènes à une autre planète. Asti, man, c'est... le jeu de Jaguar, là... Oui, Jaguar IJ220 à l'Amiga, man. Asti, man, que c'est planant et agréable. Mais j'aime pas la soundtrack au complet. Juste la toune que tu m'as envoyée. j'ai juste comme 3-4 tounes. Genre, la toune du title screen, les deux, le Moody Breeze puis Trouble Journey. C'est Moody Breeze. Ouais, la base là-dessus est malade. C'est incroyable. Turtles in Time au Super NES. Turtles in Time, c'est assez fou ça. Mais j'essaie de penser aussi, à travers les soundtracks Contra que 3, le Konami. Ouais, c'est quand même bon Contra 3, Sunset mais. Sunset Riders. Ouais. Mais Turtles, moi, c'est plus haut là. On parlait de Shadow of the Ninja tantôt, la soundtrack est vraiment débile. La première tune, moi, c'est une de mes. La tune de l'intro là. Ouais. Ah, tu parles de stage. Oui. Moi, je pensais que c'est la tune de l'intro avec la cutscene là. Oh, je me rappelle pas de cette tune là par exemple. Ouais, c'est ça. Avec le gars dans le ciel. Ouais, c'est ça. C'est celle-là que je pensais. Ouais. Ah non, la tune du premier stage. Ouais. Ben aussi, ça c'est bon. Les Ninja Gaiden, les soundtracks sont débiles. Batman. Les jeux de Sunsoft au NES. Ouais. Blaster Master, Journey to Silius, Gremlin 2, Epic Ricky, man. Les soundtracks. Super Spy Hunter, les soundtracks sont tellement débiles. Super Spy Hunter, je connais pas la soundtrack. Parce que c'est pas un jeu que j'ai joué. Mais j'aime bien la toune du premier stage là, de Super Spy Hunter. Elle stick est malade, cette toune-là. Ah, c'est clair. La toune des boss aussi. Ouais. Le loop est moins long, mais c'est bon. Là. Mais c'est vrai que Sunsoft, c'est solide. Sunsoft Bass, comme calice, que c'est malade. Là. Dans le plus récent, d'un jeu récent de Messenger. Moi, j'aime moins les soundtracks orchestrales récentes. Non, ça me parle moins. J'aime vraiment moins ça. Fait que c'est pour ça que les finales, c'est plus les vieux. Là, même si c'est orchestral, t'entendais plus une mélodie. Là, quand c'est ambient que j'aime pas. Ouais. Je me reconnais pas. J'accroche pas. Ça fait plus là, avec l'unité. Il y a plus de sons à gérer en même temps. Ouais, mais je m'en fous. Ouais. Ça fait plus. C'est ça, c'est nos styles différents. Moi, c'est presque comme s'il n'y avait pas de soundtrack. Là. Ouais. Ça, c'est bien rare qu'un jeu moderne. Triple A, il y a une soundtrack qui va me marquer. T'sais. Ouais. Ben, on a couvert pas mal. Je pense qu'on a couvert pas mal. Double Dragon Neon. Ouais. Soundtrack. C'est peut-être des jeux indie. Shovel Knight, c'est Shovel Knight, c'est très bon. Peut-être des jeux indie pour avoir des soundtracks mémorables d'un jeu moderne. Ouais, c'est clair. Puis sinon, dans les anciens jeux, ok. J'avais un jeu qui m'était venu en tête quand on a dit qu'on changeait. Mais moi, j'aimais bien les Shining Force. Oui. J'aimais bien la musique des Shining Force. Absolument. Dernière question de François Dicantine, l'époux de Martine. Oui. J'aimerais entendre la version longue et romancée de la rencontre entre Kevin et Michael. Sinon, je n'ai que du gros love pour vous trois. Oh. Ben, ouais, je sais pas, man. On s'est rencontrés à l'université. Il était d'une fois. À l'UQAC en 2007. Mais c'est ça, dans le fond, c'est ça. On s'est rencontrés à l'université. Toi, t'étais dans le programme de. D'informatique pure, c'est ça. Moi, j'étais dans le programme de jeux vidéo, qui était en fait une majeure en conception de jeux vidéo. Donc, moi, j'ai eu des cours de design. OK. Puis, moi, j'ai fait une mineure en informatique. fait que j'avais, qui était la prog. Ouais. Fait que moi, j'avais du design de ben, jeu pour la conception. Juste pour le contexte historique, moi, quand je rentrais à l'université, mon but en sortant de l'université, c'était de travailler dans une compagnie qui faisait de l'open source puis qui faisait du Linux. Ah oui, c'est vrai, t'étais fucking un Linux head dans ce temps-là. Ouais. Ah oui, c'est vrai, t'avais une adresse KDE.org. J'avais Linux sur mon laptop, sur mon ordi, et j'avais pas de Windows. Et puis à cette heure, je veux plus rien savoir de Linux. C'est vrai. Puis c'est ça, quand même. On s'est connus dans ce contexte-là. C'est ça, puis moi, la majorité du monde à l'UQAM, mais ils étaient tous là pour le bac en concession de jeu. Fait que je parlais de jeux avec le monde. Puis je jouais putain de moderne, je jouais des jeux rétro. Fait que comme ça m'a redonné le goût du game development. Fait que là, ça a shifté mes choix de cours. J'ai rêvé des cours d'AI, mon projet. J'ai fait le projet de jeu. Même si j'étais pas en master de jeu, j'ai comme crossé le système en mergeant le stage puis le truc projet. Ouais, il y avait un cours qui s'appelait juste projet. Wow. Fait qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais dans la majeure en conception de jeu, t'avais un cours de concept de. Je sais plus comment ils l'appelaient, là, mais il fallait que tu fasses un jeu. Ok. Sur deux sessions même, ouais, je pense. Ouais, c'est ça. C'était troisième année, c'est ça. Fait que moi, j'ai fait ça et j'ai fait le cours de projet en plus. Fait que moi, sur trois sessions, j'ai fait des jeux. Ok. Fait que. Ça a été une catastrophe, notre affaire. C'est souvent une catastrophe. Mais nous, on n'avait même pas de jeu quand c'est fini. On avait, C'était ambitieux, votre truc. Ouais, c'était bien trop ambitieux. J'arrive pas à me rappeler c'était quoi. C'était mayonnaise, man. C'était comme une espèce de Zelda-like Maya, genre. Puis comme tout ce qu'on avait au final, c'était comme Maya. Une map, un bonhomme qui pitchait des flèches, puis un title screen. Mais c'était en 3D? Non, c'était en 2D. C'était en 2D? Non, c'était avec SDL. As-tu encore ça sauvegardé sur un zip quelque part? Ouais, j'ai encore le code source de ça. C'est mon ordi. Je l'avais porté à Wes quand j'avais rejoint Ubisoft pour me pratiquer. Ah ouais? Ouais. Fait que je veux voir ça, mayonnaise. Faudrait que je le fasse compiler. Mais c'est-tu mayonnaise? Mayonnaise. Ok, mayonnaise. C'était un nom, c'était le code même. Je me rappelle. Ben c'est ça, comme on avait des locales à Titré, puis Kevin était le local à côté. À côté. On était carrément à côté. Ok, ok. Fait que vous connaissez depuis ce temps-là. Ouais, depuis l'université. Mais vous n'êtes pas connu à Montréal. On était pas close friends à l'université. Non, c'est ça. C'est vraiment à Montréal qu'on a travaillé chez ETI ensemble. Oui. Ma première job à Montréal. Ta première job à Montréal aussi. Ouais, c'est ma première job. On était intégrateur. Ah, c'est que c'était de la merde. Qui était vraiment pas la job la plus glorieuse. On passait nos journées à débugger des jeux, pas coder une nouvelle feature. C'était vraiment de la calice de merde. Mais le monde était crissement le fun. Ouais, c'est ça. La pire job, mais le meilleur monde que j'ai vu, que j'ai rencontré chez ETI, genre. Moi, je me faisais un peu moins chier parce que c'était des vieilles affaires qui marchaient plus, puis moi, il fallait que je les fasse en marcher. Ouais. Fait que c'était un petit peu plus loin du porting pur, tu sais. Puis j'étais comme, ok, mais cette fonction-là, c'est de la merde, on la recode, on la refactor, genre. C'était vraiment frustrant parce que c'était comme divisé en trois départements. T'avais l'intégration, le dev, puis les applications. Puis t'avais comme tous les intégrateurs qui sortaient de l'université. Puis t'avais tous les devs, c'était comme du monde de cégep. Nous autres, on checkait le code, on était comme « Tabarnak, man, que c'est ça, calice, man? » Puis tu sais, des fois, on était en partenariat avec du monde dev qui développait des nouveaux jeux, puis je checkais le code, je fais « Oh non, Chris, man, que c'est ça? » Genre, j'apprenais SVN, ils connaissaient pas putain SVN, genre un système de gestion de version, ouais. Tu sais, comme « Voyons donc, c'est... » Nous autres, là, on est comme là, on connaît plus que du monde dev, on est pas... Puis là, c'était tellement saturé, on pouvait pas monter au dev. C'était vraiment dur, c'était vraiment... C'est là que j'ai appris aussi à détester le Scrum, parce qu'à un moment donné, j'étais comme... Moi, je suis bloqué là, dans mes tâches, puis parce qu'on utilisait des... Ben, c'est un genre de SDK là, qu'on appelait des gens de la lib. Ouais. À un moment donné, je leur dis, ben, j'ai besoin de telle feature, tu sais, ça me bloque dans ma job, là, maintenant. Ah, ben, on va planifier ça pour le prochain sprint dans deux semaines. Mais non! J'ai besoin là, tu peux pas shifter tes priorités. Ah non, c'est le prochain sprint. Ah, mais il avait engagé un manager qui était comme quasiment Scrum Master certifié. Mais le monde était plaisant. Fait que ça a quand même été une belle introduction. C'est vraiment là qu'on a plus bandé. Ouais, c'est ça. Puis là, on a commencé à se voir en dehors de la job. Puis encore plus quand on a commencé. J'ai commencé à actionner et toi aussi. C'est là que ça a vraiment plus fusionné. De quoi? Quand t'as commencé à collectionner aussi. Ouais, aussi, c'est vrai. Ouais, c'est ouais. Pas mal plus là. Mais sinon, à l'université, comme on était comme. On se connaissait. On était comme dans deux gangs séparés à l'université. Mais tu sais, on allait dans les parties des fois. Ouais. On allait même parties, mais on se parlait pas tant que ça. T'sais. Ok. C'est vraiment plus rendu à Montréal qu'on a plus bondé. Là. Mais rendu à Montréal. Ici, là. Quand on a déménagé de Chicoutimi. 2011, moi. Janvier 2011. Ouais, c'est ça, t'es arrivé comme 6 mois après. Ouais, c'est ça, 6 mois après toi. c'est vraiment plus là qu'on a le plus. C'est ça. Puis... Vous êtes rappelé ou vous êtes croisé à des places? Non, on est encore ensemble sur Facebook. Puis là, on s'est croisé chez DTI. Ouais, on travaillait ensemble. On travaillait ensemble. On travaillait pas sur le même projet, mais on dînait ensemble. Ouais. On dînait en grosse gang quand ouais, même. C'est ça. Fait que là, justement, ben. Ah, je vais faire une passation de crémaillère chez nous, ben viens-t'en, pis tu sais, fait que c'est le même qu'on puis, en bandait. Mais la première année, on avait plein de monde de l'université qui était déménagé à Montréal, fait qu'on se tenait encore, on se voyait plus souvent, tu sais, j'ai ouais. vu ouais. Plusieurs, là, comme, tu sais... Tout le monde est à Longueuil, puis la oui. monnaie, tout le monde s'est explosé. Mais vraiment, on est allé à Sainte-Julie, la ville du bonheur. La ville du bonheur. C'est ça le nom de la ville, c'est ouais, ça leur quote. Ils ont gagné une couple d'années, là, la ville du bonheur. C'est ça, rien de moins que c'est ça leur slogan, mais ça s'est spreadé, puis il y en a une couple qui sont à retourner à Chicoutimi, ou... Ils ont eu des enfants, fait qu'on les voit moins. Ouais, comme Bebleu, avec qui je fais du Netplay. Ouais. On a travaillé ensemble à Montréal, mais quand sa blonde t'enseigne, il a fait ben, je vais aller au Saguenay pour. Je vais retourner au Saguenay. Je vais avoir un bébé au Saguenay. Pour Montréal, mon, c'est pour ça. Pour éduquer mon enfant. Bon, pas vrai que mon enfant va jouer dans les ruelles. Longueuil, où ce qui était, c'était ghetto. Là. Ah, ben, ouais, à un moment donné, on est allé là un soir, on a eu de la misère à sortir parce qu'il y avait une fusillade en arrière, dans la rue. Là. Littéralement, là, à genre deux coins de rue. Là. Yes. Là, on sort, on fait pourquoi il y a plein de police? Il aurait pu gonner le biologiste à Mike. On l'aurait pas su. Pas ce jeu-là serait jamais arrivé. Il est pas né encore. Faut qu'on conquère la Lune avant. Faut qu'on ait des colonies sur la Lune avant. C'est ça. Il reste tant à faire. Oui, c'est ça. Oh. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Puis fait aussi qu'on est deux programmeurs aussi. Fait que souvent... Là, je suis comme content quand Kevin me parle de prog. Je suis comme « Enfin, je peux parler de prog! » C'est ça. J'aime bien Mathieu Bonin aussi. J'ai souvent des bonnes discussions techniques avec. Il est toujours très curieux qu'est-ce que je fais aussi. Fait que j'apprécie. À chaque fois, c'est ça parce qu'on est une gang très athlétique comme de différents backgrounds. Ouais, c'est ça. Puis même la gang, la maudite clique de l'arcane. C'est maudit là. C'est esti là. La clique de l'arcane. Tu sais, on est deux programmeurs, mais on est très différents dans ce qu'on programme. Ouais. Mais qui est très low level. Moi, je suis vraiment très high level. Je fais des tools. Puis moi, les API graphiques, là, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Là. C'est ça, tu sais, moi je trippe, tu sais, je connais un assembleur sur NES et sur Super Nintendo. Je suis comme à un autre niveau, là. Ouais. D'ailleurs, man, le hack que j'avais fait de Balloon Fight, là, je comprends toujours pas comment j'ai réussi à faire ça. Pourquoi? Ça m'a pris. J'ai fait ça en un mois, man, puis j'ai comme réussi à décompiler le code, comprendre le code, réussi à afficher un timer. Ouais, là, ouais, là, mais pourquoi tu comprends pas encore pourquoi tu comment t'as fait? Man, Je suis impressionné que j'ai été capable de réussir à faire ça. Mais là. C'est dans l'époque que tu faisais beaucoup de hack MSU. Ouais. Fait que t'étais comme dans le mindset de... J'avais pas de blonde aussi. Ouais, j'étais plus jeune. Mais c'est pas ça que je veux dire. T'étais dans le mindset de debugging, puis de reverse engineering. Ben pas reverse engineering, mais vraiment de debugging. Ben reverse engineering, là, c'est ça. Là. Ouais, c'est vrai. Faut que je comprenne le code, puis c'est ça, j'étais encore impressionné. T'étais vraiment dans ce mindset-là déjà, fait que ça c'est comme... C'est juste pour, en gros, pour ceux qui... Ben, j'avais fait un version... C'est exactement là, je m'en allais. J'avais fait une version custom de Balloon Fight pour un des festivals rétro. Quand Iwata est décédé. Oui. Oui, c'est ça. Fait que j'avais trouvé... John Riggs avait fait des sprites. J'ai intégré ça, des sprites. J'ai racheté un nouveau mode que c'était comme un... Tu jouais... Tu peux pas... J'avais activé le fait que tu perdais des vies. T'avais une durée limitée de 3 minutes puis c'était celui qui faisait le plus de points. Ouais. Fait que j'avais rajouté un screen pour présenter le tournoi. Là, tu pèses des boutons pour confirmer ta présence. Après, ça faisait un screen qui affichait comme Akumé! Ben, c'est comme le corps pour que là, le monde comprenait pas pourquoi j'avais mis ça, mais c'est comme au karaté quand on faisait des combats, c'était ça qu'il disait avant. Fait que c'est pour ça que j'ai mis ça. Puis j'ai fait que ça. J'ai enlevé les bonus rounds. Fait que j'ai pas brisé le jeu original. Fait que c'est vraiment un mode extra genre, que j'ai rajouté au jeu. Puis ça. Genre de mode versus de compétition. Ouais, c'est ça, mais c'est comme c'est vraiment. Hommage un autre... à Iwata. Vous devriez faire un tournoi de ça à l'arcade. On l'a sûrement déjà fait un moment donné au Funzo. Mais non, mais non. Avec la ROM. Non, j'ai la carte. Ouais, ah oui, on avait fait une. C'est vrai, René avait fait une carte. Ouais, on a fait tirer la carte, puis moi j'en avais eu une. J'ai encore. Ben oui. Fait que moi j'ai mon Balloon Fight, c'est mon Balloon Fight que j'ai. Ah ouais, c'est quand même c'est cool ça. C'est une repro de qualité, c'est pas une repro avec des Noms de voltage. Je me souviens, j'étais vraiment fier, j'avais timé l'affichage du score, genre. Il y a comme un petit jingle de 7 minutes, genre. Puis là, ça affiche au pum à la fin. J'étais vraiment fier de ce hack-là. Sûrement pas 7 minutes. C'était peut-être 7 secondes. 7 secondes. Tu peux pas en vendre de ça. Non, je peux pas en vendre de ça, mais ouais, j'étais vraiment fier de ça. Je comprends toujours pas quand j'ai réussi à faire ça en un mois, même. Puis à comprendre le code puis comme réussir à... Je me rappelle que j'avais été impressionné. Ouais. Ça m'avait vraiment impressionné ton hack, mais j'étais comme, ben oui, il fait ça, lui, il fait ça, il hack. C'est mon premier hack que je rachetais une fonctionnalité, tu sais. Vraiment, là, au lieu de juste comme remplacer la musique, je rachetais vraiment un truc de game. C'est quelque chose de plus, tu sais. Sans éditeur, sans rien. Ah bon, c'était fou. Fait que c'est ça notre amitié, moi et Kevin. Ben voilà, une belle amitié florissante encore aujourd'hui. Ben oui. Hey, ça fait un bon, quoi, 3 heures de spectacle. Mais 3h12, ouais. Tu réaliseras ça en deux parties. Ouais, ben non, crisser ça d'un pain, je pense. ça va être... Mais on va en vacances de toute façon, fait que ça va faire un très long épisode pour les gens. Ils l'écouteront en 2 shots. C'est ça. C'est trop compliqué, là. Ils l'écouteront au complet. Fait que, ben messieurs, merci d'être venus. C'est bien le fun. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Oui. Ben ouais, c'est vrai, j'arrête pas de gosser avec ça. Ben là, je me rends compte que c'est très simple, en fait. Ouais. Hein? Fait qu'on on pourra bien faire ça. Ah oui. Plus souvent, puis... Je suis content qu'on a répondu à toutes les questions aussi. Oui, c'est vrai, on les a pratiquement toutes faites. Il y en a une qu'on a skippée, mais ça répondait au... tu sais, c'est comme ça avait pas rapport où ça répondait déjà. Fait que bref, oui, on a complètement tout couvert. Puis ces questions-là, bien sûr, ça se rajoute toujours du parlage. Fait que c'était bien cool, guys. Sinon, on suit le chat à cassette. Allez-vous refaire des épisodes un jour? Ah oui, on avait parlé on a parlé il y a un mois. Ah, faudrait en recherche une prochaine, finalement. On n'a pas reparlé. Mais là, ce qui arrive un peu, c'est qu'on est un peu éclaté aussi. Jérôme, c'est... tout le monde a déménagé, sauf toi puis moi. Oui. Mais dans le fond, c'est ça. Gréty, c'est sûr pas de déménager. Jérôme a déménagé. Bon, on avait parlé plus de novembre, ça. Nicolas rentre sa rive nord. C'est ça, Nicolas rentre sa rive nord. Ça complique beaucoup les choses. Avant, il était dans le coin... Il était à Saint-Hubert, limite Carignan. Okay. Dans le coin de tes parents, je pense. À côté de chez mes parents. À chaque fois que t'en parles, d'après moi, c'est vraiment dans le même coin que Nicolas était. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est que Grétis allait souper avec Baroque, puis Nico, il me pognait, moi, en montant. OK. Fait que là, si on enregistre, il faut que j'aille souper avec eux autres, parce que moi, je vais embarquer avec Grétis, qui est à 5 minutes de chez nous. Fait que là, ça change vraiment la logistique. Moi, je finis par ma mère. On commence à manquer de sujets aussi. Il y a ça aussi, à un moment donné, de quoi qu'on parle. On ne sait comme plus. Les nouvelles, on s'est tanné. Il y a ça. Vous êtes tanné de les préparer. Ouais, mais. Non, mais c'est parce qu'on s'intéresse plus aux nouvelles. OK. Tu sais? Mais les nouvelles du rétro, c'est pas tant. C'est intéressant. C'est intéressant pour le monde qui s'intéresse. Mais d'autres, on les lit, puis OK. Mais on les liste pas, là. Fait qu'on fait pas. Ah ouais, on devrait parler de ça au chaque. Fait qu'à la place, quand on dit on fait un épisode, là, faut qu'on aille repiger les nouvelles. C'est quoi les nouvelles qui sont sorties? Ah ouais, on va parler de ça, puis on va parler de ça. Puis finalement, on. Ça fait 2 mois de sortie, ça, c'est encore pertinent, puis on le sait plus. Puis finalement, on fait juste pas d'épisode. OK. Mais, en puis les sujets, on sait plus quoi parler non plus. Parce que souvent, on faisait des news, puis après ça, on faisait au début 2 sujets. Ouais. Puis maintenant, on n'avait pas assez de sujets, mais beaucoup de news, fait qu'on faisait 1 sujet. Ben, de toute façon, chaque segment est quand même très long. Fait que des fois, il n'y aurait pas besoin de news. Il n'y aurait pas besoin de sujets, que les news, ça fait quasiment le show complet. C'est parce qu'on. Tu sais, maintenant, on trouve des trous pour parler de d'autres choses qu'il y a les news. Ouais. Bon, ben, il n'y a pas de l'opportunité, on les prend pour parler d'autres choses. Moi, je me suis tanné de parler des news. Ouais. C'est un peu ça. Ben, moi, j'aimais ça. Mais je comprends que c'est du travail. C'est ça qui est. Puis, Ça veut dire s'il n'y a pas de nouvelles qui nous interpellent non plus. Tu sais, récemment, c'est surtout il y a des nouveaux Core Misters. C'est pas mal là que le fun y est. C'est ça. Toutes les Everdrive, ils sont ça s'est stabilisé, on dirait, comme un accessoire rétro. C'est ça, les ODE, les Optical Drive Emulators aussi, plus grand chose. Elles sont toutes sorties, c'est ça, comme tous les trucs intéressants. Il y a le truc qui va être intéressant. Je pense qu'il n'y en a pas pour PlayStation 2. La prochaine affaire qui va être intéressante, c'est sûr qu'on a une télé 4K, c'est qu'il va y avoir le RetroTing 4K. Ouais. Ah ouais, hein. OK. Yes. Fait que ça, c'est niche en esti. Ouais. Il y a des updates aussi pour le 5X, pour des modes vraiment fuckés de semi-4K, genre, mais... Ça intéresse. Vous avez plein de sujets, esti, là. Vous êtes en train de repartir un autre show. On les a dit, là. c'est ça. Ouais, mais vous les avez pas expliqués. Mais c'est juste ça. En fait, c'est pour ça. La news est là. Mais... On l'a pas le device, là. On le sait pas, là. C'est quoi la. Alors, c'est de résumer les news, man, carrément. Là. On s'est pas trouvé de gimmick de sujet comme à paquer tout le temps chaque show. T'sais, on pourrait parler plus de jeux en particulier. On s'est toujours dit que les critiques, c'était vous autres. Bon, c'est retour nouveau. C'est non, mais c'est rien. Là. Non, mais on est comme fait. Retour nouveau, ils font des critiques. Nous autres, on n'en fera pas. Ça nous tente à un moment donné de parler, de faire une critique d'un produit. Ouais, on va le faire. Empêchez-vous pas. Là, mais ben non, on pas de... ça nous tente pas tant. C'est pas de la compétition. Non, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est plus dans le sens, nous autres, notre créneau, ça va être. Le côté tech, technique. Ouais, mais là, on a fait le tour à un moment donné. Puis le next-gen, on connaît des choses, mais ce qu'on vient de dire, c'est pas mal ça qu'on connaît. Là. Puis aussi, dans les dernières années, j'ai pas mal plus joué de next-gen que rétro aussi. Fait que ça a comme. Tu sais, j'ai. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est comme le. Puis tu sais, la vague de collection, c'est comme. On collectionne putain, hein, tu sais. Tout. Kevin, oui, mais comme le reste du monde, là, comme. Ben Nicolas aussi, mais c'est des stuff. Très deep. Personne qui a, qui ben, c'est ça qui est intéressant, par contre. Ouais. J'adore quand il fait des chroniques, d'ailleurs. Ben oui, moi aussi, des chroniques d'affaires weird. Ouais, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Ça. Mais lui aussi manque de temps pour les préparer. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive c'est aussi. C'est le temps. T'sais. Fait que c'est ça. Mais il va en avoir d'autres, c'est certain. Ben oui, ben écoutez. C'est certain que c'est pas mort. Puis on en a parlé une couple de fois d'en faire un autre. Ouais. Puis il va être en présentiel. Parce qu'en Discord, on a un peu plus de misère à avoir. Ouais, moi je trouve ça dur. Moi j'ai pas de problème quand je fais des meetings. Puis quand je stream, on fait Discord, le netplay, puis j'ai pas de problème. Mais c'est pas tout le monde qui a la même aile. Qui est autant à l'aise. Fait que là, ça fait pas des discussions aussi fluides. Faut que tout ça, t'as un délai parce que quand tu parles en même tu temps. Tu laisses l'autre parler. Quand tu parles en même temps en live, ouais. Ça marche mieux, tu sais. Ouais. Ça, c'est plus facile, ça tu se vois fait tout mieux. Suite que quelqu'un parle, ouais, c'est ça, tu le vois, puis tu le vois dans les yeux, tout ça. Mais dans, faut tout le temps t'attendre quand c'est en numérique, tu sais, comme sur un Zoom ou sur un Discord. Fait que non, c'est pas pareil. T'sais. Non, il manque un petit quelque chose. Ouais, c'est ça. Mais bon, il manque une dynamique. Sinon, votre back catalogue est disponible sur Spotify, ouais. iTunes, ouais, RZO. Ben, RZO, iTunes, Spotify, quel autre? Google Play. Non, ils ont fermé le service de podcast. Calice, je savais pas. J'arrête pas de dire que mon podcast est disponible sur Google Play. N'y a-t-il plus du tout de Google Play? Non, il me semble qu'ils ont enlevé la partie podcast. Mais c'est rendu YouTube Music. Google, ah Google oui, c'est Play. Ça, ouais. Mais je sais pas si on est passé. C'est un autre Kill by Google project. Là. Mm-hmm. C'est bon, ça. Ben, ok, je vais arrêter de dire ça. Puis là, pour l'instant, c'est encore disponible sur retrogamer.ca. Ouais, c'est quoi, c'est retrogamer.ca? J'étais supposé checker pour changer le hosting de cette affaire-là, mais on jamais. Mais présentement, retrogamer.ca, on est en transition de. Parce qu'il ne se passe plus rien là-dessus. Non. Fait qu'à la place de payer un domaine pour ça, là, on va switcher, puisque Nicolas Ribillard a son site de Video Game Kraken. Ok. Où ce qu'il parle de. Dans le fond, c'est un genre de catalogue de consoles obscures. Ok. Fait que lui, il y a déjà ce hosting-là. Fait qu'on va déplacer le hosting vers là. Fait que l'adresse risque de changer. Ça, c'est vraiment pour downloader les MP3 direct. Là. Okay. Mais ça change rien. Ben, oui, ça change rien. Ça change de quoi? Parce que là, j'aille sur chacun des services. Nous, oui, mais quelqu'un qui écoute Spotify va continuer d'écouter Spotify. Ça change rien. Après, faut juste aller faire l'update du flux RSS. Voilà. Voilà. Mais quelqu'un qui se dit, ah, moi, j'écoute sur Spotify ou j'écoute les épisodes sur Twitch, ouais. Ça va rester pareil. Ouais. Okay. Mais il va falloir que dans le background, on fasse la transition. On l'a juste pas fait encore. Non. Ça viendra. C'est ça. Bon, ouais. Ben, on va fermer le spectacle, messieurs. Oui, oui. 3h20 de show. On se rend à 3h30. On se rend à 3h30. Calais, c'est l'équivalent d'un mois de travail là, oui. Pour moi. Fait que merci beaucoup d'être venu. Ouais. Plaisir. Et puis, merci à tous à la maison. Et puis, on se revoit probablement la semaine prochaine pour une dernière shot avant mes vacances. All right. Bye-bye. Yes. Bye. Bye.